raconter nos histoires qui sont trop belles, sont cruelles, sont fanées. Les passions passagères nous font tout oublier. La raison se réveille à la fin de l'été. Quelle drôle d'époque où les cœurs se connectent pour soi-disant s'aimer. Quelle triste époque, on s'aime sans question, on ne fait que consommer. Quelle drôle d'époque où l'espoir se reflète. Et vous trouvez pas que ça sent vraiment l'été, ce morceau? Ça fait vraiment un peu musique limite la vérité si je mens à la fin où tout le monde vient avant la fin de l'été. Allez, c'est parti, il est 21h. Bonjour à vous, bonne soirée, c'est Guillaume, Radio 2.0. Nous sommes en direct. Il aura fallu attendre la fin de l'année pour qu'ils aient des horaires simples. Du lundi au vendredi, de 21h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0. Allez, j'espère que j'ai passé une bonne journée, tout le monde aussi. Hein. J'espère que les cours se sont bien passés. Le boulot pour ceux qui sont allés au taf. Hein, bon courage tout le monde, 21h jusqu'à minuit. On est en direct, on se croise Zao tout à l'heure avec MHD, le nouveau. Là, laissez les coumans, on se calera. On se calera tous les plus gros hits. Découvert ici en première radio de France, 21h minuit. C'est ici que ça se passe les soirées, les gars, 21h à minuit. Jusqu'au 15 juillet, on est resté avec vous, on a prolongé nos. Et alors, comme tous les soirs, hein, si vous voulez balancer un petit message, vous pouvez y aller par SMS, on les voit, ils arrivent sur l'écran d'ordinateur directement. Il faut taper juste Guillaume au début du texto. Guillaume et votre message au 6-11-12 pour le balancer. Vous l'envoyez au 6-11-12 et vous tapez bien Guillaume au début. Et moi, je vais voir comme ça avec plaisir, les mecs. Tous les messages, on va les lire à l'antenne aussi. Voilà, dédicace à tous les pros. Salut les pros du canular, je roule en direction de Lyon. Et j'espère que vous n'avez pas et j'espère que vous nous avez prévu du lourd pour ce soir. Salut à Valou 49, Fred et Audrey de la team Merceva, gosse du 18. Salut les mecs, et ben c'est parti, on se fera Zao, on se fera Gims. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité. Il y aura Jay Sean et Sean Paul, Make My Love Go. Ils seront d'ailleurs avec nous sur la scène du Energy Music Tour à Toulouse. Le concert que je vais animer, on sera 370 000 à Toulouse le 14 juillet. Ils seront là. Jay Sean, Sean Paul, il y aura Justin Timberlake. Aussi, on se calera avant tout à l'heure, avant la fin de l'émission. Bon, vous êtes peut-être en voiture là en train de rentrer du taf, bon courage, peut-être vous êtes sur la route et c'est en train d'aller voir des potes, d'aller au resto. On passe les soirées ensemble, je m'appelle Guillaume, c'est Guillaume Radio 2.0. On est là le soir, d'habitude un petit peu plus tard et on en profite pendant 3 semaines pour être là un peu plus tôt, un peu en avance. Vous voulez venir faire de la radio avec nous, juste balancer un petit message, une dédicace, bah, je l'ai dit à l'antenne. L'équipe qui est avec moi chaque soir, je vous les présente hein, si vous découvrez l'émission aujourd'hui. Dans l'ordre de taille, Amina du Standard. Salut Guillaume, salut tout le monde. JM du Standard. Salut Guillaume, salut à tous. Ouais, attends, je prends du plus petit au plus grand. Flo des cadeaux. Salut Guillaume, salut tout le monde. Et j'ai un stagiaire. Ouais, salut Guillaume, salut tout le monde. Voilà, le plus con à la fin. Le mal est Dalton. C'est un peu ça. Non, j'ai jamais dit le plus. Je l'ai pris comme ça, moi, mais bon. Non, mais c'est vrai. C'est ça en plus. Mais pour une fois, j'ai pas. Ouais, c'est ça. Ah oui, non, mais le dernier, c'est le plus con. Et la petite teigne. Ouais, c'est ça. maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Non mais en plus c'était pas du tout dans ce but-là, c'était pas du tout pour faire une vanne, c'était vraiment. Je suis grand. On part du plus petit au plus grand. Demain on partira du plus grand au plus petit. Du plus gros au plus mince. C'est ça qui va commencer là du coup. Il y a moyen qu'il y ait un bruit là. Il faudrait faire une photo. Du plus intelligent au plus bête. Il faudrait faire une photo sur les cadeaux. Nous en Dalton et toi en Lucky Luke. Ah ouais ouais ouais. Merci. Bah écoute, c'est pour ça que j'ai travaillé sur Et il faut toujours un ringard dans une équipe. Ah ouais. Il faut toujours, c'est dans la Bible des équipes. Ça serait drôle. Le ringard. Et puis le mec, il est vraiment sûr de ses idées. Ah ouais. Ça commence bien. Ça fait partie de la Bible. Il lâche pas quoi. Putain, mais ils sont deux. Alors là, c'est que, alors moi, je me suis trompé. Je mangeais coché. Ringard quoi. J'ai rien dit. Je dis lâche pas moi. Fier d'être paysan. Salut les paysans. Salut Flav. Salut. Okay. Salut les agriculteurs. Big up. Big up. J'ai une info à te faire partager. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit pari avec toi. Tu iras te coucher moins bête ainsi que tous les auditeurs. Alors vas-y, bah écoute-moi, laisse ton numéro. Et puis je vais t'appeler avec plaisir. Voilà. Retour du taf avec énergie. Salut la quille. Salut. Bonsoir à tout le monde. Grosse dédicace à Nolan du 22 qui vous écoute. Bonsoir. Karine Play. Gros bisous à Karine qui a pris mon nom sur Instagram. Salut. Je t'embrasse très fort. Étant livreur de pizza, j'ai pas de vacances tout de suite, mais vous êtes là donc c'est nickel. Et ben gros bisous les mecs. Bon courage. Ça va être une putain de bonne émission. Sa mère la chèvre. Salut à toi Mathieu de VLS. Et je m'occupe tellement fort de la sœur de Jean Stagiaire. Voilà, on va arrêter avec le message. C'est pour ça que je lis, non, pas les sœurs, ni les mamans. Pas la famille, rien. Moi, je voulais absolument. Limite les cousines, allez. Non, c'est pareil que la sœur. Je voulais absolument utiliser mon petit poème. Ah, alors vas-y, envoie-le-moi et avec plaisir. Parce qu'il n'est pas en entier, j'ai juste quelques premiers mots, là. Guillaume et votre message aussi sans doute. Si vous voulez venir avec nous, vous êtes à la maison. Il y a le premier de la soirée qui nous a envoyé un message. Il s'appelle Demzé. C'est ça, Demzé ? C'est un Américain. Ça va, Demzé ? Ouais, ça va et toi ? Ça va, gros. Et juste, tu peux couper la radio derrière ou le haut-parleur ? Il y a pas de parler. Ah, ça fait un petit écho, j'entendais, c'est pas grave alors. DMC, putain, c'est marrant ça. Comme l'acteur, hein. Comme Patrick DMC. Ouais, exactement. MC, ouais. Putain, c'est marrant. T'as une origine anglo-saxonne ou américain ou irlandais? Ouais, c'est américain, mais j'ai pas d'origine, moi. Ah ouais, d'accord, ok. Tes parents, ils aiment bien. Ouais, bah, ça a un rapport avec l'acteur ou pas? Je sais pas du tout. Ouais, tu sais pas. Je peux leur demander au pire. C'est possible, hein. Ouais. Mais je suis sorti du coma pour toi. De quoi t'es sorti du coma pour moi? Patrick Dempsey, il était dans le coma avant. Ah, il est à l'acteur. Ah, c'est vrai. Ah, mais c'est oui. Ah, oui, d'accord. Ah, peut-être. Mais en vrai ou dans un film? Ah non, en faux. Ah, oui, en faux. Ah, ouais, mais pourquoi tu me parles de ça? J'ai eu peur. Je suis sorti du coma pour toi. Je sais, qu'est-ce qui me dit là? Le mot coma, il est pas là. Tu t'es fait arrêter par la police, c'est ça? Avec mon père, ouais. Moi, je sens la couille quand même. Alors, parce que j'ai dit à Mina du standard, elle est en train de se rendre compte qu'elle est tombée sur un zouzou bizarre. Là, le coma, ouais, ça vient pas. Elle est en train de me niquer le il s'appelle Demzé, va nous raconter une histoire. Parce que, alors, moi, j'ai vu ton histoire et j'y ai pas cru. Mina du standard m'a dit si, je t'assure et tout. Tu te rends pas compte, ça, c'est sa phrase de base. Bah oui, parce que j'ai foi en lui, moi, à la base. Je crois qu'elle a foi en. En beaucoup trop de choses. Elle a foi en se faire niquer, surtout. Ouais, peut-être. Elle a même à se faire avoir, je crois. Pardon, mais depuis ce matin, Mina du standard en réunion, elle fait des. Mais c'est la fin du monde. Plus à parler. Ah ouais, non, mais c'est magnifique. C'est terminé. Fin de soirée. Oh là là. En plus, c'est marrant parce que vous avez chacun une façon de plus articuler. JM du standard, lui, comme dit Mina du standard, il dit un mot à la minute. Ouais, c'est ça. Je sens que c'est un poisson rouge. Il sait plus ce qu'il va dire. C'est vrai, c'est plus où il est. J'ai un stagiaire, lui, c'est. Ouais, moi aussi, des fois. Il mange les mots comme ça. Je mange les mots. Et Mina du standard, c'est. Ah, moi, c'est affalé sur le comptoir. C'est vraiment marrant. Chacun a une manière différente de bugger là. On différencie comme ça. Petite dédicace à mon petit frère Aaron, c'est son anniversaire. Bon anniversaire. Hein. Si vous êtes né le 30 juin aujourd'hui, on est en direct. Il y a eu du foot, j'ai essayé. Il y a Pologne-Portugal à 21h. Voilà. Exactement. En direct de Marseille. Depuis 7 minutes. Les quarts de finale de l'Euro. Et donc, vu qu'on est en direct, on peut vous dire dès qu'il y a un but. Voilà, salut Tarlo, salut les gars. Salut. T'es le meilleur quand tu dis comme ça. Bonne route à tous les chauffeurs Saint-Chaillant. Salut les gros, salut David du 53. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes les meilleurs Jenny du 10. Salut dans l'aube. Salut. À mon frère, voilà, il y a beaucoup de messages qui arrivent, Flavio, etc. Bah, salut à tous. Guillaume au début du message et vous me l'envoyez au 6 11 12. Voilà, si vous voulez venir avec plaisir les gars. Et donc DMC, il t'est arrivé une histoire avec la police. Attends deux secondes. Ouais, vas-y. Envoie ton message. De toute façon, c'est fini. Ah, le lourd, je sais. Ouais. Je sais. Non, mais je le sais, je le sens. Amina du standard, elle me croyait pas. Je suis dégoûtée. Alors, bon, pourquoi il y a un écho DMC? Il y a des moments où il y a des échos. Alors, on est tombé sur un cas difficile. Bon. On va les gérer. Explique-moi mon DMC. Ouais. Donc, je raconte mon histoire. Ouais, vas-y. Donc, en fait, si tu veux. Mon père, il a une Nissan GTR, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, c'est voiture de sport, Nissan. Ouais, les grosses. Ouais. Et, tu veux. On devait aller, je sais plus trop où. Et on était parti sur l'autoroute. Et mon père, il a décidé d'accélérer. Attends, te mets pas dans le vent, mon MC, parce que sinon je t'entends plus. Ouais, là, c'est bon. Ouais, et puis il y a juste 1 million de personnes à qui tu casses les couilles. C'est juste à l'abri du vent, mon poteau, tout sera bien aimable. Bah, fais un effort, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Ouais, non, ouais, donc. Merde. Je sais plus où j'en étais, du coup. Que tu partais en voiture, en fait, sur l'autoroute, avec ton père qui avait une Nissan GT-R. Ouais, voilà. Et bon, sur l'autoroute, on a décidé d'accélérer et on est monté à plus de 200 km/h. Alors que normalement, c'est limité à 130. Et avec les 5 km/h d'erreur de compteur, c'est en gros, on était à 195. Et on a été flashé par le radar, tu sais, qui est dans la bagnole. Ouais, bien sûr, ouais, je vois très bien, ouais, radar marqué, ouais. Et donc, bah, sur coup, les flics, ils ont mis les gyros et tout, donc on s'est arrêté. Ouais. Et bon, on n'a pas cherché à faire le mal parce que la caisse est assez balèze, ouais. Donc du coup, on s'est arrêté. Les flics, ils ont juste demandé d'essayer la voiture. C'est pour voir si elle n'était pas trop équipée ou des trucs comme ça. Et sur coup, ils nous ont dit qu'il fallait qu'on aille au tribunal le lendemain. Ouais. Donc c'est ce qu'on a fait. Et sauf que bah, comme c'était dans le soir, on a demandé de voir les clichés du radar. Ouais. Et en gros, qu'on a contesté, et comme le chauffeur il n'était pas identifiable ou reconnaissable, ou je sais pas comment on dit, bah ils ont pas, enfin tu sais, ils pouvaient pas donner l'inverse en preuve. Bah si, normalement tu peux quand même prendre l'amende. Et la plaque. Même si tu sais pas le conducteur, ouais, si c'est une voiture personnelle, à moins que ça soit une voiture de société. Dans ce cas-là, c'est le patron. Et là, t'as le droit. Non. Tu prends une amende, mais t'as pas les points parce que tu dis, je ne sais pas qui conduisait quel employé à ce moment-là. Ah, c'est un bon dos. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une voiture de. Sauf qu'il y a des patrons, maintenant ils peuvent le dire. Immatriculé sur la société, ils peuvent le dire, mais tu as le droit de non-délation. Ouais, c'est ça. Depuis la Seconde Guerre mondiale, t'as le droit de non-délation en France, t'as le droit de ne pas balancer quelqu'un. C'est bien, heureusement. Et là, j'ai pas compris. Ils ont demandé à essayer la voiture. Un flic n'essaye jamais les bagnoles. Ils te mettent dans le pot, voilà. C'est un faux flic. On a fait essayer. Ah, vous avez prêté la voiture au flic? Et ouais, bah ils ont dit oui. Mais genre pour leur plaisir. Non. Pour donner la preuve qu'elle était pas trop équipée d'ouf. Non, bah ils vont pas laisser. Bah, c'est équipé, c'est pas ce que m'a dit Amina du Standard en réunion. C'est totalement différent. Ce qu'il m'a dit juste avant non plus. M'a dit, ils ont demandé d'essayer et s'ils avaient le droit de l'essayer, bah du coup ils mettaient pas l'amende. Ouais, c'est genre du troc. Attends, ça c'est possible, j'ai le Standard. Il a plein qui le fait. Non, je pense qu'il y a déjà eu. Non, attends, excuse-moi, deux secondes. Je pense qu'il y a déjà eu. Excuse-moi. Non, je pense qu'il y a déjà eu des mecs. Très peu, parce qu'aujourd'hui quand même, les flics, ils sont. Non, mais il y a surtout un chef dans chaque voiture et tout. Donc il va pas dire, vas-y, Coco, va faire un tour de la Ferrari. Non, assuré, vas-y. Mais non. Vas-y, puis on ne met pas l'amende. Moi, j'y crois peu. Après, qu'il y ait des arrangements, genre. C'est normal. Bon, allez, t'es le boulanger du village. Allez, je te la mets pas. Et par contre, au réveillon, tu mettras un petit rôti en plus. Tu vois, je suis sûr que dans les petits villages, tout ça arrive. Ouais. Voilà. Si une fille, elle est jolie, ça passe. Non, mais peut-être pas la fille, mais le flic du village. Oui. Ça peut arriver que le flic municipal, t'es à la pétanque avec lui. Moi, dans le sud, je viens du sud et mes parents, ils sont. Tu le laisses gagner après. Les policiers municipaux, ils sont aussi au tarot le week-end avec mes parents et à la pétanque. J'imagine que. Tu lui payes un apéro. Tu te fais flasher, il dit bon allez vas-y José, vas-y passe et puis allez crame la photo. Tu me ramèneras une bouteille demain et puis on trinquera à tes points, voilà. Mais ça c'est sûr que c'est déjà. Est-ce que vous avez déjà eu une arrestation un petit peu originale, un peu comme DMC qui a fait essayer sa voiture à la police? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire arrêter de manière un petit peu originale? Par exemple, moi une fois, j'avais 16 ans, j'étais en moto en 125, j'étais en train de cabrer au bord de la mer, torse nu et sur une piste cyclable. Quand il y a un flic à cheval qui est arrivé, qui m'a rattrapé à cheval. Ah ouais, voilà, il a galopé, il est arrivé plus vite que moi, le salopard. Et avec son sifflet, il m'a fait signe parce qu'il y a des flics à cheval au fait au bord des plages parfois l'été à Perpignan. Moi, je viens de Perpignan. Ah oui. Et il m'a arrêté à Barcarès exactement. Et du coup, il m'a mis 3 amendes. Je sais pas qu'on pouvait multiplier les amendes. C'est une amende pour truc dangereuse, une amende pour je sais plus ce que c'était pour excès de vitesse et une amende pour piste cyclable. Oh. Et voilà, il m'a mis 3 amendes. Ah, il m'a 3-0. Non mais en plus, moi, j'étais torse nu, donc c'est illégal. Ah non mais j'avais tout. Ouais, mais l'été ça. Alors c'était vraiment pour cabrer 50 mètres pour montrer à un pote qui était sur la plage, j'étais avec 2-3 copains, j'ai dû avoir une moto que j'arrive à la lever. Ouais. Et est-ce que vous êtes déjà fait arrêter un petit peu de manière originale, JM du Standard? Ouais, moi c'était un livrant des pizzas en fait. En mode livreur? Ouais, c'est ça. Avant de faire la radio, je livrais des pizzas dans le sud, à Marseille. Et le délire, c'est que je suis tombé sur des flics et j'ai sorti le nom d'un pote qui était aussi livreur de pizzas, mais il était flic la journée. Et en fait, c'est ça qui m'a sauvé. J'ai dit, ah, mais je crois que vous connaissez un tel. Attends, il était livreur de pizza? Le soir, ouais. Et flic la journée? Bah oui. Il faisait 2 boulots? Bah oui. C'est vrai? T'as le droit, non? Tu peux faire flic la journée, Nassau Black? Voilà, oui, de ouf. Attends, mais c'est risqué quand même pour un flic, non? Non, pas forcément. Pourtant, c'est la nationale en plus. Ouais, enfin bon. Et en fait, c'est lui qui m'a un peu sauvé parce que j'ai dit, ah, ouais, mais je travaille avec lui et tout, vous le connaissez? Il a dit, ah, bah oui, y a pas de souci. Lui aussi, il est un peu foufou en voiture, vous pouvez y aller. Non! Il était barjot, il avait un pot troué pendant. Oui, mais lui, peut-être, mais c'est pas le flic. Il va pas dire, attends, tu connais l'abruti? Allez, mais bah aussi, oui. Alors toi aussi deviens un abruti. Non, j'étais pas trop teubé là, tu vois. Ouais. Sur le coup là, il a dit bon ça va. Je sais que votre collègue il est un peu foufou aussi, mais voilà, faites attention sur la route et voilà. Ouais. Il était barjou mon pote. Un peu. Bon, bah, possible. Hein. Ouais, Je sais, j'ai déjà fait arrêter de manière originale du coup dans les transports. Non, jamais, mais j'ai une connaissance à moi que j'ai connue ce week-end par ma sœur en fait qui s'est fait arrêter parce qu'il ressemblait à un flic, un collègue au flic qui est mort en fait. Donc ils l'ont reconnu un peu comme ça, tu vois, ils l'ont un arrêté. En fait, il y a un mec à moi, un pote de ma sœur, en fait, qui s'est fait arrêter ouais. parce qu'il ressemblait à un ancien flic qui était mort. Et ses collègues ont vu le mec. C'est choquant, genre. Ouais, c'est choquant. Il m'a dit qu'apparemment, il lui ressemblait. Ils ont montré une photo. Ils l'ont arrêté juste pour lui parler, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est dingue. Le mec, il m'a raconté ça ce week-end. Je le connaissais pas très bien. Ah, c'est drôle ça. Et ouais. après, ils ont dit bah désolé, on voulait juste vous arrêter parce que ben, vous ressemblez à notre collègue qui est mort. C'est quoi. Un peu glauque. Hein. Ouais, c'est glauque, mais ils l'ont arrêté juste pour ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire après? Bah rien. Le mec, il était gêné. Il avait rien fait. Non, il a rien fait. Ah, ouais. En fait, ils l'ont vu. Il ressemblait à leur ancien collègue. Non, mais j'ai compris. C'est voilà. Pas Même moi, il m'a dit ça, je fais ses choix. Bah, attends, moi je lui dis, attends, gros, je comprends et tout, je suis très triste pour toi, mais pourquoi enfin. Mais ils l'ont arrêté, je sais pas. Je vais au boulot, quoi. Je sais bah, ouais. pas, je vais pas faire une photo, c'est un peu glauque, quoi. Bah ouais, je sais bien, mais bon. Bizarre ça. Ouais. Alors, salut Guillaume, c'est un mytho, le gars, il me semble que les Nissan GT-R sont interdites en France car trop puissantes. Non, pas du tout. Non. Bah non. Non, il y a aucune voiture qui est interdite en France parce que trop puissante. Après, c'est à toi de respecter la limite, mais. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y en a parfois, moi j'en croise en Paris et tout. Salut, très peu, c'est vrai que c'est des voitures, il y en a très peu. C'est rare. Salut l'équipe, bonsoir à tous les chauffeurs prod'hommes de Steven du 35. Salut à toi là. Salut. Et alors toi DMC, c'est ton père qui a une Nissan GT-R. Ouais voilà c'est ça. Combien de chevaux ça fait ça cette Nissan GT-R? Bah nous elle est préparée sur quoi? Elle fait 600 chevaux. Ouais. D'origine je crois que ça fait 400. Non ça fait 585. Ah. 585 d'origine. Ouais ouais donc t'as pas beaucoup préparé. Non il est là ton père ou pas DMC? Pour témoigner. Moi non. Ah il est pas là. Il est nuit. Ah mais il fait quoi comme boulot? Il est imprimeur. Imprimeur, d'accord. Avec une Nissan GT-R, bah c'est bien, c'est une belle voiture en tout cas, c'est bien kiffé. Bravo. Amina du standard, tu t'es déjà fait arrêter de manière originale? Ouais, le pire c'était dans le train. J'étais avec des potes, on a fait du shopping et puis en fait ma copine avait les pieds sur le siège et c'est interdit. Et il y a la police ferroviaire qui est passée à ce moment-là et en fait c'était un prétexte pour nous arrêter parce qu'apparemment je ressemblais à une meuf recherchée. Et en fait, bah, parce que je ressemblais à une star. Mais non, tu peux pas comprendre, Guillaume. Non, c'était quelqu'un qui était recherché pour je sais pas quoi, un truc grave apparemment. Ils sont arrivés, ils étaient genre 10, ils m'ont fouillé, ils m'ont sorti tous mes sacs devant tout le monde en plus, tu vois, devant les portes du train en fait. Et tout le monde me regardait, ils sortaient mes culottes que j'avais achetées et tout, j'étais dégoûtée. Amina du standard, la tête de la meuf qui est recherchée par la grâce. Police. La tête des meufs imprimées au commissariat. J'étais dégoûtée. Avec marqué un petit. Avec une somme. Alors, est-ce que pareil, ça vous est déjà arrivé de vous faire arrêter, j'en sais rien, pour un truc un peu original parce que vous avez une belle voiture? Est-ce que ça vous est arrivé de vous faire arrêter parce que vous rouliez dans la nuit et vous aviez exactement la même tête que le braqueur qui vient de braquer la boulangerie juste à côté? Ouais, ça arrive. Hein. Est-ce que vous vous êtes fait arrêter d'une manière originale? Guillaume et votre SMS maintenant, là, au 6-11-12. Il faut le commencer par Guillaume et vous me l'envoyez maintenant au 6-11-12. Venez réagir avec nous, vous êtes les bienvenus. Il est 21h16, on se fait Ritza. Je m'en fous sur Énergie. Désormais je m'en fous et j'avance. Tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens. Aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Tu sais plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi je m'en fous. Et au fait, non je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Tu me tournes autour. Laisse-moi faire mes affaires. Je te laisse faire des efforts. l'autre en l'air. Ouais, au fond, je m'en fous, rien à faire. Tu as raison, oui, j'ai tort. Moi, je préfère me taire. Ouais, au fond, je m'en fous. Vous dire quand ça commence, okay. Mais je peux pas vous dire comment ça va finir. Okay. De 22h à 1h, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour. On se croise là-haut tout à l'heure avec MHD, pas de problème, le nouveau là, laissez les Kouma, on se calera en entier. Bonsoir Guillaume, pourquoi ils l'ont arrêté le pote à Jeu Stagiaire, j'ai pas compris. Alexis du 39. Ah, il ressemblait à un ancien collègue. Non, mais ils ont fait exprès, ah, c'est dans la gueule. Et moi, comme un con, je réexplique. Ça fait 5 fois qu'il réexplique le gars. Ah ouais, bah ouais. Jeu Stagiaire, il s'est répété sur une arène, mais à un niveau, les gars, c'est aussi. Au cas où, ouais, ça peut servir. Si, on est dans la 205 avec Marcel et Coco. Salut les gars. Salut dans la 205. Salut Guillaume, moi, deux flics m'ont fait croire que j'étais positive à l'alcotest et que je voulais et voulais que je laisse ma voiture juste pour rigoler avec un air sérieux. Salut Déborah. Ah, très bon. Oh. Ah, c'est putain, un peu du vol, ça, ah ouais, non mais pour rigoler, mais bon. Ah madame, vous êtes positive. Putain, ouais. Là, t'es dégoûté. Là, t'es dégoûté. Ah, ah ouais, alors qu'en fait, y'a rien. Mais tu le sais quand même, non. Allez, bâtard. Vous avez conseillé 3 grammes, madame. Ah ouais. Ah ouais, putain, il faut faire. Mais bon, ça, c'est chaud. Pas, je crois. Ah, moi, je m'énerverais. Tu portes plainte. Ah ouais. Avec des faux flics, là. Avec des faux flics. C'est interdit, non, je pense. Ouais, je crois. Mais y'avait pas une caméra cachée sur France 2 à une époque. Ouais, un mec chauve. Mais à mon avis, c'était fake. Un petit, là. Quand j'y repense. Ouais, y'avait une caméra cachée sur France 2 à l'époque vers 20h, je crois. Ouais, je me rappelle, ouais. Y'avait un gars, une fille, une série avec du jardin. Il y avait ça. Ouais, c'est marrant. Ça s'enchaînait, ouais. Désolé, j'ai pas pu répondre tout à l'heure, j'aimerais trop passer. Bah, y a pas de problème. Vous me laissez votre petit message et puis je vous rappelle tout de suite, hein, Guillaume, et votre message au 612. On se calera Zao tout à l'heure sans problème. Et là, on se racontait un petit peu les fois où est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver arrêté par la police d'une manière originale. Par exemple, vous marchez dans la rue et vous vous faites arrêter parce que, j'en sais pas, vous avez un chien qui a un truc bizarre, vous voyez. Le flic touche le chien. Fait arrêter est-ce que vous êtes déjà fait arrêter en moto à 300 à l'heure en roue arrière? Ah ouais. Et vous n'êtes jamais arrêté, j'en sais un, vraiment une arrestation originale. Pierre-Jean, bonsoir Pierre-Jean. Ouais, salut Guillaume. Ça, Pierre-Jean. Salut, ça va ou quoi, mon Pierre-Jean? Ouais, ça va, les gars. Bon, tranquille. Écoute, t'as 24 ans et tu viens de Metz dans le 57. Ouais, la Moselle. C'est ça, ouais. Le Nord-Est. Ouais. Eh ben, enchanté, gros. Hein. Déjà passé à l'antenne avec nous? Non, c'est la première fois, dépucelage. Eh ben, salut. Eh ben, c'est gentil. Hein. Dépucelage radiophonique. Hein. Et 1-0, la but. Ouais, but de la Pologne contre le Portugal, 1-0. Voilà. But de Lewandowski. Lewandowski. Robert, ouais. On est en direct, il est 21h21 et but donc à l'instant. C'est ça, Vélodrome de Marseille. Il y a un match ce soir. Pologne-Portugal. Pour l'Euro. C'est d'arriver et donc la Pologne qui marque. Qui mène 1-0. Et c'est le début des quarts de finale. Ouais, donc c'est bien ça. C'est-à-dire que celui qui perd se casse. Ah bah oui, c'est fini. Ce soir, il y a une des deux équipes qui ne jouera plus. Il y aura un gagnant. Portugal. Tu paries sur qui, moi, j'ai mis 2-0 pour la Pologne. Donc pour l'instant, je suis bien. Tu as mis 2-0, c'est-à-dire. Avec des potes. Un pari sportif. On a des paris entre potes en fait. Ah oui. Voilà, mais c'est comme ça. 2-0 sur la Pologne. J'aime pas trop le Portugal. T'es mal habitué. Non, j'aime pas Ronaldo en fait. C'est vrai. Ouais, désolé pour ceux qui aiment. Je sais pas, même s'ils perdent 1-0, je mets le Portugal 2. Ah, c'est à 2-1. À chaque fois, ça remonte en ce moment. Moi, je suis passé au banc d'essai avec une moto trafiquée de partout. Salut Guillaume. Salut Man. Et toi, Pierre-Jean, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, on se racontait les arrestations originales. Ah, écoute, c'est l'année dernière, le 24 décembre. Ouais. Moi, j'avais mis le père de ma copine, en fait, nous avait tuyauté, tu vois, moi et son frangin. Quand il était jeune, lui, ce qu'il faisait, tu vois, il faisait le Père Noël dans les foyers le soir du 24, juste avant le dîner, en fait. Ouais. Et il visitait les gosses, enfin les familles, pour donner les cadeaux, faire la petite photo. Oui, bien sûr. On va rester évasif pour ces enfants qui écoutent en famille. Ouais, le Père Noël, tout ça. Ouais. Et cool. Bon, bref, machin. Je fais le premier foyer, je pars sur le deuxième. T'étais payé pour faire ça? Ouais, 180 euros. Ouais. C'est pas vrai. Je fais moi aussi. La soirée? Bien. Mais si, mec, ouais. il y a tellement de gens qui demandent. Attends, mais par famille, non? Par heure? Non, c'est par foyer. Ah, par foyer? Oh, attends, c'est-à-dire que. Par foyer, c'est par famille, quoi. Mais tu restes combien de temps? Genre une demi-heure? Et t'en fais 10, c'est bon. 20 minutes, on va dire 5 minutes, t'arrives, les parents, machin et tout. 20 minutes avec les gosses et après tu pars. Et 180 boules? Bon, attendez, je sais ce que je fais. Attendez, vous bougez pas, il y a juste 30 secondes de mais bougez pas, les potos. Énergie préférée sont toutes sur la scène du Energy Music Tour.

dire quand ça commence, mais je peux pas vous dire comment ça va finir. De 22h à 1h, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez. Je me suis fait arrêter à cause d'un poupon. C'est quoi un poupon? Oula. D'un poupon. Pardon, d'un poupon. Pourquoi appeler un poupon? Un bébé, quoi, un poupon, non? Ouais, ah oui. Je me suis fait arrêter car je roulais pas assez vite, Guillaume. Moi, salut à mon fils Hugo qui est né ce matin. Bravo, mon con. Ah, bien joué. Je me suis endormi en voiture en rentrant de soirée. La police est passée. J'ai eu de la chance que je les connaissais. Ils m'ont ramené chez moi, m'ont déposé dans mon lit. Ah, c'est un taxi, ouais, quoi. Mais c'est parce que c'est les potes de ta famille. Ah, bah, et tout. Oui. Ah, c'est bien. C'est rigolo. Avec les gyrophares. S'ils sont sympas parce que sinon. Ouais. Salut, Guillaume. C'est un mytho car un peu de 180. Sur autoroute, la voiture part en fourrière direct, plus retrait de permis sur le champ pendant 6 mois minimum. Baptiste de Toulon, je me suis fait arrêter avec mon père parce qu'il a une Ferrari de collection, les flics étaient en chien. Avez-vous reçu mon petit colis breton? Non, on n'a pas reçu, ma Karine du 35. Salut, ma chérie. Bisous. On n'a pas reçu, mais c'est très gentil d'avoir envoyé quelque chose. Je dirai à l'antenne, évidemment, dès qu'on recevra quelque chose, bien sûr. Moi, je me suis fait arrêter juste pour regarder ma moto et me demander si elle tournait bien. C'est un modèle spécial. Ah, c'est un moteur, le flic. Je me suis fait arrêter en vélo à 64 km/h au lieu de 50 en ville lors d'un entretien de vélo de route. De ouf. Ouais, c'est possible. Ouais. On s'est arrêté avec mon mec pour savoir si on vendait notre voiture tuning orange avec un gros dragon sur la carrosserie. J'ai pas compris, gros, là. Je me suis fait arrêter alors que j'achetais une baguette de pain à 3h du matin dans un distributeur. Bah, t'as le droit. Ouais, je me suis fait. Alors, on se raconte un peu les arrestations un peu originales. Flo des cadeaux, tiens, qui s'occupe des cadeaux de l'émission. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire arrêter de manière originale? Ouais, un peu. En fait, on était en train de se battre avec mon pote à 3h du matin à poil devant une mairie. Ah oui, t'avais raconté. Ouais. Ça peut aider, ça. Et donc, ça, c'est la manière la plus originale, ouais. Parce qu'il y a la police qui est passée à ce moment-là et du coup, ils nous ont vus, ils se sont arrêtés directement. Un nunu. Ah ouais, à poil complètement. Avec des lumières. Avec des lumières qui étaient dans le sol qui nous éclairaient pour nous mettre bien en valeur. Ah, ça devait mettre en avant tes boules. Ah ouais, c'était magnifique. Et donc, ils se sont arrêtés direct pour nous demander ce qu'on faisait. Et tu t'es fait. T'as pris une amende ou pas? Alors, pas moi, mais un de mes. Attends, potes... t'as une voix bizarre là, non? Ah bon? Oui, je crois que ton. Parce que là, ça parle vraiment. En fait, on a un problème de micro. On les a réglés. Ils l'ont réglé. On les a réglés aujourd'hui. Effectivement, il y avait un problème, j'avais dit hier. Ah ouais, ils sont venus. Sur les Damina du standard. Et... Mais alors là, j'ai l'impression que ça fait. Ou alors, c'est Charles de Gaulle qui se met à parler comme ça. Non, regarde. Je me transforme. Regarde. Non, pas pourtant. Tu vois, ça fait un peu plus qu'avant. Ah. Ça fait un peu trop. Alors qu'il a pas cette voix là dans la vraie vie. Faut les régler. Attends, je vais transmettre l'info. Alors on va leur dire que le réglage. On va les appeler maintenant. Après, je sais pas si ça passe comme ça à l'antenne. Excusez-nous, hein, peut-être que ça passe normalement à l'antenne. Désolé. Mais c'est que vous savez, il y a beaucoup de câbles dans un studio de radio. Ouais. Le casque n'est pas branché sur la même chose que le tuner sur les radios, etc. Enfin bref. Moi, j'ai envie qu'il y ait le meilleur son possible pour que Flo des cadeaux soit mis le plus en avant possible. Bien c'est sûr. C'est très gentil, merci beaucoup. Alors vas-y, raconte ton histoire. Donc tu t'es fait pris d'amende. Alors non, mais par contre, il y a un de mes potes avec qui je me battais à poil qui a commencé à faire le rebelle. Du coup, ils l'ont foutu en garde à vue. Ah ouais. Mais tu fréquentes des gens chelous, hein. Ouais, quand t'es à poil, tu fais profiter. Entre pas, ces hein. festivals où tu vas tout le temps, où j'ai l'impression que tu manges de la merde, on sait pas trop. Hein. Tu fais des trucs de fou, etc. Ouais, à chaque fois, c'est bizarre. On rigole. Et alors, on était avec Pierre-Jean juste avant, du 57. Pierre-Jean, hallucinant. Hein. Il nous a raconté juste avant qu'on parle de sexe et qu'on fasse comme tous les jeudis. Isa Jésus, tout à l'heure, je me ferai passer pour un voyant avec Boubou le marabout. On le fera tout à l'heure. J'ai un stagiaire, tu seras Boubou le marabout. Avec plaisir. Et, ouais. Et je me ferai passer pour Isa Jésus, le faux voyant. On va essayer d'énerver des parents. Juste après là. Moi j'ai doublé les flics à 210 sur l'autoroute. Non. Et j'ai eu un retrait de permis Voilà. Tu cherches la merde. Ah ouais, mais t'as eu de la chance de même pas aller en zonzon là. Là ouais. Tu les provoques les missiles. Si les gars, c'est pas la GTR mais la Skyline qui est pas immatriculable en France. Donc un Français ne peut pas en avoir une. Putain, c'est ouf ça. Ah ouais. Ah, salut Anthony, merci Yaman. Salut la team, un jour un flic a braqué son flingue sur la tête de mon père dans la rue parce qu'il ressemblait à un mec qu'il recherchait pour terrorisme. Oh putain. Ah, non, mais attends, braqué, t'es sûr? Si. Ah, c'est terrorisme. Ouais, on est en état d'urgence. Voilà, si vraiment s'il est sûr que c'est le mec. Et il dit putain, ça y est, je l'ai, les gars. Genre, t'es le sosie d'un mec chelou. Vous êtes Emmanuel? Non, moi c'est Laurent. Bonne journée, Laurent. Je viens de croiser une GTR bleue sur la A62, justement, dédicace à lui. Salut. J'ai eu un accident avec ma caisse alors que j'avais picolé. Les flics sont venus. L'un d'eux m'avait connu délinquant. Après m'avoir reconnu et que je lui raconte mon ascension professionnelle, il a contrôlé mes papiers et m'a reconduit. Et j'ai pas la suite du truc. C'est rigolo ça. Bah, vous pouvez nous raconter un peu les belles histoires aussi. Hein. En arrestation originale, c'est au Sénégal avec mon père. On s'est fait contrôler par un flic qui affirme nous avoir pris en excès de vitesse avec son pistolet laser alors qu'il n'y avait même pas de pile dedans. Ah, bien. Salut Arwan. Ouais, et là, tu m'as laissé 07 60 76 32. Tu m'as pas laissé ton dernier numéro. Ah ouais, faut le deviner. Donc je ne peux pas te rappeler, mon ami, mais en tout cas, merci beaucoup. Il y a Kevin qui est là aussi. Bonsoir, Kevin. Oui, salut, bonsoir. Ça va, mon Kevin? Ça va, bon, salut. Salut. On parlait avec l'un d'entre vous qui, alors Mina du Standard, je crois que tu l'as raccroché, une 3. Oui. Ah oui, je te disais juste ça, ça veut dire fais moins de bruit, tu sais. C'est ah pas, d'accord. C'est pas, Mina du Standard, elle est fatiguée. Quoi. Mais non, mais pour moi c'était. Non, c'est comme ça. Regarde bien mes doigts, tu sais. Pardon. Non, voilà. Un langage des signes. Ouais, parce qu'en fait, on a un langage des signes. Je fais le signe du ciseau quand c'est pour couper la ligne. Ouais, ouais. Et quand c'est comme ça, c'est pour. Ça veut dire qu'il fait trop de bruit derrière. Ça marche. Attends, je voulais qu'il nous raconte son plan. Ah oui. Attends, tu peux le rappeler, ouais. Merci beaucoup. Il avait une technique pour gagner 180 euros en se faisant passer pour un Père Noël. C'est stylé. Kevin qui est là de Mazamé, tu m'entends, Kevin? Oui, je t'entends. Bon, ça va ou quoi, gros? T'es au volant, toi, Kevin? Pardon? T'es routier, là? Non, je suis agent de sécurité. Agent de sécurité, très bien. T'as 25 ans, hein, Kevin? C'est ça. Eh ben, très bien, enchanté, mon Kevin. Alors. Bienvenue, Kevin. En direct du Tarn? Ouais, 81. C'est ça, gros. Tu suis un petit peu l'équipe de France cette année ou t'en as un peu rien à branler de l'Euro, toi? Je m'en fous un peu de l'équipe de France. Moi, ouais, tu t'en fous un peu des coups, ah, t'as une autre équipe, alors? Mais... Ouais. Non, mais tu. Ah, tu suis une autre équipe? Ouais, c'était un peu pour l'Angleterre, mais... Ah bah c'est fini l'Angleterre. Ouais. Ah, ils sont par l'Islande. Ouais, ils sont pas assez longtemps en Angleterre cette année. En 8ème de finale. C'était pas une bonne pioche. Bah, l'Angleterre voilà. En ce moment, c'est pas leur truc. Hein. Ouais, c'était pas leur année. Ouais, dans rien en fait. Enfin si, remarque, ils sont contents après le Brexit, on juge pas si ils ont choisi. Ouais, mais il y en a qui regrettent. Un peuple a le droit de prendre la décision de son futur. Voilà. Ouais. Ils veulent revoter certains. Et que tu sois content ou pas, voilà, ça s'appelle un référendum, ça s'appelle la démocratie. Alors on juge pas et puis... Bah ils l'ont choisi. Et exactement, voilà. Après, on n'est pas des hommes politiques, donc moi j'y comprends rien. Est-ce que ça va amener... ou en avantage et en qualité. Bah rien si pour nous. Et je crois que même les spécialistes ils sont pas tous d'accord entre bah eux. Non. Mais bon voilà, on embrasse les copains anglais. Ouais, bah oui. Bisous. Les origines anglaises aussi bien ouais. Sûr, hein, ceux qui sont français ou belges ou suisses d'origine anglaise. Alors le Kevin, qu'est-ce qui t'est arrivé toi Kevin? On se racontait les arrestations originales. Ben, moi en fait en rentrant d'une soirée où j'ai beaucoup picolé, ouais. Je me suis endormi au stop à 100 mètres en bas de chez moi. Oui. Et la police s'en passait, et j'ai eu de la chance, mon cousin il était dans la voiture avec son collègue, que j'entraînais sa fille au basket. Alors, au lieu de me mettre en amende ou de m'emmener au commissariat, mon cousin a pris ma voiture, il a ramené ma voiture chez moi, son collègue m'a mis dans la voiture, et lui il m'a ramené chez moi, ils m'ont mis dans mon lit, et ils m'ont laissé tranquille jusqu'à lendemain matin quand ils sont passés boire l'apéro. Voilà. Les flics, putain, c'est ouf. Hein. Ah, ils t'ont mis ton doudou sur la tête et tout ce genre. Ils t'ont fait un bisou ou pas? C'est assez. T'imagines? C'est rigolo ça. Et ouais, parce que du coup, tu les connais, ils étaient sympas quoi. Il y avait mon cousin et j'entraînais la fille. Ouais, la fille de l'autre. Putain, ouais. Chance. Donc du coup, c'est comme tes potes quoi. Ouais. Mais j'ai eu un cul pas possible parce que j'aurais tombé sur quelqu'un d'autre. Hein. Commissariat, permis, toute voiture. T'es allé au parleur là, Kevin? Non, pas du tout. Parce qu'on a un son catastrophique. Ouais. Et tu disais, t'es complètement bourré, c'est ça? Tu t'es endormi au bord de la route? Je m'étais endormi au stop. Ouais, ah ouais. Ouais, t'as vraiment marqué le putain, stop. Il a fait 6 heures de pause. Ouais. Normal. Putain. Et alors, et finalement, et ça s'est terminé, t'as eu du cul, et tu sais que faut pas trop boire, mon gros, au volant. Ouais, hein. Même pas trop. Ben avec le travail que je fais, je travaille de nuit, je roule tout le temps, je bois pas beaucoup, et quand je picole. J'enchaîne. Ah, tu t'aimais bien quoi. Non, mais t'aurais tué un motard là, mon gars. Ou un enfant. Ça aurait pas été une excuse que t'as un boulot de nuit quoi. Ouais. Ah ouais. Ou même ouais. Quelqu'un en voiture. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais bien sûr, non, mais je donnais un exemple. Ouais. Hein, parce même que toi, le motard, tuer. Malheureusement, est plus. Ouais. Voilà. Ouais, il faut faire gaffe, les gars, quand vous buvez. Parce que bon, là, t'as eu de la chance, mais c'est surtout pour les gens qui sont en face et tout quoi, tu vois, gros. Oh oui, après, je fais pas tout le temps. Là, j'avais fait parce que j'étais rentré seul. Mais d'habitude, je sors avec mes potes et on rentre tous ensemble. Il y en a un qui boit pas. Il y en a qui boit moins. Il y en a qui boit moins. Sam. Ouais, en plus j'ai fait la pub de Sam hier, alors voilà. Ouais, ouais. Mais j'y pense parce que et c'est vraiment la seule pub que je veux bien faire, c'est parce que je sais que ça parfois ça. C'est la prévention. C'est la prévention. Il y a beaucoup de mecs qui écoutent l'émission parfois qui meurent et on a des messages etc. Ils vous écoutent, il est venu vous voir à telle ville machin. Ouais, c'est important. Ça. Il est mort sur la route parce qu'il a bu avec ses potes et tout. Vraiment, on a vraiment régulièrement des messages. Et je dis pas ça parce qu'on a la radio pour faire le relou parce que je suis en accord avec le ministère, j'en ai rien à branler. Non mais ça c'est clair. Hein. Ça c'est dit. Je fais la pub parce qu'ils me l'ont demandé parce que j'ai trouvé ça bien. Moi je me suis dit, putain c'est cool et tout. Voilà, je vais être utile dans un truc. C'est pas payé, mais c'est utile quoi. Ah ouais, c'est pour ça que je l'ai fait quoi. Bon, je te fais une bise, mon Kevin. Juste Pierre-Jean qui était là, le faux Père Noël. Ouais, qui se fait payer. Tu disais que tu te faisais payer jusqu'à 180 euros par maison. Ouais, la première année en fait, je te demandais 150. Et quand j'ai vu que ça marchait, que j'avais eu. Ah, t'es une escorte en fait. Non, mais c'est, il a raison. Ouais, 150. Et après, j'ai demandé 180, tu vois. Il a raison si les familles le font. C'est qu'ils sont. Ah, mais c'est qui? C'est des Qataris. Attends, franchement, c'est vrai que 180 euros, moi, c'est un énorme cadeau. Hein, 180 euros. Pour le déguisement, il a 15 euros. Mais après, imagine, t'as 10 enfants et c'est plusieurs familles. Ouais. Chacun donne 30 balles. Bah oui. Et du coup, je pense que dans les yeux de tes gosses, ouais, t'es content qu'ils voient le Père Noël en fait. Tu prends un petit cousin, il le fait. Et bah, ouais, c'est sûr. Pour voir les gosses comme ils sont heureux, tu vois. C'est un truc. De Ah, c'est un cadeau. Ouais, voilà, voilà, ça entretient le mythe. Ouais, ah ouais. Personne. Et après 10 ans après, voilà. Tu t'en souviens? Moi, je me souviens de mes Noëls. Bah, bah oui. Je me souviens des ouvertures des cadeaux. J'étais petit, j'ouvrais. Il y avait pas le Père Noël chez moi. C'est dingue, je me rappelle. De quoi j'ai essayé. Il y avait pas le Père Noël chez moi. Ah, mais non plus, il y avait pas le Père Noël en personne. Non, oui, mais oui, non, c'est compris. Même pas, il y a pas personne avec un costume. Ah oui, bah moi non plus, c'est ce que je dis. Oui, j'ai compris. Le vrai ou le faux? Non, mais c'est pas. J'ai bien compris. Ah, mais je sais pas. Il y a des gens qui croient encore. Donc, oui, attention. Pour ceux qui écoutent l'émission, bien sûr. Il n'y a pas de costume. Non, non, il n'y avait pas de costume, rien. Pas de barbe. J'ai compris, rien du voilà, tout. Voilà, voilà. Pas de barbu, pas de barbu à Noël. Mais, il n'y avait papy, mais il était pas déguisé. Moi, c'est vrai que j'avais pas de barbu. Par contre, mon père ou ma mère, ce qu'ils faisaient quand ils entendaient que je me réveillais, ils couraient et ils ouvraient avant que j'arrive dans le salon la baie vitrée. Et ils disent, ah, oh, je ne vois pas partir, il est pas rentré. Et moi, j'arrive au courant, je suis il est où? Il n'était plus là, il était, bah non, il a, tu sais, il a beaucoup d'enfants libres et tout. Et moi, je dis, putain, j'étais dégoûté. Ouais. Et après, je me retournais, il y avait tous les cadeaux, je fais, wow, c'est arrivé. Et là, je me rappelle. Ah putain, c'est rigolo les Noël. Le 25 au matin, tu faisais. Ah putain, avec quand même, c'est on est vraiment. Vous savez quoi, c'est hyper drôle parce qu'aujourd'hui, on est pile poil à la moitié pile poil de l'été. On est au 30 juin ouais. Et c'est vraiment pile poil la moitié. Donc on est à 6 mois du prochain réveillon. On peut pas être plus éloigné du réveillon que maintenant. Oh, et c'est marrant parce que la sensation quand même avec les têtes Guérande qui clignotent là, qu'est-ce que c'est agréable ça. La petite bûche. Avec la bûche, l'odeur du sapin. Ouais. Et ceux qui ont des cheminées, moi je faisais un feu à l'époque et tout. C'est putain. Bon, les films de Noël. T'as une cheminée non? J'en avais pas. T'as un souvenir à Noël un peu rigolo, un petit bon souvenir. Ça là. Ouais, ben bah, enfin, je peux pas dire à la radio parce qu'il y a encore des gens qui y croient un peu, mais c'est ouais, non, mais non, mais tu fais comprendre. Ouais. Ouais, j'ai compris en fait que c'était un de mes oncles. J'ai compris. Là. Voilà. C'était un de mes oncles en fait. Ah, t'as découvert. Ouais, j'étais parti. Le poton rose. Ouais, voilà. J'étais parti fouiller sous la table et tout, et j'avais vu, et c'était la grosse déception. Oh merde. C'est comme ça que tu l'as appris. Ouais, que, c'est comme ça, tout seul. Ouais. D'accord. Petite fouine quoi. Ah, c'est vrai. Mais après, je l'ai fait moi aussi. Le crame quoi. On m'a filé 50 euros. 50 boules, c'est vachement bien. Pour un quart d'heure. Attends. Et le costume, t'en as acheté un cher de Père Noël, Pierre-Jean? Non, écoute, j'en avais pour. Moi, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est les chaussures, mais je suis de 48, tu vois. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais. Ouais, tu bottes. Je les avais enlevées pour conduire. Parce c'était que un Père Noël avec des Air Max. Il a gardé ses vraies chaussures. Ah ouais. Voilà, il a gardé ses vraies chaussures, etc. Bon, qu'est-ce que tu voulais me raconter, Pierre? Bah, en fait, moi, j'étais entre deux familles, entre guillemets, tu vois. Et je monte sur l'autoroute, bon, comme un con, je roule un peu trop vite. Et je me suis fait arrêter par les CRS parce que j'étais à quoi 31 km/h au-dessus, tu vois. Ouais. Et du coup, ils m'arrêtent. Et bon, j'avais pas la barbe ni le chapeau, tu vois, mais j'avais encore le haut, j'avais le pantalon et j'avais des ventes, enfin des chaussures normales, tu vois. Des comment tu dis? Des chaussures de skate. Mais de quelle marque? Des Vans. Ah. Ah ouais. C'est pour ça qu'il a pas répété. Ouais, c'est ça, parce qu'il nous a dit des vans. Cherchez la main. Et là, mon gars, et t'as 24 boules, t'as parlé comme mon arrière-grand-père. Alors, t'es sur Facebook, t'as acheté des vans. À l'Enic. Ouais, exactement. Alors, mais c'est exactement ça. Je suis en Lorraine, hein. J'y peux rien. Bon, ça n'a rien à voir avec ça. Non, non, mais pas la région, parce que t'as fait une connerie. La région, j'y peux rien. La région. Dans des vans, ça les mecs de Lorraine n'ont rien demandé. Ouais, non, c'est tout ça. C'est toi qui as fait la bière de la connerie. Assume. Mon pipi, là, mon Pierre-Jean, là. Voilà, je me fais contrôler, du coup ils m'arrêtent, ils descendent de leur voiture, ils me voient déguisé, ils se foutent un peu de ma gueule. Mais ah oui, donc t'étais déguisé, ouais, enfin t'étais habillé en Père Noël. Ouais. Ouais, j'avais juste enlevé la beubare et le chapeau là. Ouais, d'accord. Et du coup, voilà, ils voulaient me foutre une amende, on a discuté 5 minutes, il me dit, mais du coup, vous faites quoi déguisé comme ça, vous sortez du boulot? Je dis, bah non, je vais voir des. J'ai encore deux familles, enfin deux familles à visiter, tu vois. Et il me dit, bon, ben. Il me dit, je vais pas mettre une amende au Père Noël. Allez-y, monsieur, bonne soirée. Il m'a rendu les papiers, je suis reparti, quoi. C'est vrai? Ah, c'est ouais. Marrant. Comme quoi, ça peut servir. Ah, t'as dit aller pour les enfants et tout ça. Ouais, il s'est dit, bon, j'ai des gosses. Non, mais il était cool. Enfin, moi, j'étais cool, il était cool. C'était Noël, le mec, il a dit, ah, c'est bon, file, quoi. Ouais, enfin, c'est rigolo. Trace, je veux plus te voir, quoi. C'est marrant, c'est quand même un. L'esprit de Noël a gagné. Ah, non, mais c'est quand même un pouvoir de ouf, hein, d'être flic. Hein. Bah ouais. De pouvoir dire, allez, casse-toi. Tu rentres chez les gens, ça doit pas être désagréable. Il y en a qui abusent après, mais c'est ça. Tu dois voir en plus que la personne, t'as le lead sur lui. Ah, bah oui, t'as autorité. T'as autorité sur lui complètement. T'as la matraque. Il y a Maxence qui a appelé. Bonsoir, Maxence. Bonsoir. Ça va, Maxence, t'as 17 ans, t'appelles du 17, hein, représente. Salut, mec. Voilà, 17 de Beaugé, c'est ça la ville? Charente-Maritime. Ouais, c'est ça. Maxence qui nous appelle. Eh ben, sois bienvenu, gros. On se racontait les fois, on était un petit peu arrêté de manière originale. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah bah alors en fait moi j'étais avec mon père en voiture et en fait on est dans un rond-point et là il y a une voiture qui nous dépasse et qui fait une queue de poisson. Ouais. Donc mon père ça lui plaît pas trop, il redépasse un côté, il fait un gros dos d'honneur et après il s'arrête sur le côté de la route et la personne il le suit. Donc ensuite la personne elle arrive près de la voiture de mon père, il ouvre la fenêtre et mon père il balance un peu un, qu'est-ce que t'as dit, qu'est-ce que t'as connard. Et en fait, c'était un flic en civil. Ah là là. Et tu l'as pas vu. Ouais. C'était un flic en civil, genre hors dehors de son boulot. Oui, oui, en dehors de son boulot. Hein, ouais, bon, bah, mais c'est lui qui fait une queue de poisson en plus. Bah, ouais. Mais attends, il ouais, a tort quand même, clair, tu vois. C'est clair. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a joué de ça? Bah oui, parce qu'en fait, il a emmené mon père au poste. Hein. Non. C'est vrai? Bah attends, il a abusé du truc. Ah ouais. C'est après le mec, il a envie de te faire chier là. Ah bah c'est sûr. Je sais pas s'il a le droit, mais il appelle ses collègues. Un petit peu, ouais, c'est sûr. Il a sa carte sur lui. Ouais, il a sa carte. Ouais. À son flingue aussi, ouais. Non. Et il a eu des problèmes, ton père? Oh non, non, juste un petit rappel à l'ordre et après. Pour une insulte, heureusement. Ouais, ça c'est marrant quoi. Alors il y a, on va retrouver dans un instant, il y a Rodolphe qui vient d'appeler truc de fou. On se fait Enrique Iglesias, duel quoi là. Ah, il y a un à partout. Ah, but du Portugal, un partout entre la Pologne et le Portugal. Un voilà. Partout, JM du Standard, mais il dit 2-1 pour le Portugal. On s'en rapproche. On verra. Enrique Iglesias, duel quoi là, il sera avec nous. On se l'est fait? Non, c'est pas fait encore. Non, pas encore, non. En entier, on s'écoute un extrait tout à l'heure. Il sera avec nous, hein, le 14. Non, il sera pas avec nous, je me connais. C'était Jean Paul. On peut l'inviter après. On est tous fatigués, c'est la fin de l'année. On est tous démontés. Voilà la famille. D'où viennent? Voilà, voilà. Et ma belle Patricia. Bon allez, on se le fait pour de vrai, Eric Iglesias. Et juste après, on va parler, il y a Rodolphe qui s'est fait passer pour un flic. Et il s'est fait arrêter à cause de ça. C'est interdit de se faire passer pour un flic. Prison, on en parle juste après. Et on se fait le jeu Isa Jésus, je me fais passer pour un faux voyant avec Bouboule Marabon. On le fait juste après ça. Isa Jésus, 21h44 sur Energy. Ok. Guillaume Radio 2.0 l'émission. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Je peux vous dire quand ça commence, okay. Mais je peux pas vous dire comment ça va finir. Okay. De 22h à 1h, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, Zao! Laissez les coups, laissez les coups. C'est le Guillaume, moi je me suis fait arrêter car ma voiture ressemblait à une voiture volée. Demandé de partir sans me contrôler car je portais le même nom qu'un collègue à eux. Je leur ai demandé d'aller jusqu'au bout. Salut les gars. Salut la team. Un jour, un flic a braqué son flingue sur la tête. Alors on va t'appeler aussi. C'est énorme, il y en a qui lit. Moi j'ai un même. Un mec qui a un homonyme, donc un mec qui a le même nom que ouais, moi. C'est ça, ouais. Qui a un casier judiciaire et qui a plein de problèmes. Du coup, dès que je me fais contrôler, j'ai double contrôle. Oh là là. On cherche on va t'appeler. J'ai vu que t'avais laissé ton numéro de téléphone. On va te passer un petit coup de fil sans problème. Bon, et ça va, Guigui de la régie là. Ouais, ça va. Ça va bien la journée. Ouais, très bien, parfait. Ouais, tranquille. Ouais, tranquille. Ouais, tranquille. Tu t'as mis ton beau polo rose. Ouais, voilà. Il est bien celui-là. Ah, il est un peu ample, il est bien. Ah bah ça va, il est confortable. Pour être ample, il est ample. Ah. Ouais, non, ça va, ça va encore. Ils ont mis beaucoup de tissu. Oh, ça va bien, t'es content? Ouais, non, très. Qu'est-ce que tu nous fais? Alors, à chaque fois, il nous trouve des petits sons, Guigui de la régie, puis il passe trois fois par semaine, comme ça, il passe cinq minutes, il est à l'étage d'en dessous, puis je lui dis de monter à l'antenne, on fait de la radio comme chez nos tontons ici, hein, vraiment à l'ancienne. Et voilà, c'est lui qui nous trouve le nouveau Joule. Je rêve de thunes de voyage, j'en ai besoin, vu mon. C'est lui qui va me trouver. Le nouveau Zao, il va pouvoir me trouver, j'en sais rien, une petite musique un peu marrante pour faire une connerie en antenne. Une musique de corrida. Ah. Voilà, il va me trouver des trucs, etc. Ce soir, qu'est-ce qu'on fait, Guigui de la régie? Alors, ce soir, c'est un peu différent parce que je vais pas vous présenter des sons. Mais, le rebelle. Mais pour le roi, c'est rebelle. Du coup, je vais pas vous les présenter, mais je vais vous les faire deviner, du coup. Ah. Tout simplement. Ah, je suis pas bon. Là, ah là là. Putain, alors ça y est, l'autre, il a cru qu'il avait inventé un jeu qui existe depuis 5 ans. Mec, il est arrivé hyper content de lui. Un jour, les gars, je vous fais deviner un son. Attention. Et après, on fait un truc qui est nouveau, ça s'appelle le blind test. On enchaîne des morceaux. Ah ouais. Bon alors vas-y donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah tu vas balancer un son et je vais vous donner trois propositions. Ah et... oula ça. Ah ouais attention. Un questionnaire à choix multiple. Ah attention. Bon, dis donc, alors vas-y on y va. Ouais vas-y. Alors voilà, alors qui suis-je le son? Vas-y. Qu'est-ce que ça serait? Alors qu'est-ce que ça serait? Attends, t'as... Ah oui, donc le premier oui, choix. Mais... Non, oui, mais. Tu une fouille. Si même toi, tu sais pas ce que c'est, on va pas y arriver. Réponse A, ça serait un cheval qui a un rhume. Un cheval qui a un rhume, ouais. Un cheval qui a un rhume. Réponse B, ça serait un chien qui éternue. Oui. Ou réponse C, ça serait Julien qui prend du plaisir. Attends, le B. B, ça serait un chien qui éternue. A, c'est un cheval qui prend du. C'est un cheval qui a un rhume. Et c'est Julien, le stagiaire. Qui ouais, bah alors la réponse c'est les questions pas drôles comme ça. Tu les feras demain dans une autre radio. Hein, mais pas, les questionnaires, on dirait qu'on est à les écoles de radio. Oublié, mon Guigui de la régie. Tu n'es pas auteur. Hein, tu n'es pas auteur. Il hein. faut pas s'enflammer, mon Guigui de la régie. Je t'ai dit prends tes aises, mais pas trop bien. Hein, je veux dire. On n'est pas chez notre grand-mère ici. Hein, faut quand même pas oublier le logo qu'il y a derrière mon Guigui de la régie. Voilà, on fait parler là. On fait du social, on fait parler tout le monde. C'est pas un centre non plus, c'est pas dans un cadre. On va pas tout faire non plus. Hein. On n'est pas là pour te faire plaisir, mon Guigui de la régie. On n'est pas un million à écouter l'émission pour t'entendre, hein. N'oublie pas ça. Dès que tu rentres dans le studio, faut pas que tu oublies pourquoi tu es là, mon Guigui de la régie. Voilà, tu es là parce que tu es gratuit, Guigui de la régie. Et c'est surtout pas, faut pas commencer. C'est le métier de personne, ça. Écrire des quiz. Voilà, c'est pas le métier de Guigui de la régie. Voilà. Ah, Guigui de la régie nous cherche des sons. Voilà. Ah, voilà. Tu vas pas se tromper. Alors on va réécouter le son. Vas-y. C'est un cheval. Ok, c'est un chien. Non, c'est un chien. Non, c'est un chien. C'est un chien. Guigui de la régie. C'est un chien, c'est la réponse. Voilà. C'est un chien. Ouais, c'est un chien. J'avais raison. C'est une chienne même. Elle s'appelle Maggie. Ah. Et non, mais je reconnais une chienne à 100 km. Non, je vais dire. Au premier. Au bruit des babines. Je veux dire, à la première, au premier regard, je sais d'où c'est une chienne ou pas. Ah ouais. Entre un chien et une chienne, je vois vraiment. Ah c'est ouais. Il n'y a aucune connotation blague ou quoi. Ça truffe, tu vois. Moi, je le sens. Et là, j'ai senti que c'était un. Pourquoi j'ai senti que c'était un chien? Parce que c'est trop petit. Ça pourrait être un cheval. Hein. Un cheval, c'est. Ouais. Un petit poney. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est vraiment, tu sens qu'il y a un petit poumon. Ouais. Tu sais ce que je veux dire? Un cheval, quand tu t'es déjà retrouvé face à un cheval, l'air qui sort de nez, c'est impressionnant, il y en a beaucoup quoi. Ouais. Donc ça aurait pas fait. ça aurait été beaucoup plus imposant. Ouais, voilà. Non, c'est sûr. Je pense que ceux qui font du cheval sont d'accord avec moi, même si je n'ai jamais fait de cheval. Voilà. Ouais. Non, mais je suis déjà allé devant un box, quoi. J'ai déjà visité des trucs, etc. Et c'est vrai. Hein. Moi, j'ai une connaissance qui vendait des armes de la Deuxième Guerre mondiale encore utilisables sur des brocantes. Ah ouais, putain, c'est ouf. Ah ouais. Bah alors, moi, mec, finit par être viré et elle a eu des excuses. Alors attends, on va t'appeler. Ma mère a fini en garde à vue à cause d'un flic. Oula. Un peu dingue, à qui elle avait soi-disant fait une queue de poisson. Le mec a fini par être viré et elle a eu des excuses. Ah, alors on va t'appeler. Bon courage. Bon, on continue, Guy, la régie. Ah bah ouais, carrément. Alors, on envoie la pub, hein, d'abord. Ah, vas-y. Le temps que je te briefe d'un autre. On va parler et on s'entend juste après, bougez pas. Vos votes vont désigner les top DJ mondiaux. Qui allez-vous récompenser cette année? C'est David Guetta. This is Avicii. I'm Calvin Harris. Yo, this is Martin Garrix and you're listening to... Énergie présente les Energy DJ Awards 2016. Votez maintenant et tout l'été sur energy.fr. Et le 12 octobre, dans le cadre du mix à Monaco, la plus grande cérémonie européenne consacrée aux DJ récompensera les meilleurs d'entre eux. Energy DJ Awards. Hit music only. Venez voir vos stars préférées sur la scène du Energy in the Park. Vous étiez plus de 40 000 l'an dernier. La troisième édition du Energy in the Park. C'est le 8 juillet à Angers-Trélazé. Sur scène, Reza, Willy Williams, Souf, Boussy, Macassé, Unique, France, Slimane, Chris Cab et Jennifer. C'est Jennifer sur Energy. Le Energy in the Park. Présenté par Guillaume Play. Le 8 juillet à Angers-Trélazé. Un événement Energy. Hit music only. Et surtout, n'oubliez pas de choisir un Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Chez Sarenza, pendant les soldes de chaussures, voici ce que Jessica, une de nos clientes les plus acharnées, déclare trois fois par jour. Ça y est, je viens de me commander la paire ultime. Déclaration qui fait sourire en coin son ami Benoît. Oui, mais peux-tu jurer devant les auditeurs que c'est l'ultime paire que tu achètes? Ah non, non. J'ai déjà juré d'arrêter le gluten. Ne m'en demande pas trop, Benoît. Mais oui, comprenez-la, Benoît. Ses chaussures préférées sont soldées jusqu'à moins 60% et livrées gratuitement en 24 heures. Tout de même. Sarenza.com. Journée spéciale, Zootopie sur Énergie. Vous êtes prêts à rendre le monde meilleur? Envoyez tout de suite par SMS Énergie Blu-ray, plus vos coordonnées au 611-12 et gagnez le Blu-ray du dernier film d'animation Disney. Je suis un vrai flic. Zootopie, disponible actuellement en Blu-ray et DVD. Énergie, it's music only. Jeu par tirage au sort, 35 centimes plus coût d'un SMS. Ninja Turtles 2. Il y a un robot samouraï, deux mutants et ce truc bizarre. Nous allons créer une armée. Nouvelle menace. Vous savez ce qu'il nous reste à faire? Nouveau défi. Ninja Turtles 2. Accrochez-vous et retrouvez les quatre frères les plus cool maintenant au cinéma. Go, Abonga! Vivez le Turtle Power en 3D. Avec énergie. Les cours sont finis. Le travail aussi. Mais pas Guillaume Radio 2.0. Il est avec vous tout l'été, du lundi au vendredi, de 21h à minuit sur Énergie. Alors tout l'été, c'est pas vrai, on sera là jusqu'au 15 juillet sur Énergie. Et à partir de la semaine prochaine, tous les soirs, l'équipe de avec moi changera jour après jour grâce à une roue des personnes. Voilà, on fera tourner la roue, combien il y aura de personnes dans l'équipe le lendemain et qui ça, on fera... D'ailleurs, il y aura même certains d'entre vous avec nous. Ouais. Vous qui écoutez l'émission, on en prendra au hasard, on fera des... Si jamais ça tombe sur auditeur, sur la roue, et ben on prendra, on fera un petit sondage sur mon mail ou quoi. Et je prendrai un mec au hasard ou une fille au hasard pour le lendemain. Moi, avec mon père, il a dépassé un gars en voiture. Alors, on va te passer un petit coup de fil. On se raconte un peu les manières originales de s'être fait arrêter. Mais juste avant, Guigui de la régie, là. Ouais, carrément. Juste avant de partir, tu nous écoutes un petit peu des sons, là. C'est ça. Qu'est-ce que tu voulais dire? T'as un autre son à nous faire deviner. J'ai encore deux autres sons à vous faire deviner. Vas-y, on y va. C'est parti, le deuxième. Alors, ça, c'est une boucle que tu as fait. Hein. Pas du tout. Non, c'est pas une boucle. Non, c'est original. C'est, alors... Qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce vas-y, que... Vas-y, il y a plusieurs alors, choix. Réponse A, est-ce que ça serait un ouvrier qui est vraiment très très chaud? Réponse B, ça serait un pâtissier japonais qui travaille sa pâte? Ou réponse C, un boxeur thaïlandais qui teste la résistance de ses abdos? On va réécouter une fois, on va réécouter une fois. Écoutez bien. Ok, alors, c'est pas mal parce que... Là, il y a une surprise. Là, il y a 12. J'hésite entre deux. Amina du standard. Un boxeur, je pense. J'hésite avec le pâtissier, mais je dis boxeur. J'ai stagiaire. Le pâtissier, c'est sûr. La pâte et Amina du standard, le boxeur. Ouais. Flo des cadeaux. Moi, je dirais un boxeur parce que j'entends deux mecs. Ah ouais, il y a deux voix. J'ai le standard. Ah, je dirais la pâte. Bah, tu dis oui. Mais je sais, évidemment. Mais cet homme est complètement délié. Mais c'est parce qu'il dit un truc. Je sais. De quoi je sais? Parce que je suis sûr qu'il veut qu'on dise que c'est boxeur. Mais en fait, c'est de la pâte. Tu vas voir. Mais t'as dit que t'entendais deux voix. Mais oui, mais moi aussi j'entends deux voix. Mais pour aller vers l'autre sens, je vais aller. T'es monté à l'envers. Mais je sais. Mais tu vois que c'est la pâte en plus. Tu crois que Guigui Larraget a fait une. Ouais, voilà, il a fait une. On réécoute une fois. Juste pour précision, j'ai pas modifié le son. Hein. C'est comme ça. Alors moi je dirais Guigui de la régie. Ouais. Je dirais un boxeur thaïlandais. Non, mais non. J'aurais pensé la patte, mais effectivement il y a un mec derrière. Bah, c'est un collègue. Ils sont plusieurs. Mais écoutez bien. Le bruit, on sent que c'est de la chair qui est frappée, pas de la patte. Il est contre le mur, la patte. Non, allez, c'est un boxeur. La réponse c'est. La réponse c'est un pâtissier. Ouais. C'est bien joué. En fait, c'est un pâtissier japonais. Il fait un gâteau qui s'appelle le mochi. En fait, c'est très élastique, compact. Et du coup, en fait, le truc. Comme ta bouche, elle est élastique. C'est vrai. Et en fait, le truc, c'est qu'ils sont. Tu te laves les dents avant de venir faire. Vraiment, je me suis lavé les dents il y a 10 minutes. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ça enlève un peu la salive. Tu veux boire de coca ou un truc sucré avant? Bah, j'ai pas bu. Ah, j'ai bu de l'eau. Du lait. Écoute, faut se raser. Ça crépite. Et en fait, le truc, c'est qu'ils sont deux vraiment à taper sur la pâte. Ah. Il y en a un, le chef pâtissier, qui plie la pâte en fait, alors, à chaque fois. T'as un petit peu menti alors. Est-ce que c'est un chef pâtissier qui passe la pâtte ou deux boxeurs? Ouais, ah non, j'ai dit deux. Non, pareil. Oui, un boxeur qui teste sa résistance avec un autre. Bon, ouais. C'est-à-dire qu'ils sont deux et tu m'aurais dit deux pâtissiers. Moi, j'aurais. Parce que j'ai senti le japonais derrière. Mais, la langue asiatique. La mais on sent qu'il y a un asiatique. Et donc après, tu m'as dit thaïlandais, je me suis dit c'est possible. On sait que c'est un combat, c'était la petite fin. Et bon, et donc c'était le pâtissier. Allez, on a un troisième. Il y a un dernier. Alors, est-ce que ça serait une corde de brume qui marche pas terrible? Ouais. Une corde de brume de bateau, pas de supporter de bateau qui marche pas terrible non plus. Ouais. Ou alors c'est un instrument de musique. Bah. Bah, ça fait le bruit d'une corde de brume, ouais, j'aime le standard. Je suis pas un saxo, moi j'ai un instrument de musique, ouais. Ouais, Il y a un piège, instrument aussi de musique pour moi. C'est Amine le standard. Non, un truc de supporter, je pense. Corde de brume de supporter. Sinon, les cadeaux. Non, moi je dirais un instrument, sinon c'est juste une corde de brume. On va écouter. Alors, le truc, c'est que. Bah, je vais me faire niquer encore, mais enfin. On entend le bruit de la touche comme dans les saxophones. Ouais, clac, clac, clac, clac. Mais est-ce que ça serait pas un truc de bateau un peu abîmé? Attends, on va réécouter. Je dirais la corne de brume de bateau, Guigui de la régie. Et c'était un instrument. Ouais. Info Guillaume, nous les bruiteurs de cinéma, pour faire le bruit du coup de poing au cinéma, on le tape dans la pâte à pain. Salut Loïc. La pâte à pain, ouais. Voilà, c'est rigolo. Ouais, c'est fort. Ouais, voilà, Loïc du 68. Ah, je savais pas ça. On va essayer. Et s'il y a un boulanger qui veut nous appeler, qui tape dans la. Qui tape dans la pâte à pain pour essayer ce que le doubleur, c'est rigolo ça. Et là, il y a un son, explication, c'est quoi? Ouais, en fait, c'est pour vous expliquer l'instrument de musique. En fait, c'est un saxo ou quoi? Non, c'est ça le truc, c'est que c'est pas un saxo. En fait, c'est le mélange entre une sorte de flûte et de guitare un peu électrique. C'est-à-dire, c'est à la forme d'une flûte. Et en fait, il y a une tête en caoutchouc qui est juste en bas de la tige. Et c'est ce qui donne en fait la petite nuance quand il appuie dessus. Ça donne une sorte de note différente. Ouais, c'est un instrument de musique. Ouais, mais non, mais. Comment il s'appelle? Le automatoné. Merci beaucoup. Alors. C'est ce qui permet de faire la voix derrière. Y a pas de voix. Non, mais justement, le petit son là, le petit son aigu. Ouais, mais c'est pas la voix, ça c'est. Non, mais ça fait la voix, ça remplace la voix dans la musique là. La musique est expliquée par un mec qui ne comprend rien. Bon, bah voilà, c'est un instrument de musique. Ouais. Mais en fait, c'est nul parce que ça se sentait un instrument de musique. Je me dis, il y a autre chose quand même. Bah, non. Ouais, mais là, c'était justement c'était un truc un peu spécial. Ouais, mais on s'en bat les couilles, ça se voit. Ouais, c'est un son qui sort d'un yu-yu-yu. pareil, quoi. Ah, attends, c'est nul ce soir, merde. Tu reviens tout à l'heure, tu m'en fais une autre en 5 minutes. Allez, vas-y. Ah ouais. Bon, allez, et commence maintenant la chronique. C'était une blague, tout ça. Et commence allez, maintenant. Allez, on t'écoute, mon guide, la régie. Hein? On t'écoute, on bah, t'écoute commencer. Là, je sais que c'était pour rigoler, bien c'est, sûr. C'était trop bien. Ah bah. Guigui de la régie. Voilà, on t'écoute commencer. Bah, on va la faire demain, du coup. Ah, parce que... écoute, ah bah oui, demain. Il y en aura une demain. Ah bah, si. Bah, t'en as fait une le dimanche, d'habitude. Bah ouais, bah. Bah, il y en aura une demain. Ah, donc, il y a du lundi au vendredi, et puis le dimanche, là. Donc, allez, on fait ça. Et donc, on commence ta chronique quand? Ah bah, demain. Maintenant, là, parce que là, elle est pas commencée. On est d'accord qu'il n'y a pas eu le début, là. Il y a tout le monde qui l'attend. Bon, allez, à demain, Guigui de la régie. À demain, salut, Guigui. À demain. En espérant que ça soit toujours un peu mieux qu'aujourd'hui. Ça peut pas être pire. Non, c'était marrant. Il a proposé 300, c'était bien. Franchement, c'était bien. Merci beaucoup. Moi, tu m'as fait rien. Ouais. Non, mais c'est vrai. Même si ça te dépend, tu fais rien. Bon, bah, c'est cool. Même si c'est pas bon, parfois on comprend rien et tout. Vu qu'on est de bonne humeur, tout passe. J'ai envie de te dire, tu pourrais nous passer vraiment n'importe quoi à l'antenne que ça nous ferait rien. Ah oui. Il y a Charlotte qui appelle de Cannes aussi. Bonsoir, Charlotte. Allô. Ok. Vous allez bien? Salut. Bon, ma Charlotte, elle a... Non, t'as 16 ans, pardon. 16 ans, 16 balles. Enchanté, oui. Du 016. Enchanté. Dans le sud. Ah non, mec, il parle que... Mec, un supporter. T'as envie de taper, quoi. Bon, ça va, ma gueule, célibataire, en couple, concubine, ouais. Enceinte. Marie. Non. Célibataire, moi. Ouais. Ça va sur Tinder un petit peu, ça chouine, ça. Ouais. Tu cherches. Ouais, ça chichine un petit peu sur Internet. Ouais, ça trouve un petit peu du BG sur Internet ou pas? Un peu. Bon gosse. Hein. Mais quand t'es une fille, ça va. Hein. Ouais, ça va. Facile. Vite, hein. Franchement, quand tu likes sur Tinder, tout le monde te like, non? Alors que nous, on galère de ouf. Hein. Ouais, un peu. Ouais, c'est ça. Putain, ça. Et tu tapes les mecs majeurs ou pas? Parce que quand t'as 16 ans, pour une fille. Bah, tu mens sur l'âge, ouais. Parfois, ça sort avec des mecs de 18 ans. Bah, sauf que Tinder, ça bloque. Quand t'es mineur, au mineur. Ah ouais. Donc, tant que t'as pas le jour de tes 18 ans, tu peux voir que les filles ont moins de toi. C'est comme Facebook, hein. C'est ça, non, Charlotte? C'est ça. Et du coup, il y a des filles qui mentent. Bah oui. Et des mecs aussi. Moi, ça m'est arrivé de liker une meuf de, tu vois, genre de 24, et en tout, il y a marqué 17. Et en fait, ouais. Tu sais pas. Ah ouais. Et du coup, tu fais, ah bah non, mais t'avais menti et tout. Ah bah salut. Et bah. Ouais. Fallait. Non, mais du coup, c'est plus compliqué. 17 ans, ouais. Ah, ah. C'est sûr. Et alors, attends, et donc, résultat, on parlait de Tinder et tout. T'as déjà rencontré un peu des mecs sur Tinder ou pas, non? Oui, un peu, mais c'est rien, en fait, c'est nul. Ouais, c'est pas des BG, quoi. Ouais, ils sont non. Vite fait, quoi. Ouais. C'est des fausses photos. Ouais. Pourquoi tu dis vite fait, ouais? Bah, parce que en vrai, c'est pas là que tu rencontres les meilleures personnes, quoi. Ouais, c'est clair. Ça ouais. Bah, si, ça alors, peut. Mais c'est vrai et c'est pas vrai. Franchement, moi, ça m'est arrivé sur Tinder de rencontrer 2-3 filles quand même très quali. Faut avoir du cul après. Si je pouvais vraiment parler d'une fille comme d'un bœuf, tu vois. De la viande, c'est vraiment c'était de la viande brossée, quoi. Tu l'as de charolais. De la belle rouge. J'ai vraiment élevé au plein air, quoi. Et tu sentais que c'était bronzé, quoi. Tu vois, ça avait passé du temps dehors. C'était juteux. Et merci, je sais. Ouais, désolé. Non, mais en plus, on parle de viande. Non, c'était pour rigoler, évidemment. Non, j'ai juste tombé sur de très très belles femmes sur Tinder et comme dirait Norman d'ailleurs dans sa vidéo, à l'époque les trucs en fait avant qu'il y ait les applications de rencontre, il y avait les agences matrimoniales. Ouais. Ah ouais, non, qui était l'équivalent un peu du pays. Et avant ça c'était vraiment pour les mecs un peu chelou et maintenant ouais. En fait sur les applications de rencontre, t'as de tout quoi. T'as des très très ouais. Beaux mannequins. C'est plus pour les darons. Moi je connais des très très belles meufs, hein, vraiment. Mais elles cherchent quoi Ah non mais j'ai eu la chance de rencontrer mais vraiment des très très belles meufs de Paris. Sur l'application et tu te dis aussi qu'est-ce qu'ils font. Bah non, en fait, c'est rentrer dans les mœurs maintenant. Ah ouais. Après, c'est un jeu aussi. Y a plus, Amina, du standard, oui. Toi, t'es sur, ça t'est arrivé d'être sur Tinder. Oui, oui, j'y suis encore. Hein. Ah voilà, bah voilà. Oui, oui. Donc, y a, comme quoi, il y a aussi des meufs chelous sur Tinder. Et t'as rencontré des beaux gosses déjà vraiment sur Tinder? Bah oui, mais ouais. Jamais en vrai quoi. Juste on s'envoie 2-3 messages et c'est tout le temps des trucs bizarres. Oui, j'ai une copine en fait. Ah, rarement en vrai les mecs Cali, c'est rare. Ouais, laisse tomber. Je fais des vidéos de nus, des photos, de la peinture, on m'a sorti aussi. Tu veux être mon modèle, c'est oula, bon. Oula, ouais, ils voulaient voir ta chouchoune. Ouais, c'est ça. Ouais, ils voulaient pas te peindre du tout. Ah, ouais. Juste voir un chouchoune. Bah ouais, ça marche, hein. Il y en a qui se mettent ensemble. Hein. De quoi? Bah avec Tinder et tout. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est vrai? Ouais, ouais, ils se marient l'année dernière. Va-t-elle faire une phrase sans bugger? Le défi. C'est l'objectif du soir. Moi, je propose un petit exercice de diction. Ah non, parce que je vais Ah là là, bon, en tout cas, Charlotte qui va nous lâcher, qui va nous lâcher l'énigme. Alors, exercice de diction juste avant. Ah, le bordel. Amina du standard, ce soir, après l'émission, nous allons chercher le chat de Sacha chez Gérard Serge. On va chercher le chat de Sacha chez Gérard Serge. Attends, on va chercher le chat de Sacha chez Gérard Serge. Oh là là. Oui, oui, ce que je te dis, on va chercher le chat de Sacha chez Gérard Serge. Le plus drôle, c'est mon Guigui qui a la Alors lui, il bloque sur la première lettre. Vas-y, c'est pour vas-y. C'est... Ce soir, on va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Ce soir, on va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. J'ai le standard. Ce soir, on va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Je veux dire. On va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Non, non. Cher Serge. Cher Serge. On va chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Non. C'est un plaisir d'aller chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Ah là là, putain. C'est énorme. C'est con ce jeu. Salut. J'ai une histoire par rapport aux attentats à raconter. Il n'y a pas de problème. Je suis fait arrêter en excès de vitesse. Plus de 50 km/h parce que j'en ai ma femme aux urgences parce qu'elle allait accoucher. Alors attends. Bah, c'est possible, ouais, bah oui. Arriver, ouais. Moi je travaille là, comme ça. Une chinoise avec des chinois. Salut à toi. Salut. Alors on va d'abord lâcher l'énigme ce soir. On a quoi à offrir, Flo, des cadeaux ce soir? Je te laisse le plaisir de l'annoncer. Alors il y a des drones DJI Phantom 3. Et il y a aussi des PS4 avec le jeu Lego Star Wars. Voilà. Mais d'abord, nous emmêle pas les pinceaux. Il y a l'énigme. On va d'abord offrir les cadeaux de l'énigme. Ouais. Donc là, c'est le drone. Voilà, là, c'est le drone DJI Phantom 3. C'est Allez ça. Voir, c'est des. Franchement, c'est un cadeau de malade. Entre 1 et 10, la roue des indices. Combien tu vas donner de phrases ce soir? Entre 1 et 10, et ça va s'arrêter sur. 9. Oh putain, c'est maximum. Wow. C'est bien. Alors, ça veut dire que ça totale. Va être. Ah bah là, t'as la complète, là, c'est la tomate oignon. Ah ouais. Ça veut dire que ça va être facile plus que d'habitude, hein, du coup, parce que plus il y a de phrases, plus c'est facile, forcément. Ouais. Okay. Et toi, d'ailleurs, Charlotte, après l'émission, et après avoir lâché les lignes, il faudrait que t'ailles chercher le chat de Sacha chez ce jersey. Ce soir, il faut aller chercher le chat. De Sacha, c'est Essayez de le faire, vous allez voir. Ouais, mais vite, 16 hein. Jacinthe sèche dans 16 sachets secs. Ah bah voilà. Oui, tu vois, j'arrive. Comment Inari de Paris, 16 Jacinthe. Attends, 16 Jacinthe sèche dans 16 sachets secs. Putain, je l'ai lu bien au début. 16 Jacinthe sèche dans 16 sachets secs. Ouais, si. Moi, je travaille comme une chinoise. Bonsoir à toi aussi. Salut, ouais. Salut, j'ai été repéré en motocross en ville. J'ai pris une amende de 75 euros. Vive la Jean-Marc. Salut, Sam du 33. Salut, Sam. Et bah, y a pas de problème. Mon con, arrête de m'envoyer. J'ai une histoire par rapport aux attentats à raconter. Tu ne me laisses pas ton numéro de téléphone dans le SMS. Moi, je ne vois pas les numéros d'envoi. Donc, je ne peux pas vous rappeler. Eh ouais. Je le dis tout le temps. Guillaume, ah, et votre message avec votre numéro, les mecs, au 6 11 12. Charlotte, on y va pour l'énigme ou quoi, ma chérie? 16 ans. Ouais. T'es à Cannes, t'es dans le 06 là. Putain, t'es bien, toi. Oui, c'est à ça. La plage. Oh là là, il fait beau à Cannes ou quoi, là? La Croisette. Ouais, trop. Oh là, quelle chance. Ah, c'est bien là-bas. Ah ouais, non, mais alors là, c'est vraiment l'opposé de Paris. Là, Paris, il fait. Ouais, il ça faisait va. 19 aujourd'hui, 19 ouais. Non, il fait 25 aujourd'hui. Ah ouais, mais attends, franchement, il pleut. J'ai même dû aller déposer ma moto, venir en taxi tellement qu'ils avaient annoncé de la pluie. Bah ouais. Et du soleil après pendant 10 minutes. Et demain, toute la journée, de la pluie, de la pluie. Et on est en juillet demain. Ah, attends, aussi de la pluie. Il fait 21 degrés maintenant, il fait 14 et 11 degrés dans la nuit. Attends. Tu mets ta veste, quoi. On n'a pas du tout. Attends. À Perpignan, 27 degrés, 30 degrés. Oh là là, ouais. La nuit, il fait 30 mercredi. Quoi. Ah, il fait lourd. Ah non, il fait 20, pardon, 20. Il y aura un orage. 20 et 29 et 30 la journée. On putain, a le même pays, chance. Mais pas la même météo. Quoi. Ah ouais, non, mais c'est. Oui, alors, c'est, non, mais c'est vrai, on a complètement deux climats. En France, on a. Alors, il y a le nord et le sud. Entre le nord et le sud, c'est une sacrée différence. Mais d'habitude, c'est pas autant. Bah non, la bah différence. Non. Bah là, c'est parce que c'est particulièrement mauvais cette année. Bah, je sais pas ce qu'on a fait, mais. Bon, ma Charlotte, on y va, on t'écoute pour lâcher l'énigme, on est suspendu à ton naseau. Allez. Il y en a une d'honneur. On peut en faire des belles. Celle d'évangile ne se discute pas. Attends, mais là, hey, lâche pas toute ta sauce. Hein. Non, mais tranquille, non, mais c'est vrai. Contrôle, contrôle. Et laisse le plaisir monter avant de lâcher. Alors, il y en a une d'honneur. Il y en a une d'honneur, réfléchissez. On peut en faire des belles. Celle d'évangile ne se discute pas. Certains ne se l'adressent plus. Elle s'envole. Mais les écrits restent. Voilà, Guillaume est la bonne réponse au 612. Qu'est-ce que t'avais dit? Voilà, les cinq premières phrases du coup ce soir. Réfléchissez. Il y a un partout toujours pour le foot. Ouais, c'est ça, ça a repris à deuxième mi-temps. On se tient au courant dès qu'il y a un autre. Pologne-Portugal, ouais. Pologne-Portugal, c'est les quarts de finale, le premier jour des quarts de finale de l'Euro. C'est ça. 2016. En 2016, j'irai le chat. J'irai. Attends, en 2016. Ah. Ma bonne résolution de 2016, c'est d'aller chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Ah ouais. tout à fait d'accord. Jean-Louis, Nagy Jim Sandard, qu'est-ce qu'on fait en 2017 en 2017, on ira chercher le chat de Sacha, c'est chaussard. Le chat après, quand je le fais dans ma tête, j'y arrive. Quand quoi, t'as dit? Quand je le fais dans ma tête, j'y arrive. Tout le monde y arrive. Il est vraiment con. Mais non, mais je veux dire dans ma part. Oh putain, il y en a une d'honneur. Est-ce que c'est les demoiselles? Non. Une demoiselle d'honneur, il y en a une d'honneur. Ah ouais, pour les On peut en faire des belles. Est-ce que c'est une partie Raté. Qui arrive par SMS, on fait une belle. Ouais, ça aurait pu. Ah ouais. Est-ce que ça serait une fille? Pas encore. Fille d'honneur, c'est pas ça. 07 80 06 53. Salut ma chérie, c'est pas la bonne réponse. Est-ce que ça serait l'espoir? Non plus. 06 78 88 66. Et les gars, il y a des DJI photos. Et profitez-en, il en reste plus qu'un pour demain. Ouais, hein, c'est ouais, ouais, c'est des cadeaux à 1000 euros. Voilà. À l'occasion du film Tortue Ninja, la Ninja Turtle 2. Ouais, c'est ça. Qui est sorti hier. Ouais. Megan Fox, produit par Michael Bay. Là. Pourquoi ils disent pas Tortue Ninja ou dire Ninja Turtle? Bah, l'américaine. C'est Attends, excuse-moi, mais le drapeau qu'il y a sur ta mairie, il est pas américain. Quoi. Ouais, mais c'est un film américain. Non, mais je veux dire, à un moment donné. Non, mais attends, moi, quand j'étais petit, ça s'appelait Tortue Ninja. Ouais, dire, bah là, c'est, ouais, non mais je veux dire à un moment donné ça se mondialise. Mais c'est des tortues américaines. Mais j'en ai rien à branler que ça. non mais en vrai. Non mais attends. Ah mais ouais. Après ça fait mieux. Après tu vas me dire, j'ai toujours appelé Spider-Man. Bah oui. Ouais, la PlayStation. Mais c'est bien quand même d'avoir des trucs traduits quoi. McDo traduit pas. Hey, quand t'as 4 ans que tu regardes les Tortues Ninja Turtle, tu comprends. Après t'es bilingue. Tu peux travailler l'anglais. Leonardo. Non mais c'est vrai mais à un moment donné faut qu'on ça longue non plus. Est-ce que ça serait une médaille? Toujours pas. Non, c'est pas une médaille. Alors, qui suis-je? 06 51 77 15. C'est pas une médaille. Eh ben, qui suis-je? Est-ce que ça serait une haie? Une haie? Ah oui. H-A-I-E. Salut Romu. 06 Salut, Romu. 52 59 68. C'est pas une haie. Non plus. Est-ce que ça serait une dame? Non. D'offre qui dit ça. Salut D'offre. Salut D'offre. Salut. 06 47 66 12. Eh ben, c'est pas ça. Ça fait un peu. D'offre, je connaissais pas le prénom d'offre. Ouais, moi non plus. Comme Dove. Ouais, c'est un peu comme Dove. D'offre. D'offre pas de cas. Alors attends, Guillaume est la bonne réponse au 612. Si vous l'avez trouvé, ce n'est pas une demoiselle, hein, je l'ai dit tout à l'heure. 06 98 72 56, etc. Est-ce que tu auras une phrase en plus, s'il te plaît, Charlotte? Il faut la tenir. Il faut la tenir. Il faut tenir ça 1-1. Septième phrase, qu'est-ce que c'est sur 9? Elle est d'argent et le silence est d'or. Elle est d'argent. Et le silence est d'or. Elle est plus dure que d'habitude, hein, je vous l'avoue. Heureusement qu'on a beaucoup de phrases. Il y en a une d'honneur. On peut en faire des belles. Celles d'évangile ne se discutent pas. Certains ne se l'adressent plus. Elles s'envolent, mais les écrits restent. Il faut la tenir. Elle est d'argent et le silence est d'or. La huitième, qu'est-ce que c'est, phrase? On peut prêcher la bonne. Ah, il va prêcher la bonne 1-1. Ah, prêcher. Ah, il est parti prêcher la bonne 1-1. Ouais. Et la dernière phrase, qu'est-ce que c'est? Sur France 2, il ne faut pas les oublier. N'oubliez pas les... Jeu avec Nagui. Ouais. Faut pas oublier les... Ça fait 10 ans qu'il fait le jeu. Il y a une chanson aussi comme jeu, ça. Le jeu, n'oubliez pas les... Il les a pas oubliés, lui. Qui suis-je? Il y en a une d'honneur. On peut en faire des belles. Celles d'évangile ne se discutent pas. Certains ne se l'adressent plus. Elle s'envole, mais les écrits restent. Il faut la tenir. Elle est d'argent et le silence est d'or. On peut prêcher la bonne sur France 2. Il ne faut pas les oublier. N'oubliez pas les... j'aime bien cette musique-là. On dirait Père Fouras. Ça. Alors, Guillaume, donc, qui a la bonne réponse au 6-11-12, n'est-ce pas? Il en a une d'honneur, n'est-ce pas? On fait des belles. C'est de l'évangile, ne se discute pas. Certains ne se l'adressent plus. Le nouveau Père Fouras. Elle s'envole, les écrits. Il faut la tenir. Elle est d'argent, je suis dans ses deux. On peut prêcher la bonne sur France 2. Il ne faut pas les oublier. Les oublions pas. Il ne faut pas les oublier. On n'oublie pas les quoi. Réfléchissez bien ce qu'on ne doit pas oublier. Guillaume, donc, est le mot que je cherche. Il y a des putains de drones à 1000 boules à vous offrir, les mecs. On se fait une musique d'été pour se détendre le trou de balle et juste après. Est-ce que je sens que j'ai stagiaire un petit peu stressé? Ouais, pas du tout, moi je suis bien là, voilà. Je suis en forme. On va se faire tranquillement. On se fait plaisir les copains, on se fait des euros bailar. Bonne nuit les mecs, merci d'être avec nous. 22h16, première radio de France, 21h jusqu'à minuit. Charlotte est avec nous. De Cannes, tu bouges pas mal chérie, reste avec nous hein. On file l'énigme, oui. On offre des drones maintenant. Juste après ça, et on se fait le jeu avec la fausse voyance, fausse totale voyance. Une fausse émission de voyance pour énerver les papas et les mamans. On le fait juste après sur Énergie. Yeah. aprieta. Continue de 21h à minuit. Allez, la sur Énergie. Sur Énergie. On se fait la fausse émission de voyance juste après. Salut Guillaume, moi à la base, je me suis fait contrôler par la gendarme à un péage en Subaru et moi je roule en Mustang GT500 Cobra. Salut Jérémy, énorme. Salut. Ouais. Juste avant Charlotte qui nous avait lâché l'énigme ce soir, il y en a une d'honneur. On peut en faire des belles. Celles d'évangile ne se discutent pas. Certains ne se l'adressent plus, elles s'envolent, mais les écrits restent. Il faut la tenir. Elle est d'argent et le silence est d'or. On peut prêcher la bonne et sur France 2, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas oublier les. On cherche le mot. Voilà, qui suis-je, Guillaume, au début de votre SMS si vous voulez jouer avec nous. On fait ça vraiment, ça dure 30 secondes, les messages arrivent devant moi, je les lis depuis tout à l'heure. Est-ce que ça serait de la cire? Raté. La réponse, voilà qui disait ça. Eh ben, c'est pas la bonne réponse. Alors, qui suis-je si c'est pas la cire? On essaie de trouver la réponse rapidement et puis après, on enchaîne directement avec le jeu La fausse émission de voyance d'Isa Jésus. Est-ce que c'est les promesses? Non. Non, c'est pas les promesses. Est-ce que ça serait le garçon? Pas encore. Non plus. Est-ce que ça serait, il y en a un qui dit, une fille? Toujours pas. Est-ce que ça serait une tribune par SMS ou une division? Et c'est non, c'est pas ça. Bah alors, qui suis-je? Une recette ou une escroquerie? Une femme? Une famille? Une religion? Dieu? Non, prêtre? Plus. Église? Alors, attends, j'ai tous les messages. Un regard? Le silence? Toujours pas. Non plus, on peut prêcher la bonne. On peut prêcher la bonne quoi, on dit? Il faut prêcher la bonne. Il y en a une d'honneur, on peut en faire des belles. Celles d'évangile ne se discutent pas. Certains ne se l'adressent plus. Elles s'envolent, mais les écrits restent. Il faut la tenir. Elle est d'argent et le silence est d'or. On peut prêcher la bonne. Et sur France 2, il ne faut pas les oublier. Les paroles, il y en a un qui dit là. Bravo! Bravo! Bravo! Bien joué! Non mais j'ai compris direct quand je l'ai vu. Attends, c'est facile. On fait un tirage au sort. J'appuie sur le bouton. C'est toi qui parles, Charlotte, d'accord? D'accord. T'as 50 secondes avant la pub. C'est toi qui dis bonjour, enchanté. Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? On fait tourner la roue des cadeaux. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 0. Oh non, merde. Putain, on a pas de cul là. Ça, à chaque fois, hier aussi. On va réessayer. Ouais. Ah ouais, non mais là vraiment. Attends, après, si vous voulez pas répondre, vous voulez pas répondre. Hein. Alors, si ça passe au répondeur maintenant, ça veut dire que t'as envoyé sur. Oui, allô. Ah. Salut. Salut Charlotte. Enchanté. Enchanté. Tu sais où t'es? Bon, à peu près, ouais. Un peu choqué, hein. Ah bon? Ouais. Comment ouais. Tu t'appelles? Yann. Yann, t'as quel âge? Côte d'Armor, en Bretagne. 24 ans. D'accord. Ouais. Et puis voilà, je suis au boulot, là, en train. Je suis au boulot, je suis cuisinier, et puis j'écoute Énergie tous les soirs. D'accord. Tous les soirs, avec Énergie. Et là, dès que j'ai un peu de temps, j'essaye de voir si je peux essayer de textoter Guillaume. Mais là, j'ai vu que j'avais un peu de temps, j'ai fait, et puis j'ai gagné, quoi. C'est super. On fait tourner la roue des cadeaux? On fait tourner la roue des cadeaux, c'est parti. Con, hey, tu sais quoi, bravo poteau. Bien joué. Ton prénom c'est quoi? Bah merci. C'est Yann. Allez, je te reprends juste après la pub, d'accord? Bouge pas Yann. On est obligé d'envoyer la pub. Je te fais un bisou mon pote. Je t'envoie le drone DJI Phantom 3 ça en tout marche. Cas. Bravo. Et bravo super. À toi. Merci et, beaucoup. Gros bisous les gars. Il nous reste 2 secondes et juste après ça, j'ai bougez pas. Vous êtes auditeur d'Énergie. Et vous serez parmi les rares privilégiés à assister à la finale de l'Euro 2016. En plus, juste avant le match, vous rencontrerez David Guetta au calme à son hôtel. Dès que vous entendez le double hit Énergie, avec deux hits de David Guetta à la suite. Soyez les premiers à appeler Énergie 3937. J'ai entendu le double hit.

étranger des mots. Je pète les deux à la fois. Maman me fait confiance. Elle dit que je suis un bras pour la sortir des soucis. Je peux laisser un bras. Le pète contre moi à la fin du mois. J'ai plus la force pour le vieux loi. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir chez moi, je gratte des cesses pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début d'une histoire qui suffit. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. Chaque saison, on m'a dit MHD, vas-y tout seul. Personne te suivra dans ton cercueil. La confiance achète, l'amitié ça paye pas. Si l'amour est avec pour maman, je suis Richard. Un œil sur ma montre, c'est mon heure qui approche. Avant de bouger, d'ici, je vais faire danser mes proches. Toujours les mêmes, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir, chez moi, je gratte des cesses pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début d'une histoire qui s'écrit. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Et plus le temps passe, je me rends compte que le succès n'est jamais très loin. J'étais loin des strass, j'appréhende toujours quand je monte sur l'estrade. J'entends le bruit de la foule, maman t'inquiète pas, ton fils va tenir le coup. Je me plains pas, j'ai la meuf qui m'entoure, on dit que j'ai brillé à l'ancien temps. Maman, j'ai mal, j'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Avec MHD, là, le morceau Maman j'ai peur. Il y a du foot ce soir, il y a un match en ce moment. Ouais, il y a Pologne Portugal sur un partout là. Voilà pour ceux qui suivent le match, 22h30 en direct. De 21h à minuit. Et du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, sur Énergie, de retour, passez une bonne soirée tout le monde. Guillaume Radio 2.0, nous sommes en direct hein, jusqu'à minuit. Et comme chaque jeudi soir sur Énergie, on fait Isa Jésus. Je vais me faire passer pour un voyant bizarre avec Boubou le marabout. Boubou le marabout, encore plus bizarre. Et on va piéger un papa ou une maman. Et ce soir, c'est Salomé qui voulait piéger son père. Bonsoir Salomé du Coteau. Tu m'entends Salomé? C'est qui, papa? Qui le papa? Yeah. Enchanté Salomé. 15 ans, c'est ça Salomé? Ouais. Déjà passé à la radio ou jamais? Ouais, une fois. C'est vrai? Ah, t'étais passé. Bah écoute, re-bienvenue. T'étais passé quand? C'est Mickaël. Ah, ok. Et eh ben très bien. Et tu connais depuis quand mon émission, toi, Salomé? Depuis à peu près le mois de janvier. Ah, d'accord, ça fait pas très longtemps. Ah, c'est récent, bienvenue. Ah, non. Et comment ça se fait que t'as découvert Salomé en janvier? Bah, je sais pas, j'arrivais pas à dormir, puis je suis tombée sur vous, du coup, j'ai commencé à écouter et j'ai plus arrêté. Ah, énorme. Ouais, merci. Le destin. Ah, trop gentil, ma chérie. Et après, t'as écouté du coup les autres émissions? Bah ouais, j'ai regardé sur YouTube et tout. Ah bah trop cool. Merci, bah, ouais. Attends, t'es arrivé pas à la radio et après sur YouTube, c'est marrant. Merci. Et bah enchanté, ma chérie. On va appeler ton papa, il s'appelle Dominique. Tu m'as donné plein d'informations sur lui, j'ai une feuille complète d'informations. Ouais, d'origine italienne, tout ça. Je vais essayer de l'énerver au maximum, on va inventer des trucs. Genre, t'as fumé, t'as pris de la drogue, etc. Je vais lui faire croire que je lis dans les gens, donc d'abord, je vais dire des vraies choses. Vous avez une voiture machin, vous avez une voiture bleue, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Et ensuite, quand il va vraiment croire que je suis un voyant, je vais commencer à balancer des saloperies sur toi, d'accord? Ok. Ok, allez, on fait le numéro. Tu lui fais croire que t'as gagné 10 minutes de voyance à la télé ou où tu veux, d'accord? À la diva. Ok. Voilà, ça sonne dès que ça répond, c'est à toi, ma Salomé. Allez, voilà. C'est à toi dès que ça répond. Allô? Allô? Oui. Papa? Salomé? Ouais, c'est... Bah oui. Dis-moi, ça va? En fait, c'était hier, ouais. Et toi? Ouais. Quoi, c'était hier, j'étais chez Julie. Et on était sur Internet, tout ça, tranquille. Et en fait, on a vu un truc sur le site de TF1. C'était, vous pouvez gagner genre 10-15 minutes de voyance. Et pour essayer, on s'est inscrit, tu vois. Et en fait, on a été tiré au sort et ça a marché. Du coup, tu as gagné 10 minutes de voyance sur Total Voyance. Et je voulais le faire avec toi parce qu'avec maman, tu la connais, elle allait s'énerver. Ah ouais? Ouais, du coup, là, tu es à l'antenne dans pas trop longtemps. Mais ils ont fait avec des célébrités et tout, tu vois, c'est pas des amateurs, c'est des pros. Du coup, je voulais voir si ça marchait vraiment. Et normalement. Ouais. Quand? Bah, dans pas longtemps, là. Genre dans le... Maintenant. Nous sommes en direct dans l'émission Total Voyance. Bonjour à vous si vous venez d'arriver au bonsoir, où vous situez? Bonsoir. Qui me parle? Dominique. Je ne t'ai pas donné la parole, Dominique. Nous sommes en direct, début de l'émission. Issa Jésus. Bonsoir à tous, les enfants. Je m'appelle Issa Jésus. Quand il jouit, ça sent le petit filu. C'est Issa Jésus. Quand il est aux toilettes, il sue. C'est Issa Jésus. Je serai en compagnie ce soir pour répondre à toutes les questions des téléspectateurs. Avec Boubou, le beau marabout burkinabé de Boulogne-Billancourt qui s'habille en Boubou même quand il s'est fait Bobo. Bonsoir Boubou. Bonsoir Isa Jésus, je m'appelle Boubou le marabout, je suis présentement enchanté. Nous avons comme candidat ce soir qui s'est inscrit Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Bonsoir Dominique, vous venez de la ville de Coteau. Oui. Dans le 42 avec votre fille. Et vous habitez, je vois la montagne, je vois l'air pur. Oui. Est-ce que vous me permettez de faire une voyance avec vous en direct? Oui. Vous avez le droit de ne pas y croire, laissez-moi vous convaincre. Laissez votre greffe sensorielle sortir, votre apaisement céleste, votre constellation parasolaire. Laissez-moi vous présenter le beau, le grand, le touffu. Il fait des poutou-poutou, c'est Boubou le marabout. Tout à fait, bien dit. Vous me connaissez bien, monsieur Isa Jésus. Dans un instant, bravo. Vous allez lire l'avenir de monsieur Dominique. Avec grand plaisir, cher Babtou, Dominique. Je vois une origine italienne, Dominique. Dominique, je vois des problèmes de chicot dedans. Dominique? Oui. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exact. Alors maintenant, nous allons rentrer dans la vraie séance de voyance. Maintenant que vous voyez que je suis un vrai grand voyant. Laissez ouvrir votre panaché cosmique. Laissez-moi ouvrir votre biflure cosmique. Laissez-moi votre panneau solaire éjaculatoire rentrer en moi. Boubou le marabout, qu'est-ce que vous voyez pour le futur de Dominique, le papa de la petite salope? Monsieur Dominique se mariera avec Miss Dominique, une Congolaise qui a réussi la carrière musicale en France. Une vraie de chez nous. Et elle cuisinera le poulet aux amandes ainsi que les nouilles sautées au cuit de bambou. Bravo, ouais. Monsieur, pour votre union avec Miss Dominique. Je vais demander maintenant à Boubou le marabout de chanter l'union avec de plaisir. Miss Dominique avec Dominique pour la chanson Saga Africa. 3, 2, 1, on vous écoute, Boubou le marabout. Saga Africa, ambiance Dominique. Saga Africa, ambiance de Savoie. Saga Africa, l'Italie a perdu. Saga Africa, ambiance de l'Europe. Congo, Brazzaville, Gaoundé, Yannick Noah. Quelle belle chanson pour unir cette union ce soir, Miss Dominique. Mister Dominique. D'ailleurs, je peux vous dire que pour 5000 euros et une voiture rapide, je peux faire passer vos enfants dans Alette enlèvement. Pour 300 euros. Pour 150 euros et un casting pour les anges de la télé-réalité, je peux vous faire passer pour un con pendant 2 mois. Merci. Pour 600 euros, une loupe et un soleil, je peux vous faire condamner pour incendie volontaire. Pourquoi pas? Pour 75 euros et un voyage à Paris, je peux vous faire rencontrer Mickey après 2 heures de queue. Ouais. Pour 10 pièces de 50 centimes, je peux vous faire avoir un billet de 5 euros. Je suis le meilleur des voyants. Allez. Laissez-moi me concentrer. Je me mets dans ma chaise à bascule. Je vois des choses qui ne me font pas plaisir. Je vois des choses sur votre fille. Est-ce que je peux me permettre de rentrer dans son trou noir blasphématoire? Elle veut, oui. Salomé, voulez-vous que je lise l'avenir pour votre pays? Bah ouais. Je vois... Vous fumez, Salomé? Non. Si, je vous vois fumer, je vois le tabac, je vois la plante, je vois la nicotine, je vois le goudron, c'est pas la route, vous avez pas le permis. Ah mais j'étais pas tenté de lire ça. Vous avez déjà tenté de fumer ou vous fumez régulièrement? Non, juste une fois, à une soirée. Mais c'est tout. Je vois que vous avez déjà volé une bouteille d'alcool avec des amis pour vous mettre la race. Oui, juste une fois. C'était pour la soirée aussi. Du coup, ben, on n'avait pas d'alcool. Du coup, on en a volé, mais on s'est fait choper. Du coup, on l'a pas vraiment volé. Boubou le marabout, qu'est-ce que vous voyez sur le futur de la petite Salome? La petite Salomé va se marier avec Didier Drogba, capitaine de la Côte d'Ivoire, et l'emmènera au trophée, au titre de la Coupe d'Afrique des Nations grâce à Salomé. Merci beaucoup, madame. Il va loin. Nous avons le futur de cette famille. J'ai l'impression, excusez-moi, mais comme disaient les apôtres qui nous entourent, comme disait notamment l'apôtre Mimi Mati, jeu de nain, jeu de vilain. Comme disait l'apôtre Prince Charles, je dors sur mes deux oreilles en même temps. J'aimerais que vous... T'es fatigué, dis donc. Comme disait l'apôtre DSK, plus on est de fous, plus on nique. Oh non. Boubou le marabout, j'ai l'impression que vous venez de voir le vice caché. Le vice caché de Dominique. Oui, tout à fait. Dominique, vous êtes africain et vous êtes le bras droit de Donald Trump qui est congolais. La révélation, le monde ne le sait pas, mais grâce à mes prédictions, vous et M. Trump avez été démasqués. Vous êtes comme nous, des hommes noirs, des hommes de confiance, des hommes de talent. Un petit peu, ouais, un petit peu. Alors, laissez-moi me concentrer. Une minute. J'ai l'impression que je vois votre fille conduire voiture. Bien sûr. Conduire la voiture de sa mère. N'oubliez pas, c'est l'ami des corrompus, je suis Issa Chessu. Il consulte dans les abribus, c'est Issa Chessu. Il se ressource au PMU, c'est Issa Chessu. Je vois que vous avez conduit, Salomé, la voiture de votre maman. Bah oui, c'était avec Charlotte la dernière fois quand on est allé à Villefranche. Mais c'est pas grave. Je vous laisse parler avec votre papa. Pendant une minute, nous allons faire l'écran publicitaire, ce qu'on appelle la réclame. On s'envoie une minute de réclame et on se retrouve juste trapé à tout de suite, hein, les amis. Pas de problème. Oh, Salomé. Papa? Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça marche un peu trop bien, leur truc. Ah, j'ai appris des choses, hein. T'es lâché, hein. Bouteille d'alcool, tu fumes, ça veut. C'est bien. C'est une fois dans ma vie. Ah, ah. C'est sympa, hein. En plus, ils n'étaient pas censés te le dire. Comment? Ils n'étaient pas censés te le dire, c'était censé être que sur toi. Et comment c'est ça que t'as démarché ce truc-là, là? Ils ont des choses, hein. Bah oui. C'est là, ils nous ont mis en pub, mais en fin de compte, c'est pas la pub, là. Et dis donc, il a Saga Africa, Saga de Dominique, tu veux? Il sait que j'aime bien les Africains, en plus, hein. Il est sympa. Ouais. Oh. Qu'est-ce que tu dis, Tchelo? Hein? Pas rien. T'es en direct, là. Vas-y, lâche-toi. Bon, ça y est. Ah, il arrive. Attention. Retour de l'émission Total Voyance. Nous sommes en direct. Salomé? Oui? Laissez-moi faire une tartine de chakra avec votre émotion. Laissez-moi vous mettre une bifle cosmique devant votre papa. Une pression. J'ai l'impression, excusez-moi, mais enfin... Vous savez que je suis une star de la voyance, monsieur Dominique. Oui. C'est d'ailleurs moi qui ai dit à Schumacher que c'était une piste verte qu'il pouvait y aller en fermant les yeux. C'est moi qui ai conseillé à Paul Walker de passer son permis de conduire. C'est moi qui ai conseillé à Will.i.am de boire un coup avant de chanter avec David Guetta. Il a monté toutes les femmes de Ouagadougou, c'est Boubou le marabout. Aux garçons comme aux filles, il aime faire des bisous, c'est Boubou le marabout. Après lui avoir fait une fellation, vous aurez un arrière-goût, c'est Boubou le marabout. Salomé, où t'as appelé là? Il va dans les mariages pour lancer les youyou, c'est Boubou le marabout. Qui aime se faire toucher de partout, c'est Boubou le marabout. Boubou le marabout, j'aimerais que vous donniez votre prédiction sur la France, le match de dimanche soir. Nous sommes en direct. La France va jouer à 21h dimanche. Nous sommes jeudi soir. Yalla! Malheureusement, j'ai le sentiment que la France va perdre. Pourquoi allez-vous me demander? Car la toux majeure, N'Golo Kanté, est blessé. Il s'est blessé à Clairefontaine, endroit de sorcellerie. Il a dû se faire mal au tibia péroné. Je ne connais pas l'anatomie française. Mais monsieur N'Golo Kanté, cher à notre Afrique, ne sera pas là. Ce qui favorisera l'Islande, terre de glagla, de verglas et de neige. Malheureusement, la France s'arrêtera à cause d'une grande absente. Suspendu. J'ai l'impression, une fois que vous avez essayé la drogue dure, Salomé. Oh là là. Je vois la poudre blanche comme la farine pour faire manger le projet. C'est vrai? Vous aurez essayé une fois la cocaïne, Salomé. Je le sens, la cocaïne. Je vois le Colombien en vous. C'est vrai? Salomé, c'est vrai? Oh là là. Mais t'étais pas censé dire des trucs que sur mon père. Ouais, ouais. Ouh. Oh, mais putain. Alors, tu as touché la... Mais une fois, c'est pas grave. C'est quoi ce piège? Vous essayez de me piéger ou quoi? Non. Mais si. Mais tu sais bien que moi, pour me piéger, Salomé, il faut... C'est du boulot. Qu'est-ce que tu dis? Pour monter la tête, il faut un moment, moi. Je leur dis. Mais tu gagnes, moi, je leur dis quoi? Je les connais pas, moi. Si tu me pièges, tu gagnes. Laissez-moi lire l'avenir. Vas-y, annonce. Laissez-moi lire l'avenir dans ma brosse à chiottes. Je vais reculer ma merde et je vais voir l'avenir. Oh là là, je vois des choses. Je vois des choses incroyables pour le marabout. Qu'est-ce que vous voyez pour la semaine prochaine pour Dominique? Dominique finira empaillé à Yomoussoukro, en Côte d'Ivoire, dans l'appartement de M. Cambi. Après l'avoir mangé, voilà. Désastre pour vous, M. Dominique, car blasphème sur Salomé, votre fille. Je vous remercie. Salomé, dis où on est à ton padre. Dis-lui. On est sur Énergie. 21h, du lundi au vendredi. Eh ben voilà, c'était pas si compliqué de faire ça. Du lundi au vendredi. Comment ça va, Dominique? Trop bien. Je sentais. J'ai tout gâté. On a essayé de vous énerver. On n'y arrive pas. Bah vous y avez cru. À un moment donné, c'était limite. Ah, j'ai senti un peu le chaud là, la chose arrivée. J'ai dit, oula. Ah, c'est bizarre. Isa Jésus sur RFM. Vaut mieux pas. Puis chanter des choses qui avaient été. Bon. Ouais. C'était sympa. Bon, en tout cas, félicitations, Dominique. C'était pour. On va offrir un cadeau à Salomé quand même. Ouais, bravo. Ouais. Bon. Vous voulez faire un bisou à l'antenne à quelqu'un, Dominique, une dédicace? À mes deux filles que j'aime très, très, très fort, que c'est mes plus gros amours, que c'est la plus belle chose de ma vie. C'est beau. Bravo. Bravo. Dominique. Bah, je crois que pour un père, les deux filles, c'est le top. C'est la Ligue des Champions. C'est bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Bon courage, le footballeur. Allez, bon match. Et puis, gros bisous à vous, à tous les auditeurs, voilà. Y a pas de problème. On vous embrasse. Merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée. C'est plaisir. On vous embrasse. Courage à vous et bonne vacances. Merci beaucoup. Ciao. Allez, ciao. Ciao Dominique. Hey, Salomé, tu veux faire une dédicace ou pas aussi avant de partir? Ouais, je veux bien. Vas-y, on t'écoute. Dédicace à Julie, Althea, Florence et Christine. Et franchement, je croyais qu'il allait plus s'énerver que ça, parce que là. C'est pas grave. On a quand même pu balancer les saloperies, on a bien pu rigoler, c'est le principal, t'inquiète. T'as géré. Je te reprends en rentrée, attends, il y a un beau cadeau aussi, d'accord, Salomé? Merci. Allez, on est en direct ce soir. Je vous adore. Merci beaucoup. Je te fais un gros bisou, ma chérie. On est en direct ce 30 juin. Demain, c'est déjà le 1er juillet. Avec ce soir le match, Pologne-Portugal. En direct jusqu'à minuit, Pologne-Portugal. C'est ça. Et il y a combien d'ailleurs le score? Toujours un partout, c'est bientôt les prolongations là. À ceux qui suivent le match, à 22h46, on est en direct. Je rêve de thunes de voyage, j'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage, on va changer de paysage. Tête dans la lune, pied sur terre, je vois les oiseaux s'envoler. On dit souvent que c'est les gens plus bactères qui seraient prêts à tout donner. Je suis trop fort de caractère, comme mes potes qu'on incarcère. Pour le stress, j'y mets du mien, je vous attends devant la mer. C'est qui se fait ramener les glaires? C'est juste stagiaire. Pépette du 87, Isa Jésus sur le premier, te la mets dans le cul, salut gosse 18. Ça fait 5 ans que je vous écoute tous les soirs, je vous adore, j'aimerais trop passer la radio avec vous, vous êtes au top, vous faites trop rire, je vous aime, merci ma chérie. Gros bisous merci. Au ban de Grenoble. Bisous. Un big up pour toi et un big up pour vous tous. Si vous écoutez comme ça l'émission, ça me fait vraiment très plaisir. Et si vous ne connaissez pas et que vous découvrez aussi ce soir, je suis content que vous découvriez l'émission. Voilà, parce qu'on l'a fait vraiment à fond, on donne tout ce qu'on a, on s'amuse. Big up. Et là, je suis content quand vous la découvrez. Comment vous avez trouvé notre petit Isa Jésus du soir? Du jeudi. On s'est pas fait Pitbull avec Macassi là. Non, on s'écoute maintenant là. On se fait El Taxi. Il est 22h47. Juste après, on aura des PS4 à vous offrir aussi tout à l'heure. À l'occasion, on a sorti de Lego Star Wars, le réveil de la force, le jeu sur PS4 là. Ouais. Il est sorti mardi. Je vous file la PS4 plus le jeu Lego Star Wars. On vous le file juste après le réveil de la force. Les Pitbull, Macassi, El Taxi. Et avant la PS4, on parlera de QQ, de Fionfion. Et on prendra. Il y a encore 2-3 réactions qui étaient marrantes tout à l'heure par rapport aux arrestations originales. on en parle après sur Énergie. Bonne nuit les mecs, on passe ces soirées ensemble. Le principal c'est d'être ensemble après. On se fout de ce qu'on fait. Le but du jeu c'est de rigoler ensemble. Envie d'une nuit de folie chérie, viens dans mon taxi. Quand elle monte dans la gouva, je claque des doigts, enfin il te boit. Coupe de champagne, bébé, détends-toi. Ce soir, tu ne rentres pas chez toi. Non, non, non, tu ne rentreras pas. Non, non, non. Elle sourit, se colle à moi, ses fesses sur moi font bam, bam. Elle suit le son, à sa dansant. Un doux suçon, elle soupire et frissonne. Elle est le taxi, la conocí caminando por un back street. Estaba sexy, pero tan sexy que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer. Está dura, dura, que dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula. Lula, con culo de mula. Sí, en un taxi. Qui est là, mais je sais pas pourquoi elle nous a appelé. Il y a plus marqué sur le standard les lignes téléphoniques. On a un petit bug à l'instant. Bonsoir Pauline. Allô. Ça va ma Pauline? T'appelles de Corse, ta Pauline? Salut Pauline. Oui, oui, voilà, j'appelle de Corse. Voilà, et bah, c'est le seul truc que je sais. Puis après, je sais pas pourquoi t'es là. Voilà. Écoute, c'est pas grave, on va faire de la radio. Pour... Voilà, à l'ancienne. C'était pour. Voilà, je te coupe ouais, la... Non, je suis plus d'accord. C'était je pour. Je te coupe la parole. Je rigole, pardon. Vas-y, ma chérie, je t'écoute, c'est cool, Pauline. Elle attends, pour de vrai, on a reçu un t-shirt pour Flo des cadeaux. Ah oui, ah, merci beaucoup. Je vous demande d'envoyer des trucs. Vous m'envoyez par la poste des t-shirts dégueulasses pour Flo des cadeaux. Salut Guillaume, je m'appelle Yann et avec mon pote Pierre, on a offert ce t-shirt pour Flo des cadeaux. J'espère merci. Que ça lui plaira. Et j'espère qu'il le mettra pendant une émission. Yann et Pierre. Ah bah ce soir. Bah c'est magnifique. Bah ouais, voilà, c'est... il est tout propre. Voilà. J'ai peur parce qu'il est dans un sécheur. Je vais l'emmener. Attends, ça pue. Non, Guillaume, me l'envoie pas. Oh ça là là. Non, non, non, non. Bon, bah. Oh merci Yann et Pierre. Oh, c'est quoi c'est... J'ai pas l'odeur, moi. Encore. Attends, tu tousses, tu bois de l'eau et c'est mauvais pour moi, ça. Ah, mais faut le porter après. Hein. Non, non, tu le porteras pas, Flo des cadeaux. Non, non, non, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais. Non, non, ils ont... ah, il est vieux, quoi. Non, non, il est. Ouais, non, mais c'est... vraiment, ils ont envoyé une sape. Ah, il est fait... mouillé. Ouais, parce que ouais. Vous amusez à m'envoyer des t-shirts pourris. Ouais, bien bien pourri là. Qui s'occupe des cadeaux et ça, en ça fait, faire. Il est mouillé, il sent le. Non, non, il sent le mouillé. C'est le plus moche qu'on ait reçu. Hein. Ah ouais. Non mais là, c'est vraiment. Ah ouais, il sent le. Là, c'est moisi. Ah, bien sûr, là, c'est moisi et tout. Bon, je pensais qu'il s'énervait plus que ça, son père. J'espère que ça allait quand même énorme. Salut, gros bisous, Salomé. Salut. Bonsoir, Guillaume. Dédicace au routier de Fécamp. Salut, mon titi. Salut, gars. Salut, mec. Merci, hein, merci à toi. Super émission comme d'hab. Bonsoir, le pêcheur du 7-9. Salut, pêcheur. Énorme. J'adore le Isa Jésus. C'est toujours le premier. Énorme. Eh ben merci les mecs, je suis content que ça vous ait plu là. Il est 22h52. Nous sommes en direct. J'ai ce putain d'écran pub à 52 là, comme à ouais. Il dure 48 secondes, ça va très très vite. Il y a une pub pour les Energy DJ Awards, on se retrouve juste après. Vos votes vont désigner Les top DJ mondiaux. Qui allez-vous récompenser cette année? C'est David Guetta. This is Avicii. I'm Calvin Harris. Yo, this is Martin Garrix and you're listening to... Énergie présente les Energy DJ Awards 2016. Votez maintenant et tout l'été sur energy.fr. Et le 12 octobre, dans le cadre du Mix à Monaco, la plus grande cérémonie européenne consacrée aux DJ récompensera les meilleurs d'entre eux. Energy DJ Awards. Hit music only. Ninja Turtles 2, les 4 frères les plus cool reviennent au cinéma. Leonardo. On s'équipe les gars. Donatello. C'est parti. Michelangelo. J'ai un look de tombeur. Et Raphaël. Il ferait quoi Vin Diesel? Sans peur. Il regret. Ninja Turtles 2. En ce moment au cinéma, vivez le Turtle Power en 3D. Avec énergie. Amour, travail, santé. Tu te poses des questions? Destin au 7-20-12. L'avenir est toujours incertain, c'est vrai. Mais les astres peuvent te guider. Envoie par SMS Destin, D-E-S-T-I-N, au 7-20-12. Et nos astrologues te diront de quoi est fait ton futur. Tout savoir pour avancer plus sereinement, envoie Destin au 7-20-12. Destin au 7-20-12. 65 centimes plus prix du SMS e-énergie. Venez voir vos stars préférées sur la scène du Energy in the Park. Vous étiez plus de 40 000 l'an dernier. La troisième édition du Energy in the Park. C'est le 8 juillet à Angers-Trélazé. Sur scène, Ritza, Willy Williams, Souf, Boussy, Macassé, Unique, France, Slimane, Chris Cab et Jennifer. C'est Jennifer sur Energy. Le Energy in the Park. Présenté par Guillaume Play. Le 8 juillet à Angers-Trélazé. Un événement Energy. Hit music only. Et surtout, n'oubliez pas de choisir un Sam avant de sortir. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. À la radio, vous aviez l'habitude de vous ennuyer. Eh ben, on est désolé de casser votre routine. Parce qu'ici, on fait tout le temps n'importe quoi. Tous les soirs, 21h minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 en direct sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne sur Énergie. Passez une bonne soirée, nous sommes là. Il est 22h54 sur Énergie. D'écrire une chanson pour la Révolution française. J'ai perdu mon brouillon. J'avais noté pourtant là. Allons ensemble. Patrie, jour de gloire est presque arrivé. Aux armes, les copains. Ouais. Putain, merde, je sais plus ce que j'avais écrit exactement. Fais chier. Bon, attends. Aristide. Ouais. Aristide. Oui. Viens là, frérot. Je suis là. Viens là, m'aider. J'ai sur une feuille, j'ai écrit. C'est quoi? Une commande du clergé de tiers état. On m'a demandé d'écrire une chanson pour la Révolution française avec les révolutionnaires. Et je sais pas où j'ai mis. Bah, j'avais marqué sur une feuille. Aux armes les zouzous, aux armes les copains. Aux armes les chiens, non? Non, aux armes les quais, Morito. Non, ah, non. Aux armes les foufous. Non, je sais plus ce que j'ai marqué, putain. J'ai un trou de mémoire, je sais pas comment revenir. J'ai vu. Attendez, alors, je vais demander. Ah. Attendez, je vais prendre les clés de ma cellule, excusez-moi. Ah oui, Merde, putain, j'ai trop de clés, je ne sais plus où est. C'est la plus grosse. Allons voir le bourreau avant qu'il exécute le seul. Attendez. Allons voir le bourreau, parce qu'il y a une seule personne qui est capable d'écrire des paroles, ils vont la tuer tout à l'heure. Sans faire de faute, oui. Et parce que c'est le noble, Eucharistique de Lyon-Dit. Le fameux, oui. Alors, merde. Gloire à lui, bon, quand même. Monsieur le bourreau! Oui! Monsieur le bourreau! Oui! Et ma femme! Pouvez-vous m'envoyer la cellule? Je sais que mon frère Aristide. Oui, bonjour, monsieur le bourreau. Je suis le parolier, celui qui. Vous me reconnaissez? Vous savez comment je m'appelle? C'est moi qui ai écrit la Marseillaise. Oui, ça me mélomane. À peu près, je vois. Et comment je m'appelle? Je vous ouvre. Île de. Le Rouget de Lille. Et voilà, merci. Merci. Je suis Rouget. Rouget de Lille, exactement. Et mon vrai prénom, c'est Jean. C'est pas ça que je le voyais, pardon. Voilà, mon vrai nom, c'est Jean. Hein, voilà. Ah, mais en fait, mon pseudo, c'est Rouget de Lille, mais en fait, je m'appelle Jean de la Vigne. La porte est ouverte. Merci beaucoup. Parolier. Oui. Non, non. Parolier. Oui. Parolier. Oui. Vous allez vous faire exécuter demain. Ah mais non, je ne suis pas d'accord. Ah bah, vous allez vous faire complètement guillotiner la gueule. Ah mais ça, alors, c'est pas très je agréable. Vous propose de faire un échange. Vous m'écrivez une chanson parce que les révolutionnaires m'ont demandé une Marseillaise. Bon, c'est une chanson qui porte la révolution. Vous m'aidez à écrire, en échange je vous libère. Ah mais avec plaisir alors. Ah, non, non mais c'est pas belge. Toi. C'est la Marseillaise. C'est rigolo quand même. Ouais, non, c'est cool, on est plongé dedans. T'avais compris, Emina du Standard, que j'allais aller vers là ou pas, non? Non, au début, non, je pensais pas. Ah. Mais le bourreau, j'étais déjà un peu. Tu sors de la prison facile. Là, je rentrais dans la prison. Ah oui. Alors, ce qui est marrant quand même, c'est que faut que vous le sachiez, hein, quand on fait des trucs comme ça, ça s'entend, rien n'est écrit. C'est le bordel, le vrai bordel. Je mets la musique comme ça, je me recule, je vais dans le coin. Voilà, je suis dans le coin du studio et après je marche. Et après on invente à chaque fois. Voilà. Il faut savoir que vraiment, quand je marche, je cherche moi-même en fait l'inspiration de la musique, hein, parce que voilà, faut le faire, quoi. Ça n'a aucun sens. Hein, voilà, il faut le savoir vraiment. Ça n'a ni queue ni tête, hein, ni queue ni queue là. Du standard, elle m'a dit oui. D'ailleurs, je veux pas faire ce genre de jeu. Ouais. J'aime pas trop jouer la comédie parce que ça n'a pas de queue. J'ai mis quoi? Mais n'importe quoi. Dis-moi, tu sais que je ne viens pas quand il n'y a pas de queue. Mais c'est quoi cette invention là? C'est ses conditions, elle. N'importe quoi. On m'a dit, plus la queue longue, plus je viens lent. Ah bah oui, évidemment. C'est pour ça que moi, c'est vous qui allez à Disney. Je parle de la queue, faire la queue. Ah, file d'attente, j'adore. File d'attente, ni queue ni tête. C'est quoi la musique de fond que tu utilises? Je ne sais pas, mon ami. C'est les musiques de radio que j'ai sur les vieux CD. Des musiques de films que je récupère et ça n'a pas de titre, ouais, tu vois. Sans titre. Après, tu peux essayer, hein. Regarde, on peut essayer de faire un Shazam, ouais. Hein, gros, mais. Bah, y a rien, si. Écoutez, ceux qui veulent cette musique, si vous voulez vous amuser et tout ça, je veux bien la remettre et comme ça, alors sortez vos Shazam. Et parti, Shazam, c'est l'application qui. Sans le Shazam bloqué, quoi. Non, qui permet de savoir. Attends, vas-y, hop, voilà, ça y est, j'allume Shazam et on y va. Non, ça marche pas. Il y a rien. Inconnu. Ouais, moi je crois que ça marche pas. Dites-moi si ça a marché chez vous, mais moi chez moi ça a pas marché là. Résultat du BTS pour moi demain. Ah. On stresse. Oh, bon courage. On essaie de se détendre alors au maximum ce soir. Bon courage les copains qui avaient passé le BTS. Je sais que c'est une période importante dans vos vies. Les diplômes et souvent ça ouvre autre chose après et tout ça, donc je sais que c'est hyper important. Je croise les doigts pour vous les mêmes. Juste au standard, alors vous êtes très nombreux à nous avoir appelé. Il y avait déjà Pauline, hein, qui nous avait appelé, on a eu deux secondes. T'avais passé un petit coup de fil ma chérie, tu m'entends toujours Pauline, hein, de Corse? Oui oui, c'est bon, je t'entends. Eh ben enchanté. Et salut. Alors tu appelles dans quelle ville toi? Trabzon. C'est vrai? Attends, non, c'est vrai, c'est une vanne. Non. Non, c'est vrai, c'est là où il y a la base aérienne, non, normalement? Oui, voilà. Juste au-dessus de Solenzara. Bah, vraiment pas loin. Ah, tu connais? Oui, juste voilà. Juste au-dessus de Solenzara, c'est ça. Ouais, ah, bien sûr, ouais. Je connais très bien, là, bien sûr. Et j'y suis allé, c'est parce qu'en fait, on allait à Porto Vecchio et c'est sur la route entre Bastia et Porto Vecchio, en dessous de Ghisonaccia. T'as vu le panneau? Oui, je sais, je suis venu te voir à Bastia, j'ai pris une photo avec toi. Ah! Non, vous connaissez? Oh! Tu avais pas connu? C'est bon! Non, j'ai plus de pénis, tout a disparu. Ah bah voilà. Oh, c'est bon! Attends, et non, sérieux, t'es venu au concert? Oui, j'ai pris une photo tout à la fin avec toi. Je t'ai même parlé sur Twitter que je t'avais dit que t'avais retweeté mes tweets. Ah ouais, on s'est parlé à la fin dans la tente. Il y avait plusieurs personnes qui ont dû faire des photos à la fin, c'est ça? Oui, voilà. Oui, c'est voilà. Ça, il y a plein de gens qui sont venus à la fin, etc. Et je m'en rappelle très bien, bien sûr. Et c'est sympa, et t'es venu pour le concert de si loin, quoi. Mais en fait, j'étais venue pour toi, plus pour toi que pour le concert. Mais oui, j'étais venue pour écouter le concert. Ah, c'est gentil. Bon, merci. Écoute, merci beaucoup. Merci. Ça t'a plu le concert ou pas? Oui, oui, sérieusement, c'était bien. On s'est marré, non, quand même? On s'est bien amusé. Oui, ah, oui, ouais. Bah oui. On a fait j'étais un peu dégoûté de ne pas avoir vu JM du Standard, mais bon. Pourtant, j'étais pas là et j'étais à côté de toi. Mais toi, vraiment, non, mais. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Et pourtant, c'était le seul qui était avec moi. Tu veux dire, tu l'as pas vu après? Oui, voilà. On vous attendait au début et il y a une fille qui m'a dit d'aller derrière et après, du coup, c'est pour ça que je t'ai vu. C'est parce que lui est parti avec une petite, comme il dit. Ah. Voilà. Non, c'est pas vrai. Non, mais en plus, c'est pas vrai du tout. On est rentré à l'hôtel, on a préparé la rentrée télé. Voilà, si vous voulez tout savoir, on a travaillé après. Rassure-moi, tu m'as quand même vu quand j'ai mangé une tarte à la crème dans la tête. T'as vu, tu l'as vu sur scène? Oui, j'ai même bien. Voilà, sur le bateau, Si j'aime nous en, on a plus de charisme. Ah ouais, c'est la fin de l'année, là. C'est absolument perdu son charisme il y a deux semaines et c'est trop bizarre. J'ai laissé un Corse, je crois. Ah. Bon, alors, comment ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé comme arrestation un peu originale? Mais en fait, c'est pas moi, c'est ma mère. C'était le jour du brevet donc, d'histoire géo, donc il n'y a pas longtemps. Et donc, elle devait nous ramener avec une amie. Et donc, elle nous a envoyé un message comme quoi elle partait. Sauf qu'en réalité, quand elle m'a envoyé le message, elle était avec les flics, du coup. Ouais. Et en fait, elle leur a menti, elle leur a dit que j'avais pas loupé, parce qu'en fait, elle avait pas ses papiers, ils l'ont arrêté, donc pour la contrôler, et elle avait pas les papiers. Et du coup, elle leur a inventé un mytho, elle leur a dit que j'avais complètement loupé le brevet, et que j'étais en pleurs, donc elle s'est dépêchée pour venir me récupérer, et elle a oublié de prendre les papiers. Ah là là, et du coup, c'est passé, et ils l'ont laissé. Oui, ils l'ont laissé passer. Ils ont dit, la pauvre maman, sa fille a raté le brevet, on va pas en plus lui mettre une amende. Bah, ils ont un cœur. Ouais, voilà. Ils sont comment, la gendarmerie, d'ailleurs, en Corse? Ils sont plutôt sympas? Comme partout. Quels sont tes rapports? Il y a beaucoup de clichés là-dessus, mais bon, en tout cas, moi, je sais qu'il y en a qui mettent des amendes. Non, après, il y en a, ils ont un peu plus peur de certains. Il y en a qui ne sont jamais arrêtés, on ne sait même pas pourquoi. Ouais. Mais c'est cool, on n'est pas du tout dans le cliché. Non, je vais poser la question, encore au contraire. Hein, moi, oui, oui. Hein, pas du tout. Non, c'est dans le sens, est-ce que. Parce que je sais que parfois, le Corse, il n'aime pas qu'on lui dise que. Il ne faut pas faire des choses. Moi, je suis un grand fan de la Corse. Alors, j'ai vu. On y était encore ce week-end, pour vous dire, mais. Je sais que le Corse, il n'aime pas qu'on l'arrête et qu'on lui casse les couilles. Quoi. Ah ouais, ouais. Bah, personne. Non, un Breton, un Basque. T'es jamais allé en Corse, le stagiaire. Pourquoi, c'est quoi la différence? Donc, je ne t'en veux pas, tu veux pas comprendre. C'est quoi le truc alors? Il y a une espèce de fierté corse, fierté, mais que je trouve ça bien, moi j'adore. Ah, contre l'autorité? Ouais, en général, quoi. Tu sens que, tu vois, ils vont pas faire construire de bâtiments, sinon ça va sauter, quoi. Ouais. Mais c'est vrai, pas du tout, ils nous l'ont dit, les mecs. Ils ont dit, regarde, chez nous, il n'y a pas le McDo. Parce que chez le McDo, il n'y a pas un McDo. Bah non, il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de Zara, non? Mais le jour où il y a un mec qui construit, ils ont essayé. T'habites à Bastia, tu veux des nuggets, c'est mort. Et le mec qui se fait construire une maison un peu trop grosse, il a foncé sauter comme ça dans le paysage, au moins tu vois que les sapins. Et quand t'arrives au large en bateau, tu vois pas qu'il y a des immeubles. C'est vachement. Il y a pas un McDo, c'est mal, chaud. Y a pas de... ouais, ils ont pas d'Arty, par exemple, tout ce genre de magasin. Ils ont Carrefour. Le seul magasin qu'on a vu avec une enseigne, j'aime le standard, c'était la foire fouille. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà, c'est le seul magasin avec une enseigne qu'on a vu, c'était la petite foire fouille de l'époque avec les vieux logos. Faire tes courses, tu vas où? Et dans des petits supermarchés. Je vais au Leclerc, au Casino, il y a quand même. Voilà. Mais c'est des petits Leclerc par rapport au continent, il n'y a pas les. Il n'y a pas les grands magasins dedans et tout. Non, quoi. Parce que moi j'ai une copine qui était là-bas et qui m'a dit pour acheter un appareil photo ou quoi, il est obligé de commander sur internet. Un iPhone. Un iPhone en Corse, tu peux l'acheter. Il y a des petits revendeurs, bien sûr, de téléphones, etc. Mais ça coûte toujours plus cher un peu quand même. Très particulier. Amina, tu en as déjà allé en Corse? Non, jamais, non, pas encore. Jamais. Non, j'aimerais bien, mais non. C'est un peu. C'est sublimissime. La Corse, moi je suis vraiment absolument amoureux de la Corse, je trouve ça dingue. C'est un choix de vie, quoi, c'est un concept. Et on a rencontré un Corse direct, il me dit, tu sais ce que c'est le plus gros défaut de la Corse? Bah, c'est qu'il est Corse dessus. Et les mecs, ils ont de l'humour. Franchement, moi j'adore. Je vous ai fait un gros bijou à toute la Corse. Vraiment une île qui est incroyable. Ceux qui sont jamais allés ne peuvent pas comprendre parce que c'est l'eau, elle est bleue turquoise. Les gars, je suis allé sur un lagon, les mecs, à Santa Giulia. Tu connais, Pauline? Oui, il y a Christophe Maé, je crois, qui a fait le clip là-bas aussi. Ah, peut-être. Il est au bonheur, non? Je savais pas. Mais il est à Santa Giulia. Ouais. T'as dit quoi, Gisela? Il est à Santa Giulia, le bonheur. Et c'est merci. Lequel de clip il a tourné là-bas? Ah, je sais pas du tout, moi c'est ce qu'on m'a dit, après je sais pas. Non, mais je crois que t'as raison, j'ai des copains qui m'ont dit qu'ils le voyaient là-bas. On s'attache, non? Je sais pas, mais il y a la plage. Un clip où il est à la mer. Ah, c'est ça, ouais. Bah, je crois, après il y en a peut-être plusieurs. Et en tout cas, c'est mon paradis. Ah, mon paradis? Ah, comment tu sais, Mina du Standard? Bah, c'est YouTube qui m'a dit ça. Ah, c'est vrai? T'as tapé Santa Giulia? J'ai mis Santa Giulia, Corse, Christophe Maé. Ah, bah voilà. Ah oui, mon paradis, mon paradis live, non? Ouais, je crois que c'est ça. C'est pas vraiment un clip, c'est juste un live. Ah, je sais pas, moi c'est ce qu'on m'a dit, je suis pas fan de Christophe Maé. C'est pas moi qui ai le balance. Pas moi qui ai le balance. Bon, attends, je vais regarder. Ah, mais je crois que t'as raison, ouais. Ah, ouais, il a fait un live, ouais, c'est possible, mais bon. Ah, peut-être. Avec sa guitare. Ah, si, complètement, c'est énorme. Si, il est sur la mer. On se rend pas bien compte parce que c'est couché de soleil, mais la journée, elle est bleue turquoise. Faut qu'il y aille là-bas. Bon, en tout cas, ma Pauline, tu pêches un peu, toi? Tu as de la famille qui pêche avec un petit bateau ou quoi? Il y a plein de bateaux partout là-bas. Mon père, il chassait il y a un peu longtemps, mais maintenant il a arrêté parce qu'il y a des problèmes de dos, mais avant, oui, il chassait. D'accord, ok. Et gibier. Et c'est fou. Hein. Oui, oui. Ah non, mais alors vraiment, et ça c'est dingue. Moi, vraiment, vous avez vraiment une autre vie que nous. En général, dans le sud, hein, par rapport à Paris. Moi, ça m'a rechoqué quand on y allait avec Jim le Sandin. On est parti à 16 degrés, on arrive à 33. Ah ouais. Et nous, il faisait gris, pas de luminosité là-bas. C'était. Il n'y a pas un nuage et tout. On est resté 3 jours là-bas. C'était un temps de malade. Et nous, on revient ici, on se retape la pluie. Ah ouais, c'est vraiment une autre façon de vivre dehors, plus cool et tout. C'est vraiment agréable, quoi. Moi, j'habitais 7 ans à Perpignan. Putain, c'était quand même. Tu sens la différence de vie. Même sur le moral, ça. Ouais, putain, il y a beaucoup de baltrap, d'armureries. Ah, j'ai vu du baltrap, c'est rigolo. Il y a des armureries partout pour la chasse, etc. Partout encore, c'est assez ouf. Parce que j'étais, moi, j'ai une copine qui habitait et je lui disais, putain, il y a deux commerces à côté de chez elle, c'est un boucher et un armurier, quoi. Allez, d'accord. Ah, c'est vraiment, moi j'adore, ça fait vraiment la France des années 30. Tu peux avoir des armes et pas de McDo. Village à l'ancienne, quoi. Et oui, le McDo. Mais après, c'est pas mal. Et ça, c'est bizarre quand même. Je vais vous dire un truc. Ouais, grave. Quelque part. T'imagines comment on est adepte ? Moi, ça me choque pas. Parce que je suis un peu comme Orelsan. Je trouve que tous les centres-villes se ressemblent. Et je trouve que ça a perdu du charme, les centres-villes, d'avoir Zara dans toutes les villes. C'est un avantage. Oui, tu vois, et qu'il n'y ait pas de gros bâtiments en béton comme sur certaines côtes d'Azur, en certains endroits. Mais après, il faut vivre avec son temps quand même. Ça, oui, mais c'est quoi son temps? C'est vivre moche, non? Non, c'est pas vivre moche, c'est vivre avec ce qui se passe en ce moment. Mais je vais te dire, il y a 5 minutes encore s'il y aurait des emmerdes. Non, mais je suis franchement, je suis naturel. Non, mais si je parle. Exactement, il ferait une mauvaise place. Mais non, mais si je parle encore. Non, mais attends. Non, parce qu'il faut savoir que. Moi, je donne mon avis. S'il n'est pas d'accord, on parle. Ben non. Si, qui m'a fait une blague une fois, un mec un peu un patron quoi, et je lui dis, ah c'est cool et tout, vous avez de l'humour? Il me dit, non, jamais sur moi-même. Ouais. Ah ouais, c'était une blague. J'ai t'étais là. J'ai des potes corse, ils sont pareils. Ah ouais. C'est un genre. Ah là, c'est un style. Ah ouais, je suis fan. Gros collège, vos dédicaces au collège Jeanne d'Arc. Salut à toutes les chaudasses de la Mayenne, Cédric du 53. Au collège Victor Hugo à Créteil, The Best, continue comme ça. Salut Guillaume, c'est la Astral Academy. C'est quoi ça, Astral Academy? C'est la musique. Astral Academy. Ah putain, fort. Ah parce que moi je l'ai mis dans le casque en fait, j'ai collé mon téléphone dans le casque parce que j'ai pas dans les enceintes, j'ai les micros allumés, c'est peut-être pour ça alors. Salut Guillaume, dédicace à tous tes chevaux là, bonsoir à toi, le message est passé mon ami Goss. Mon Shazam marche, eh ben très bien. C'est quand que vous allez appeler un scatophile de Clément le Futé, salut à toi. Salut. Salut à tous, merci le motard de Rouen qui m'a envoyé aussi. Salut Hélène, Astral Academy. Salut. Harry Pulkiten, salut à tout le monde. Voilà, si vous cherchez cette musique pour en faire je sais pas quoi d'ailleurs. Salut. T'as vu cet enculé de Jawad là? Vous avez vu ou pas? Oui, il a fait, là. Il est mouillé. Ah, t'as mec. Pas vu ce qu'il y a Aminé du Standard? Non, non, non. Ils ont retrouvé son ADN sur la ceinture explosive. Donc il a fait. Là, là. Ah, fils de pute. Il connaissait personne. Donc il a fait genre, bah, moi c'est un ami qui m'a demandé de l'héberger. Grave. Quel bâtard celui-là. Bah, mais... Et ils l'ont relâché. Non, mais ça se voyait qu'il était étonné. Personne n'y croyait de toute façon son histoire. Bah non, ouais, en même temps. Je pense qu'il va se faire fister en bonzon là. Ah ouais, c'est sûr. Ah, c'est possible. Bon alors Guillaume, tu pars en bibrine, hein, encore s'il n'y a pas eu des super, tu peux acheter des appareils photo, juste tu les payes plus cher. Non, j'ai dit qu'il n'y avait pas de grosses enseignes, j'ai jamais dit qu'on pouvait pas acheter. J'ai dit que c'était plus compliqué, c'était des petits magasins d'électronique et du coup tu les payes plus cher. J'ai dit exactement la même chose que toi, salopard. Salut Guillaume, je suis des Vosges, j'ai habité 3 ans à Ajaccio et je comprends parfaitement ce que tu dis, c'est totalement notre monde, c'est un paradis ultra accueillant. Salut man, dédicace, merci. Et Julien, y a pas de mec comme toi en Corse, viens pas oublier. Mais non, mais je vais. Non, mais en vrai, je vais venir, hein, je te jure. Ouais. Je vais venir à Bastia, Ajaccio, là, on va rigoler. C'est quoi cette menace? Non, mais pas une menace, je vais venir. Ouais, je suis curieux maintenant. Fallait. Salut Guillaume, tu veux que je sorte une blague? Je vais te montrer qu'on a de l'humour sur nous-mêmes. Cédric de 2A, salut. Ah, à Sagone. Corse du Sud. Ah, bah, salut. Village, tu sais pourquoi nous les Corses on grandit pas? Parce que nous, quand on est petit, on nous dit plus tard, quand tu seras grand, tu iras travailler. C'est drôle. Bon alors, Pauline, donc tu t'es fait arrêter que ta daronne. On parlait des arrestations un petit peu rigolotes. François, qui est là, reste avec nous, Pauline. Tu m'entends, François? Oui, je t'entends, oui. Bonsoir. T'appelles du 60, c'est ça? Salut, François. Exactement, de la Picardie. Bonsoir. Voilà. Enchanté. De Crépy-en-Valois. Oui. Exactement. Voilà, Paris. Oui. Très bien. Eh bien, sois le bienvenu. Bonjour. Merci de nous appeler. Nous sommes ce soir sur Radio. Nous sommes ce soir sur Radio Classique. Bonne nuit à toi, François, et bonne nuit à tout le monde, tous nos écouteurs de radio à cette heure-là. Je vous rappelle que nous sommes là jusqu'au 12 coups de minuit pour passer après le relais à Boris Vivenstein qui gère l'opéra de Berlin jusque tard dans la nuit. Ce soir, nous faisons une retransmission de Federico Michelangelo, qui n'est pas une tortue ninja, mais qui est bien le maître à penser de Mozart, l'opéra rock. Albertini, mon assistante, va vous expliquer la petite pause publicitaire que nous allons subir. Oui, alors bonsoir, je m'appelle Albertini, il est 23h12. Nous allons écouter le Requiem de Franz-Olivier Gisbert qui a prononcé ces mots « Ich bin in Berlin » du côté de Berlin. Dans quelques instants, merci, soyez à l'écoute. Nous allons écouter le plus grand berlinois, Bernard-Henri Lévy, qui nous parlera tout à l'heure dans la un mélange de créole. Alors, excusez-moi, j'ai fait trop de personnages. Oui, nous sommes ce soir en direct. Je me suis acheté une nouvelle bague. Regarde, tu la trouves belle, Albertini? Ah oui, c'est du plaqué or, on dirait. Non, non, c'est du vrai Swarovski. Ah ok, mais ton mari a les moyens, alors. Ah, oui, je me suis, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je me suis mariée avec le grand batteur Kid Rock. Ah oui, le fameux. Tu as pu le rencontrer. Kid Rock, oui. Ça m'est venu comme ça, voilà. Kid Rock. Kid Rock, c'est mon mari, voilà, je suis mariée à lui depuis 2 ans maintenant. C'est grâce à lui aussi que j'ai la dent cassée devant. Ah, ça c'est les rockers, hein, sans doute l'alcool, la violence. Il m'a pété une guitare quand il était vénère. Ah les artistes, j'adore les artistes. Je lui ai fait répéter l'heure qu'il était, ça l'a énervé. Bah oui, faut pas les contrarier. Ah bah je lui ai dit que je l'aimais, je comprends. Ils n'ont pas de sentiments. Et tu t'es mariée avec qui déjà, Albertini? Ludwig van Beethoven Junior. Ah, son fils. Amsterdam, il m'a offert des tulipes lors du mariage et mes parents étaient ravis, forcément. C'est un beau cadeau pour le mariage. Ah, des tulipes fraîches, forcément. Oui. Mais enfin, il aurait pu faire un plus beau cadeau quand même pour un mariage. Ouais, mais tu sais, c'est le junior, donc il a moins l'argent que le papa. Ah, mais il fait quoi dans la vie, lui? Il fait rien du tout, il attend que la vie se passe. Ah, c'est pour ça. Salut Guillaume, j'aime bien les moules corses, mon con. Ah ouais, j'ai mangé des moules en Corse, c'est exceptionnel. Ouais, les moules, les moules. Bonsoir à toi. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, j'essaie de dire? J'ai dit les moules, c'est bon. Ah ouais, j'ai mangé les moules frites, c'est exceptionnel. Ah, je l'ai pas encore mangé cette année. Je fais la Corse en moto sur une semaine, il en aurait fallu deux, mais c'était énorme. Merci, gros bisous. Alors, juste. François de 36 ans de Crépion. Voilà. Tu fais quoi dans la vie, mon François? Je suis éducateur spécialisé. Eh ben très bien. En quoi? Alors je travaille avec des enfants en fait en difficulté sociale. D'accord. Okay. Pascal le grand frère. T'es un peu Pascal le grand frère. Ouais, mais bon. Enfin, tu mets l'éteindre dans la gueule ou pas quand t'es vénère un peu? Ah, tu peux pas. Ça arrive, ça monte ou pas? Non, non, jamais. Du tout, on n'a pas le droit. Hein. Ouais. C'est vrai? Ah ouais. Et s'il te frappe, voilà, le mec, bah, oui. Ça c'est abusé. Ça. Bah en fait, c'est totalement interdit. Moi, je suis pour le retour de la claque à l'école. Comment tu te défends, François, si c'est ça? Franchement, non. Attends, non, franchement, bah, moi, à l'école. Attends, non, non, mais moi, je suis pour. Moi, je me fais déjà malmener par les enfants. Et là, tu vois, c'est pas normal. Moi, je suis pour le retour de la claque, de la fessée, du service militaire, de la pendaison sur la mairie. Il y a des porte-drapeaux qu'on met des cordes dessus. Non, non, mais je suis pour la terreur, moi. Ah bah, non, service militaire, ça peut le faire. Hein, des non, mais je pense. Bah, service militaire, il l'enlève. Pourquoi il l'enlève? C'est grave. Mais, au-delà de la phrase, c'est pour rire, hein, bien sûr. On dit que des conneries, hein, c'est délicieux. Ouais, ouais. Mais non, mais pour de vrai, par contre, moi, je suis retour pour la claque. Moi, ça me choque qu'on ait parents. Et les parents, ils ont plus le droit de mettre de fessée à leurs enfants. Mais ils le font quand même. Je sais pas comment le monde tourne mal. Quand nos parents ils étaient mieux avec nous, une torgnole, hop. Et bah non mais attends, ma mère elle m'a mis une fois une claque dans ma vie parce que j'avais abusé, j'avais répondu, j'avais 6 ans, j'ai plus jamais répondu à ma mère. Bah ouais. Et de temps en temps, non mais c'est vrai, j'ai déjà pris une claque ou pas? Le daron quand il arrive, il te fait peur déjà. Et là tu dis oula, s'il m'en met une, t'es petit. Avec sa grosse main. Juste le regard de mon père, moi ça suffisait. Ah mais il lève la main. Ouais, il lève la main. Tu en veux une? Et là direct, ok, pam, dans la chambre. Eh oui. Et alors le fait de pas avoir le droit de, attends, c'est petite fessée là. Mais après ils ont interdit les claques, enfin les. Enfin, de taper les enfants, c'est parce qu'il y en a qui abusaient ou autre. Hein. Ouais. C'est plus pour après, ça qu'ils ont après l'interdiction de taser un enfant. Non mais on plaisante surtout. Bah, oui. Non mais par contre le retour de la claque juste pour les parents, moi je trouve ça normal. Et la loi où t'as pas le droit de foutre une fessée à ton enfant, qu'est-ce qu'ils vont en public, ils veulent pas. Allez vous faire enculer, élevez mal vos enfants si vous voulez, mais laissez-nous élever. Après c'est pour ça. Je pense qu'un enfant bien élevé va mieux réussir sa vie qu'un enfant qui a pas ses repères. Voilà, c'est sûr. Et plus tu vas donner une bonne éducation à ton gosse, mieux il sera plus tard. Voilà, donc. C'est important. Mais après faut que ça soit justifié, faut pas que ça soit abusé non plus quoi. Ouais, alors moi. Mais la claque, tu vas pas faire un mot. Est-ce que par exemple, un enfant qui te dit bonjour et pas bonjour papa, il mérite une tarte dans la gueule? Bah oui. Bah non. Bah bonjour, pas de tarte. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Si le petit te dit, il a 6 ans, il dit fils de pute, et toi t'es éducateur spécialisé, il mérite d'en prendre une dans la gueule, tu vois. Mais tu vois, il a pas le droit. Et après, il dira plus jamais. Et encore, s'il te le dit à 6 ans, je pense que c'est déjà trop tard. Ouais, c'est clair. Le mec, il ah, c'est mais clair. Tu sais que maintenant les enfants ils savent très bien qu'il y a des numéros pour appeler et ils jouent beaucoup. C'est vrai quoi. Ouais. Sérieux, bah, moi où je travaille, ils connaissent le numéro d'enfants maltraités. Hein. Oh, et du coup ils appellent, c'est un problème. C'est ouf. Ah ouais. Non, ils appellent pas parce que nous on les maltraite pas. Moi quand je me fais m'amener, parce que ça arrive, en fait, nous, on les contient physiquement. Ouais, mais t'es d'accord, c'est pas normal que toi, tu te fasses maltraiter. Attends, t'es aider, photo. Franchement, mais moi, j'arriverai, je dis, il n'y a pas de problème, appelle ce numéro. Par contre, tu verras ce qui va t'arriver. C'est moi qui vais décrocher. Tu vois le Père Noël, il existe pas. La tu lui balances sous les dos, ça paraît. Mais il y a moyen de briller. Hein. Tu vois les extraterrestres, moi je suis un extraterrestre. Tu me fais peur. Non, ils ont quel âge? Genre, ils ont 4-5 ans, toi, 6 ans? Non, moi j'ai des. En fait, c'est un institut, donc ça commence de 6 ans et ça finit à 16 ans. Et moi ah j'ai oui, des. Les grands, ouais. Moi non, j'ai pas les grands, j'ai les plus durs, moi j'ai les 10-12 ans. Ah oui, donc c'est pas des enfants du tout, d'accord. Ok, non, je croyais que tu avais des, ouais, des enfants. Durs, ouais. Enfants des... Ah ouais, toi, t'as des grands, ouais. Ah non, mais parce que moi, j'ai des mecs à 12 ans, ils viennent nous voir, ils font 1m80. Ils sont de la barbe. Ouais, mais moi, je te dis, il y a des mecs de 12 ans, ils sont venus nous voir à la radio, ils font 1m80. Bah oui, ils te balayent. Hein. T'as des mecs, Amina du Standard, ils peuvent poser leur bite sur la tête d'Amina. Non, personne ne pose des testicules. Sur son nez. Bah oui, normal. Direct, en chantant Môme. Et alors, t'avais une histoire avec les flics, tu t'es fait arrêter, on se racontait un petit peu les histoires avec les arrestations originales. Bah, je t'ai envoyé en fait un SMS tout à l'heure, en fait, ma femme, elle était sur le point d'accoucher, et je me suis fait gauler par la gendarmerie sur une route à 90, à plus de 50 km/h au-dessus. Ah oui, j'ai vu, ouais. C'est normal que tu roules vite. Ah ouais, moi, je suis force majeure. Ouais, tu peux mettre les warnings, voilà. Ou les 50. Et tu dois pas escorter. Alors le problème qui se passe, c'est que les flics, donc c'était les jumelles, donc du coup, voilà... Donc il m'arrête et tout, ma femme a se tenu le ventre, mais en fait l'inconvénient c'est que moi j'ai des vitres teintées, donc il voyait pas forcément, et c'était tôt le matin, donc il voyait pas du tout ça, et ma femme qui commence à s'énerver, puis les flics disent ouais non mais c'est du mytho, elle va pas accoucher et tout, voilà. Et je dis mais écoutez, si on se dépêche pas là, je pense que c'est dans pas longtemps quoi. Et du coup en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont escorté jusqu'à l'hôpital. Et moi, j'ai attendu le temps qu'elle soit sculptée. Et quand ils ont su que le travail avait commencé, ben, ils m'ont dit, écoutez, on vous laisse, bon courage à vous. Ils ont vu que c'était pas des couilles, quoi. Ouais. C'est des mythos comme ça. Ils t'ont fait sauter le PV ou pas? Non, mais en fait, ils m'ont pas mis le PV. Hein. Encore heureux. Ils m'ont juste escorté. Ouais, non, ils m'ont bien. Et c'était les motards jusqu'au bout. Non, c'était une petite fourgonnette. D'accord. Et qui ont. Ouais, parce qu'en fait, j'ai roulé à quelqu'un. Ils roulent moins vite que toi, vite. Ça compte tout. C'est un truc relou. Ils les escortent. Ils vont moins vite. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que j'ai roulé vite sur une route à 90. Puis après, en ville, c'est ce que c'était de bonne heure le matin. Et je fais gaffe quand même aux écoles. Et je roulais à 50. Et puis eux, ils ont tartiné comme des porcs pour me rattraper. Quoi. Ta femme accouche, tu y vas quand même. D'accord, ouais. Putain, c'est ouf, quoi. Et t'as eu des enfants aujourd'hui? Alors en fait c'est pour ça que je t'appelle, parce que là je reviens avec mon premier fils de la maternité, parce que ma femme a réaccouché encore aujourd'hui, donc elle était hospitalisée depuis un mois et elle a attendu, enfin on attendait des triplés. Waouh. Putain, bravo, magnifique. Félicitations. Bien joué, bravo. Véry, Fifi, Loulou, quoi. Exactement. C'est comme ça qu'on les a appelés pendant 9 mois, pendant 7 mois, et là maintenant en fait ils s'appellent Enoa, Inaya et Joshua. Attends, la première c'est quoi? Le premier, c'est Enoa. Enoa. Enoa. Enoa. Comme Enora sans le truc en A. Ça fait, ouais, c'est ça, Enoa, c'est joli, Enoa. C'est breton. Enoa Malaï. Ouais, c'est quoi, t'es breton toi? Non, moi je suis d'originaire de Vendée, mais je pense pas que ça doit être breton. Enoa, c'est quoi l'autre? La fille c'est Inaya. Inaya. Comme la fille de Soprano. Ouais Soprano, comme ça. Alors, je l'ai su longtemps après. Ah ouais, non mais et en plus il a fait une chanson et je l'ai entendu, elle est magnifique quoi. Ouais. Et mec qui se trompe de chanson. Bah oui, carrément. Ah, et... T'appelles ton fils barman. C'est l'une de la chanson de Soprano là. Et donc putain, c'est bravo, bravo en tout cas. Attends, je l'ai plus là, Inaya, sûrement là. On supprime les enfants. En plus c'est un. Ah, j'en ai plein des anciennes, mais j'ai pas celle-là. Ah, si tu veux, en fait, c'est un live. Je crois pas qu'il l'ait sorti dans un album. Je crois qu'il l'a fait en live. Si. Ah, attends, j'ai le son d'art. Elles m'ont mis dans mes bras et j'ai eu l'impression d'avoir volé piqué. Celle qui réussit à soigner mes plaies. Je serai pour te l'expliquer. Et dans les étoiles depuis que t'es là. Regarde-moi, regarde-moi. Je ne sais plus avoir mal depuis que t'es là.

radio, vous aviez l'habitude de vous ennuyer. Eh ben, on est désolé de casser votre routine. Parce qu'ici, on fait tout le temps n'importe quoi. Tous les soirs, 21h minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 en direct sur Énergie. Allez, en direct sur Énergie toute la soirée. Bonne soirée à tout le monde. On va s'écouter dans 30 secondes. Il s'appelle Aloha, le titre, il déchire, c'est le nouveau là. Salut à tout le monde, et Amina, c'est la plus belle. Amina, c'est un petit peu la princesse de l'émission. C'est un petit peu notre Sissi à nous. C'est un peu notre... Impératrice. Sissi, c'est une impératrice, ça va. Ils chantent tous. Oui, toi, t'es Sissi tout court. Ouais. Ouais, c'est déjà bien, t'es notre Sissi, voilà. Oui, voilà. Je suis la famille. T'es oh là là. Putain, mais alors, quand il n'y a pas JM juste en arrière, là. Ils sont tous à bout de souffle, les gars, faut les excuser. Hein, c'est la fin de l'année, là. Attends. T'es là. Si. Votre micro, ça pousse en secours, reprends ton. Marche pas de bouche en bouche, crève en. 80-80 peu pour ce molotov vent qui vient stocker les stockers, te choquer comme Monsieur Zemmour. T'es fourraille, tu peux gay, tu peux pute. 180 stylos, développé, bouche, ça. Comme assassiné, genre, j'ai fait ma bombe, ton mec, si tu penses. Que ton compte que ça tu n'es pas un comique. Je m'accroche par les cheveux de tes aisselles. N'essaye pas de prendre des ailes. Répétez pas, t'en parles de tes ailes. Ça. Il fait plus rien, ces fios là. Exactement la question. Tous ces mecs là, c'est fou comment ça tourne vite. Tony Parker, qui faisait la musique. Le mec il disparaît, il est 113, ils font plus grand chose. Ah, Rimka, ouais. Il est en Pattaya. Camaro. Avec en 10 ans, bon, on parle pas d'elle. Avec mais en 10 ans, un diam, c'est ça, un Neymar. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la vérité. Qu'est-ce qu'ils font, les mecs? Bah, ils se reposent. Ils reviennent, Sniper. C'est en plein concert, ouais. Ménélique. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. À l'ancienne. Et Victor, qui est là juste après avoir trouvé Baptiste et Rodolphe. Bonsoir Victor, 20 ans, hein, pile. Allô. Bonsoir mon Victor. Thank you, papa. Salut. Chanté, salut. Victor. Sur la tête de ma mère, j'ai rien entendu, monsieur le commissaire. Je le jure. Sur la tête de ma mère, madame la juge, j'ai rien à voir. T'as du mal à me croire. Oh, ça va mon Victo, 20 boules, hein, c'est ça toi, hein. Ouais, c'est ça. Enchanté. Salut. C'est qui le papa? Bon, en tout cas, tu nous appelais Victor. T'es où à Perpignan? Bah, Perpignan même, juste à côté de la FNAC. Il y a des apparts à côté, ouais. Et j'habite là, j'ai mon appart. D'accord, ok. La FNAC, très bien. Voilà, pour se... vers le Quai Vauban, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Par là, ouais. En face du... Il y a un restaurant, en fait, et moi, j'habite dans les apparts en haut. Ah, dans une maison rouge. Ah. Non, il va regarder, là, tout le monde. Vraiment pas. Elle est pas rouge, ta maison, Victor? Non. Non, elle est blanche. Ouais, bah ouais. Il y a une rouge et une blanche. Enfin, ouais, une chose sur deux. je me suis planté, voilà. C'est juste en face du Castillet, hein, un peu plus loin. Ouais. Ceux qui situent un peu dans Perpignan et tout. Bon, ça va, la vie à Perpignan? Tu fais quoi dans la vie? T'as 20 ans, donc tu travailles? Bah non, je travaille pas, en fait, je préfère, je fais du rugby professionnel, en fait, C'est vrai? Ouais. C'est trop bien, tu joues où? Tu fais les mêlées? À Pia, tu connais? Ah bah Pia, bien sûr, ouais. Pia, Pia, ouais. Ouais, et c'est ça, ouais. Exactement, bien sûr, j'ai joué contre les mecs de Pia au foot, moi j'étais à Barcarès avant. Ouais. Ah, c'est un club, ah, okay, ah, d'accord. Attends, mais c'est ton métier, tu es payé? Ouais, je suis payé, ouais. Putain, c'est ouf ça. Ah ouais. Pas dans le top 14. Attends, Pas dans le top 14. Bah Pia, non, ça joue bien à Pia? Ouais, ça joue bien, ça va, quoi. C'est vrai, putain, c'est ouf. Mais genre, t'es payé combien? Je touche 2100. Ah ouais, putain, c'est vachement bien. Mais bah, après, si je continue, quoi, je vais être, comme dire, payé de plus en plus, quoi. Bah ouais, et c'est quoi ton objectif après, genre partir à l'USAP, tout ça? Ouais, par là, ouais. Ouais, les mecs de l'USAP, ils sont très bien payés? Oh oui, ils sont très bien payés, oui. Ouais, putain, c'est énorme. Comment ça gagne un footballeur, un rugbyman à l'USAP? Ah, je sais pas. Genre les grosses équipes et tout. Ça peut gagner combien, toi, Victor? Moi, combien je peux gagner alors là, je sais pas. Non, mais un mec de l'USAP, les stars de l'USAP, ils gagnent quoi? 15-20 000, non? Ouais, je pense. Ouais, c'est cher. Ouais. Je sais pas, c'est de l'argent quand même par rapport au foot. C'est énorme quand même. Ouais, c'est... Ah, putain. Si c'est un club pro. 15... Ouais. Attends, 2100 euros alors tu joues dans un club d'une ville qui est pas très grande. Ouais, c'est ça, ouais. Tu joues à 13, c'est ça, au rugby à 13? Ouais. Ouais, trop bien. T'es quoi comme poste, toi? T'es gardien, celui qui connaît pas l'heure. Tu joues quoi, toi? Moi, je suis à l'arrière, tout à l'arrière. Ouais, d'accord. Ah, ouais. C'est un nouveau mot, ça. Il y a quoi comme poste dans le rugby, Victor? Je connais pas. Bah, comment dire, les avant. Centre? Avant gauche, avant centre, avant droit. Ouais. En fait, c'est un peu comme le foot. Ouais, et t'as quoi derrière? Bah, à l'arrière, t'as l'arrière gauche, l'arrière droit. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Putain, tu t'es fait ken, mais alors gars, mais alors t'as mal au cul là. Non, et moi je t'ai cru, hein. Et au milieu, t'as quoi? Et milieu droit? T'as l'arbitre? Victor, putain, tu nous as mis tôt, gros. Bah oui. Ah ouais, mais là c'est grillé. Allez, Fantomas, fais tout. Pourquoi tu mis tôt comme ça, Victor? À quoi ça vous sert? Oh, dites-moi que vous voulez passer, ça suffit, hein. Ah, pas de réponse? Ouais. Non, Victor, tu peux parler? Allô? Ouais, tu peux parler? Allô? Ouais, genre ça va couper. Hein. Voilà, si tu raccroches, c'est chaud. Si tu raccroches, je donne ton numéro à l'antenne. Ouais, attention. Voilà. Là, il entend. Et on vient chez toi à la fin. Ah là, la pute. Ah, le mec, il essaie de me niquer deux fois, quoi. Bon, Victor, mais pourquoi tu voulais juste passer à l'antenne? Non. T'es vraiment pro. Pourquoi tu mytho alors? Tu connais pas ton sport, c'est pas grave. Hein. Non, mais attends, pourquoi tu mytho? Non, mais réponds-moi, Victor, je donne ton numéro. Je sais pas. Voilà. T'as essayé. Ouais, t'as essayé, mais si tu voulais juste passer, tu me dis bonjour mon Guillaume, j'aime bien l'émission, je voulais juste passer, ça suffit. Ah oui, t'as pas besoin d'être rugbyman. Bah ouais, tu fais quoi dans la vie, Victor? Non, je suis plombier chauffagiste. Ah, bah c'est bien, C'est très bien, mon gars. Alors attends, j'embrasse tous les plombiers chauffagistes. Big up. T'as fait quoi comme étude de plombier chauffagiste? Il faut une mitoire. J'ai fait un CAP en 2 ans plombier et là j'ai fait un CAP en 1 an chauffage. Mais t'habites à Perpignan pour de vrai ou pas? Ouais, Perpignan même, par contre. Mais pourquoi t'as dit que tu serais déjà t'arrêtes? On a raconté un peu. Mais on s'en fout, putain. Alors, du coup, ton histoire de flic, tu la raconteras, c'est de la couille, on est d'accord? Non, ça par contre, non, si tu vois, je voulais juste me la péter par rapport au rugby, tu vois. Parce que tu kiffes le rugby. Ouais, mais c'est parce que ça fait bien de dire chocolat. Ouais, c'est sa passion, t'as dit kiff. Ça fait original. Et ouais, voilà. Putain, c'est... Ah, mais tu nous connais pas bien, tu savais qu'on allait te poser plein de questions. Non, mais. Et puis là, c'était pas prêt, là. Non, mais... Ah ouais, putain, c'est énorme. Ah bah là. Dis que t'as l'honneur et tout, au moins. Ah ouais, putain, mais non, mais des piliers, quoi. Des domines mêlées. Tu m'entends, Baptiste? Et après, allô, on trouve Rodolphe. Oh, bonsoir, Rodolphe. Tu m'entends, Rodolphe et Baptiste? Allô? Yallo! Ça va, les gros? Et juste après, on vous file les PS4 sur Énergie. Ouais. Ça va ou quoi? Salut, tranquille, mon con. Ça va, Rodolphe? De Pont de l'Arche, dans le 27 dans l'heure. Ouais, Normandie. Dédicace, tes copains de l'heure. Et puis, Baptiste, 16 ans, tu viens de Toulon, du 8-3, toi, hein, du Sud. Ouais, voilà. On fait un putain de grand écart, mon gars. Ouais, on a mal, hein, mon gars. Un du nord, un du sud. Ouais. Un de l'extrême nord. Dédicace à JM du Standard du Sud. Yeah, poteau, on est là. C'est bon, ouais. Marseille et tout. JM du Standard. Marseille. JM du Standard, il s'est pris pour Jules devant l'an 2 ans. Est-ce qu'il est plombier avant droit ou avant gauche? qu'il vienne sur un terrain de rugby, on va lui apprendre la vie à ce mytho. Ah, salut, ouais, les gars. Regarde, ils sont chauds. Moi, je suis passé à l'antenne, j'étais stressé. Bon, moi, j'ai pas mytho sur moi et mon mec et notre vie sexuelle. Suzy, 15 ans de Lille hier. Ah oui, Suzy. La douche chaude. Salut, ma Suzy, je t'embrasse très fort. Mais alors, d'abord, Rodolphe, 30 ans, Rodolphe, enchanté, mon poteau. Tu fais quoi dans la vie, toi, Rodolphe? Bah, moi, je suis marin. Ah, bah, c'est avec toi que j'ai tiré la fusée de détresse à. Exactement. Justement, je me suis dit, mais c'est marrant, t'as le même prénom que. Ouais, c'est moi. Attends, mais t'as 30 ans, Rodolphe. Ouais, 30 ans, ouais. Putain, c'est marrant, tu faisais plus âgé que moi, non? Ou j'ai une tête d'enfant, non? Vous êtes 31, 32. Ouais, non, non, il fait son âge. C'est vrai? Ah ouais, je la trentaine. Non, non, mais tu fais bonhomme, quoi. Ah, 30 ans, c'est. Bah, quand même. Ah, mais c'est vrai, non, mais tu vois ce que je veux dire, tu fais homme, quoi. Bah, t'es un homme, hein. Moi, j'ai toujours complexé sur moi, j'ai l'impression que je fais enfant, quoi. Mais non. Et un peu moins, c'est ce que je veux dire, un peu. Non, t'as je un peu de barbe. Parce que tu te fais pas pousser la barbe. Ouais, mais pourquoi? Bah, parce que j'ai pas de barbe. Mais ça fait toujours plus jeune. Non, mais je peux la garder 15 ans. Elle va pas pousser, quoi. Ouais. Bon, alors, attends, et toi, Rodolphe, t'habites dans le 27? Ouais, c'est ça. Et vas-y, raconte-moi, Rodolphe. Bah, en fait, un soir, on était avec mes potes, on s'est aperçu qu'avec ma voiture devant chez moi, les voitures ralentissaient. J'avais une 206 grise, et les gendarmes avaient une fâcheuse tendance à mettre le radar dans cette voiture-là. La même chose que moi. Et en fait, quand t'es passé devant chez moi, elle ralentissait toutes. Donc la soirée avançant, on s'est changé, quoi. J'avais un polo avec une bande bleu foncé avec une bande bleu clair. Puis quand je m'étais à côté de ma voiture, elle ralentissait encore plus. Donc on s'est dit, on va peut-être pousser un peu le vis. Puis bon, la soirée avançant, on s'est dit, bon, on va peut-être aller se mettre ailleurs. Parce que devant chez moi, c'est peut-être un peu chaud aussi. Donc on s'est mis sur une petite route au bord de l'heure. Et en fait, on avait trouvé un appareil photo jetable. Et quand on tape sur le cul, ça flash. Donc on a fait tout un dispositif avec trois voitures, dont la mienne au milieu, et deux autres pour cacher. Et en fait, il y en avait un qui était dans le coffre qui flashait, deux autres qui sortaient avec des gilets jaunes derrière les bagnoles pour faire peur aux voitures. Oh là là, l'embrouille. Mais c'était juste pour faire peur. Voilà, juste pour déconner, quoi. Mais donc vous avez pas eu de problème? Bah en fait, on a flashé une voiture, deux voitures, trois voitures, et puis à un moment, on a flashé une voiture qui s'est arrêtée. Oh là, police. Sauf que elle, dessus, c'était marqué gendarmerie. Et elle, et alors, ils t'ont dit. Et les mecs, et vous étiez tous avec vos faux gilets de flics et tout. Bah, on a essayé d'embrouiller, disant ouais, on fait des photos au bord de l'eau, machin et tout. Mais ça. Non, mais il faut se rappeler qu'il y avait quand même un mec caché dans le coffre qui essayait de sortir pour savoir ce qui se passait, parce que lui, il n'entendait plus rien, quoi. Ah merde. Donc, il y avait la bagnole qui bougeait, il y avait tout le monde, ils nous ont demandé nos papiers. Alors, j'avais justement une copine qui me disait, t'as dit que c'était une militaire, je disais, mais ferme ta gueule, j'ai pas envie de me faire avoir. Attends, parce que j'ai pas compris, là. Ah, t'es militaire, toi? Bah oui. Ah oui, t'as dit que t'es militaire. Celle qui balançait quand on fait militaire. Je dis, bah non, quand on fait des conneries, on le dit pas, quoi. Ah bah bien sûr. Et en fait, on a filé nos papiers et tout, puis ils ont été appelés par des gens qu'on a flashé, en fait. Et ils ont dit qu'en gros, il y avait des jeunes qui foutaient le bordel, mais au lieu d'aller à l'endroit où ils ont dit, ils ont été à l'adresse des gens. Donc comme ils sont partis en urgence, quoi, ils nous ont dit, bon bah écoutez, on peut pas rien vous faire là, parce qu'on est appelé ailleurs. Et comme bah c'est ma ville, hein, je connais bien le bled, c'était à une rue de là et c'était à 200 mètres derrière nous. En fait, ils sont repartis comme ça, donc nous on est retaillés vite fait dans nos bagnoles et on s'est cassés, quoi. Ah, vous êtes barrés avant qu'ils arrivent. Ah ouais, bah c'est bien. Voilà. Ah, c'est rigolo, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que le soir même, on a été en boîte, et en rentrant, il y a eu un contrôle en bas de chez moi. Moi j'ai tourné à droite pour monter chez moi, il n'y avait pas de problème. Mon meilleur pote est passé tout droit, il est tombé sur les mêmes gendarmes. Oh merde, ah, là, ouais, c'est vrai, ah, c'est drôle. Là, le gars il était mort de rire, il dit, on s'est pas vu vous ce soir. Et, bah, mon pote s'est fait, bah si. Ouais, bon, allez, bonne soirée. Et puis il rigolait parce que c'était le premier champ, quoi. Ouais, c'est drôle. C'est marrant, on s'est rencontrés pour expliquer à l'émission de Rouen il y a 15 jours. Ouais, on a fait l'émission dimanche soir. Et Rodolphe est militaire, il m'a aidé à tirer les fusées de détresse. Voilà, on a tiré les fusées de détresse en direct à faire sympa, les ouais. Et j'étais bien content que tu sois là parce que ah bah ouais. Franchement, c'est impressionnant à tirer. Ça fait peur. La prochaine fois, ça sera JM Sand. Avec plaisir. Non, mais ils seront pas contents. J'ai vu la vidéo que t'étais pas rassuré. Non, franchement, bah, oui. J'ai pas rassuré, ah, mais je suis allé. Tu la lâches par terre, quoi. Ouais, mais non, mais je la lâche pas. Attends, t'as vu la poussée que ça, ah, ouais. Toi, tu fais 3 heures de sport par jour. C'est ton métier. Et franchement, le truc, moi, je l'ai fait avec le bras gauche, je suis droitier, je pensais pas que ça allait vraiment. Ah, t'as une petite décharge. Bah, c'est pas un truc pour le loisir, quoi. Une fusée détresse, c'est un truc. C'est pas du bowling. Et qui te brûle la main, on est d'accord, Rodin, ça fait mal à la main. Ça brûlait, ouais. Bah, tu sens le chaud. Ouais. Franchement, tu sens chaud. Enfin, moi, j'ai l'habitude. Donc, ouais, mais toi, t'as l'habitude. Quand tu fais plaisir. Toi, tu la tiens bien. Mais c'est comme un serveur qui tient une assiette hyper chaude et toi, tu la prends, tu te brûles. Bah, ouais, c'est pareil. Il a bien fait. Rodolphe, il nous avait ouvert le fruit, là, tu sais, à moitié moisi. Ah oui, parce qu'on avait amené un fruit asiatique. Il n'était pas moisi, c'était un fruit asiatique. Ouais, mais il pue. Et donc? Et ben Rodolphe trouvait que ça sentait pas très fort. Ah oui. Moi, j'allais mourir. Ouais, parce qu'il. Ouais, ça dépend des nerfs. Mais vu qu'il était à côté de toi, il savait pas d'où venait l'odeur. Ça te fait pas rire, Amina Destin. Non, c'est pas gentil. Si, c'est drôle. Ah non, oui. C'est très méchant. On sait bien que ça vient pas de tes aisselles. Non, mais je suis très vexée. On sait bien que tes aisselles, il y a des paillettes dessous, Amina Destin. Évidemment, un arc-en-ciel et des lutins. Voilà, on sait bien quand tu pètes, ça fait un bruit magique. Ah, ouais. Exactement. Vous voulez que je vous fasse écouter un prout d'Amina Destin? Ah, ouais, ouais, ouais, oui. Tu l'as enregistré? Ah, attendez, j'ai mis une caméra, je peux vous dire. J'ai mis une caméra aux chiottes d'énergie. Et une fois, elle est allée dérouiller les chiottes, comme elle dirait. Et j'ai réussi à l'enregistrer. Voilà, bon, j'étais vraiment très fier d'ailleurs de mon enregistrement. Bon, je vous fais écouter ou pas du coup? Ah ouais, on veut, c'est un peu gênant. Bon, non mais c'est vraiment exceptionnel. Hein. C'est la première fois que vous entendrez un prout de princesse. Ah. Alors attention, c'est parti. 3, 2, 1. C'est un prout de princesse, magnifique. C'est vraiment qu'ici qu'on fait des conneries comme ça. Bah là, ouais. Et après, c'est lâché complètement, quoi. N'importe quoi. C'est les choses. À chaque fois, il y avait vraiment des trucs, j'étais... Voilà. Au moins, c'est plus agréable. T'entends ça derrière les toilettes. Ouais. Non, mais Amina Destin ressent vraiment la rose. Hein. Oui. Voilà. Ouais. La rose de peau pourrie. Ouais. Bah ouais, voilà. Moisie. Ah ouais. Ah, pour rire. Bon, allez, je te fais un bisou, mon pote. Merci, Rodolphe, en tout cas, d'être passé haut. Merci. Là. Merci, bah, mec. Tu repars quand sur ton bateau à Brest? Parce que t'étais marin à Brest. Bah là, moi, je suis revenu parce que j'ai des soucis de santé, mais je repars là dimanche soir, quoi. Ah, parce d'accord. Tous les dimanches soir. Ouais, donc c'est un petit souci de santé. T'as enchaîné vraiment rapidement, quoi. Ouais. Bon, faut mieux comme ça. Bon, croise les doigts pour toi, mon pote. Bon courage. Et bon courage. Tu pars jusqu'où, toi, quand tu pars en bateau, comme ça? J'ai jusqu'en Asie. Malaisie. Après, c'est Amérique du Sud, Afrique du Sud, un peu partout, quoi. T'as pas fait la Syrie et tout, avec les bateaux, tout ça? Ça, on peut pas en parler, quoi. Officiellement, on a fait, j'ai fait des missions opérationnelles, plus d'une même, de l'antipiraterie, plein de choses, puis de l'escorte de porte-avions ou quoi que ce soit, hein, beaucoup d'interactions alliées, vu qu'on travaille en force autant, tout ça, mais beaucoup de choses. Hein. Ah, et toi, t'es sur quoi? C'est pas un porte-avions, du coup, c'est frégate. Un bateau? Une frégate. Ouais, une frégate, c'est un bateau de guerre, quoi. Voilà, les toutes dernières frégates. Ouais, ouais. Avec la forme un peu anti-radar et tout, là. Ouais, furtive, ouais. Un peu furtive, ouais, putain, elles sont belles. Hein. Comme dans les films. Oh là là. Et vous avez des canons dessus, du coup, sinon c'est pas une frégate. Ouais, sinon c'est un bateau de pêche. T'imagines, c'est pas l'armement, c'est pas le principal armement, c'est nous, on se base sur des missiles plus que le canon. Ah, ça vous tire en l'air, en fait. Ouais. Voilà, on tire des missiles, c'est beaucoup plus précis. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et c'est des missiles atomiques? Non. Ouais. Des missiles quoi alors? C'est missile à poudre, non? Des missiles gentils. C'est des nerfs. c'est pas des missiles à point, à tête nucléaire comme dans les sous-marins et tout, non? C'est pour faire peur. Ça. Mais bon, ça tire déjà fort, non? Oui, là on aura les nouveaux missiles bientôt et on a des missiles anti-navires, des missiles anti-aviation, on a plein de choses. Ah ouais, vous pouvez tuer un avion en de l'eau? Ah ouais. Ça sort de l'eau. C'est fou quand même la guerre, vous trouvez pas? C'est-à-dire qu'il y a la technologie qu'on met dans la guerre. L'homme a toujours avancé technologiquement grâce à la guerre. Malheureusement, ouais. Depuis toujours, hein, le téléphone sans fil, tout ça, grâce au Jeep et tout. Non, mais ça a toujours été grâce à la guerre qu'on a évolué en un. C'est à côté de nous, ouais. C'est un truc de fou quand même. C'est-à-dire que t'es sur un bateau et tu vas taper un avion en l'air. C'est quand même hallucinant, quoi. Ouais. Et c'est une portée de combien à peu près, hein? Nous donne pas des secrets défense non plus, mais. Non, mais à peu près, ça peut aller loin. Les missiles, c'est une centaine de kilomètres, ouais. Ah, et les missiles contre terre, par contre, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire quoi, contre terre? Ah oui, sur le sol. Les missiles pour frapper sur la terre, ouais, bah, c'est l'équivalent des missiles Tomahawk américains, quoi. Ah ouais? Que vous avez dans le bateau? Ouais, qu'on va avoir. Mais les avions, les mêmes et tout, c'est... Et vous avez pas peur que ça explose? Moi, je me suis toujours dit dormir dans un bateau où tu sais qu'il y a... Est-ce que s'il y a un missile comme ça, il explose, il fait sauter le bateau? Non, c'est sécurisé. Enfin, c'est sécurisé. Ah, tu sais jamais. Le missile, il est pas... Le missile, on peut tout faire dessus, il craint rien. Il est pas actif, si on le déclenche. Ouais, tu veux mettre un coup de marteau dessus, ça pètera pas, quoi. Bah, on a qu'à essayer un jour. Ils y pensent, j'espère. Ouais. Ah, mais bien sûr, c'est clair. Ouais. Ah, mais ça coûte des millions et des millions, un missile, non? Ouais, ça coûte plusieurs millions. On va détruire en deux secondes. C'est fou, hein, t'imagines, plusieurs millions juste pour un missile, quoi. Ouais. Mais genre, ça pète un bâtiment entier, genre un missile comme ça? Ah oui, ça fait un sacré trou. Ouais. Ils ont jamais utilisé l'armée française des gros missiles comme ça, il n'y a pas de vidéo, non? C'est ce qu'on utilise sur les avions, les scalps. Sur les quoi? Sur les scalps? Les scalps, ouais, c'est ce que portent les avions, en fait. Ah ouais, d'accord. Les avions, ils ont ça comme missile contre terre et c'est ultra précis, quoi. D'accord. Ah ouais, scalp, missile. Ah ouais, putain, tu connais tous les noms et tout. Bon, c'est calé, métier, toi. Hein, c'est ton métier, c'est normal. Hein. Putain, c'est énorme. Et toi, t'es quel grade? Je suis second maître. Ça veut dire quoi? C'est l'équivalent de sergent. T'es mon maître? Donc, c'est-à-dire que t'es. C'est haut déjà, ouais. Dire un truc SM. Ouais, ça va. Ouais, c'est ça va. Et qu'est-ce qu'il y a chez Stagiaire? Dire un truc SM, ce qu'on met. Fatigue. Non, mais c'est vrai. Ah, putain, mais les missiles scalp, c'est les missiles sous l'eau? Non, non, non, non, c'est au-dessus de l'eau. Ah ouais, putain, c'est bizarre, c'est comme un bateau qui flotte en fait. Ouais, enfin non, ouais, ouais, ça ressemble un peu, ouais. Ah ouais, ça ressemble à un bateau. Mais nous, ils sont ronds, hein, ils ont une forme demi-cycle standard. Putain, c'est l'avion, ils sont carénés et tout. Eh hein. Bah, hey, bon courage en tout cas, gros, bon courage pour la suite. Hein. Ouais. Allez, je t'embrasse. Salut, bonne chance. Salut. C'est pas plutôt un Narcima que tu as tiré, il y en a qui dit. Non, non, non. Un Narcima, peut-être un rapport avec Amina du standard. Ah, le Portugal a gagné au fait. Ouais, 5-3, il vient de 5-3 finir au tir au but. Mais laissez pas ça. Ah, la Pologne. Ah, oui. Le Portugal. Ouais, voilà. C'est et les Portugais ont gagné du coup ce soir, ils ont éliminé la Pologne. Ouais, c'est ça, voilà, au tir au but. Je laisse pousser la barbe, tu pas bien, je me laisse aller. Ah, ils sont en demi-finale, c'est bien. Pour hasard, donc pourquoi aller. Je fais ce que je peux pour mes potos et je pense qu'ils peuvent pour moi. Putain, c'est vachement bien, bravo les Portugais. Ouais, et je vais peut-être la Belgique la semaine prochaine. Et bravo le Portugal. Belgique ou Pays de Galles, voilà. Et ma félicitation. Ah ouais. Et pour la peine, je ressors mon Google Traduction. Ah, bravo. Et je vais passer un message pour tous les Portugais. Pour tous les copains portugais. Attends. Ah non, merde, putain, il y a portugais brésilien aussi. Ah, il y a deux, c'est deux langues différentes. Ouais, portugais, ouais. Et portugais, portugais, quoi. Ouais, pour Ronaldo. Attends. Bravo à tous les Brésiliens, bravo pour cette victoire et rendez-vous en demi-finale face à la France. Alors, attends, alors là, mon gars. T'as dit Brésil. Brésil. Ah merde, c'est vrai? Ouais. Ah oui, bravo, parce qu'il est marqué Brésil sur la... Ah ouais, putain, merde, attends. Mais Portugal. C'est pas grave. Attends. Parabéns a todos os brasileiros, bravo. Bravo. Por esta vitória e rendez voos na meia final, França Rodrigues. Rodriguez, non, peut-être qui, pas. France Rodriguez. France Rodriguez. Regarde, le missile français Exocet, ça a détruit deux navires de guerre anglais pendant la guerre des Falcons. Salut à toi. Salut, il est l'heure du cucumon, Guigui Laminette, ouais. Reine de la Levrette. Salut ah. à toi. Ah bon salut. On y va. Eh ben, et en tout cas, il y avait juste Rémi. On parle de. Bah, on va parler de sexe crâne. Hein. Bonsoir. Ah. Bonsoir à toi. Tu m'entends, Rémi? Ah, le. Vaki, papa. Je porte la séquence, m'entraîne à frapper comme ça. Salut. Fais gaffe au rap, c'est pas patatata. J'connais le million méchant, toujours pas la la la la. Entre nous, programmés, et même pas font semblant. C'est chelou, j'suis armé, cœur de pierre, abonné. J'suis mouglé, j'suis Simba, animal, ça s'entend. M, M, dans leur mère, tu connais. Da, da, da, bas les couilles pour eux, j'suis N-da. Et juste après, on se vous offre des un cadeau. Tiens, ouais. J'aime le standard, prépare là. Ouais, pas de je vous offre une PS4 avec le jeu Lego qui sort, le jeu Lego Star Wars, le réveil de la force sur PS4. On vous le file et déchire, je vous le file maintenant. Mais d'abord, mon Mimi qui est là, Rémi, de Neulémine, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as fait un plan crade. On parlait des plans crades hier, on n'a pas le temps de finir le sujet. Là. C'est gentil de rappeler, hein, mec. Merci, hein. Ouais, t'inquiète. Non, mais c'est normal. C'est moi, plaisir de faire, plaisir de faire. Non, mais ça me fait plaisir de passer. Donc, ah, mais trop plaisir. Ça me fait plaisir de faire. Hein, radio. Ouais, tu vas pas lâcher sa vanne. Ouais, c'est gentil, mec. Putain, je suis content de te parler. Écoute, 19 ans, du 62, du Nord. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, bah, c'est gentil. Ça fait plaisir d'avoir les mecs du Nord tout le temps pour nous, vraiment. Ça fait plaisir. Ouais, Rémi, 19 ans. C'est bien, faudrait, je pense, à couper mon terre. Attends, faut que je coupe mon téléphone, excusez-moi. Rémi, Mimi qui est là, Mimi qui est en quelle classe, Mimi qui travaille, Mimi qui glande, Mimi qui a passé son bac. Ah ouais, sérieux, Mimi qui a passé. Et Mimi qui aura les réponses quand? Bientôt. Le 5 juillet. Ouais, mardi. Ah d'accord, ouais. Mardi 5. Ouais. Putain. Bon bah là, putain, ça approche là. Oh, la presse ou pas, la pression un peu? Ouais, tranquille. Ouais, c'est vrai, ça va. Ouais, t'as un bac quoi, toi? STMG. Ah, c'est pas si facile que ça. Mais il y a trois lettres. Bon, hein. Oh, ça va. Non, ça non. Va. Il y a quoi, je viens de te dire? Trois lettres. De quoi? C'est pas compliqué, STMG. De quoi? STMG. Ah non, il y a quatre lettres, pardon. Ah, t'as fait. Non, je te jure que non, parce que. Non, non, non, non. Parce que j'ai fait STT, c'est les remplaçants, c'est pour ça que j'ai bugué dans ma tête. Mais alors, le mec, non. Mais je te jure que non. Allez, mais. Et Michto, là. Putain, mais vraiment, Julien, je vais l'inscrire aux anges, je vais te dire. Merci, c'est bien. Ça te dirait si on te proposait? Non, bah non, franchement, j'ai. Non, c'est vrai, parce que. J'ai un peu de respect pour moi, j'ai pas envie de. Non, mais sincèrement. Une télé-réalité sur le foot. Bleu foot, ouais, faut voir. Avec les yeux dans les bleus. Les michetots à football. Avec leurs problèmes. Avec les femmes de foot. Non, mais tu veux pas, parce qu'en plus, je rencontre le patron d'Energie 12, il m'a appelé. Je t'ai fait mon CV alors. Non, je déconne, non. Ou le bachelor, sinon, c'est peut-être marrant. Non, ouais. Mais les anges, franchement, j'ai pas le. Je vais dire, attends, j'ai joué stagiaire, je sais plus quoi en foutre en radio. Super, par contre. Ah, je sais pas quoi en foutre, allez, tiens, je te le donne. Non, mais par contre. Pour l'ange anonyme. Alors, c'est une pépite pour l'ange anonyme. Ah, ouais. Ah, bah, c'est un compliment. Ce sera le seul chauve des anges. Je suis pas chauve. Non, mais c'est marrant, et tu pourrais être. Non. Ça peut être un concept. Voyage, en non, plus. Ouais. Et ton secret, c'est que j'ai plus de dents. Vas-y, tu l'as, mais non. Il faut avoir un projet professionnel, par contre. Ah, c'est vrai. Ouais. Je vais en trouver un. Et tu veux trouver un footballeur. Voilà. Une footballeuse. Je rêve de thunes de voyage. J'en ai besoin vu mon âge. Je n'ai des champs dans le bagage. On va changer de paysage. J'ai dans la lune, puis sur terre. Je vois les oiseaux s'envoler. Allez, Rémi, un plan crade, un plan crade, un plan on crade. On veut du sale, mec. Et ensuite, on file la PS4. Voilà. Vas-y, je t'écoute. Bah, en fait, moi, c'était lors d'une soirée, en fait, chez un pote. Ouais. Et en fait, bah, ça se passait bien, tout ça. Et en fait, y a un autre pote à moi qui était venu avec moi. Et en fait, je le voyais plus. Et je sais qu'il y avait une meuf qui avait un peu une réputation de, bah, genre, elle chauffait beaucoup les mecs, en fait. Ouais. Et à un moment, je le vois. Et il me dit, ouais, tu sais quoi, enfin, la meuf là-bas, tout, elle m'a sucé dans les chiottes. Du coup, je suis, ah ouais, je fais, bah, c'est bien, tant mieux pour toi. Du coup, moi, je continue ma soirée, tout ça, et la meuf, en fait, elle m'a chauffé, moi. Et du coup, elle a commencé à m'embrasser, et là, je me suis dit, merde, elle vient de sucer mon pote, en fait. Et du coup, elle venait de le sucer, et moi, je l'ai embrassé derrière, et j'ai couché avec pendant la soirée, en fait. Sérieux? Ah, la totale? Ouais. Ah ouais. Ouais, alors qu'elle venait de c'est mon pote, c'était un peu. Sur le coup, c'était un peu crade, mais bon, après j'ai bu 2-3 verres, je me suis dit, allez, vas-y. Franchement, je vais exagérer. Non, mais sincèrement, ouais. tu me dis sincèrement, imagine, je donnerai pas d'exemple français. Non, parce que. On va un exemple, c'est concret. Donnez-moi une très belle fille, Jessica Alba. Ouais. T'apprends vraiment la vraie, hein, la vraie Jessica Alba en soirée, t'apprends qu'elle a sucé Flo des cadeaux. Oh, non, mais attends, écoute-moi. Non, mais attends, je sais où tu vas. Très content. Attends, j'ai pas fini. Elle a sucé Flo des cadeaux. Voilà. Vraiment, et Flo des cadeaux vient te voir en soirée, il te dit, putain, c'est énorme et tout. Merci, Jessica. Jessica Alba, non seulement elle est magnifique, elle est connue, mais putain, je suis elle vient de me sucer dans les toilettes et tout. Alors là, est-ce que tu te dis. Bon allez, je vais essayer de coucher avec elle, l'embrasser même si elle a sucé Flo des cadeaux il y a 10 minutes, oui, mais elle a bu un verre d'eau. Ouais, quoi. Ouais. Où tu te dis non, elle a sucé Flo des cadeaux, j'y vais pas, franchement. Bah mec. Franchement, pour Jessica, ouais, bah, franchement, alors. Arrête. J'y vais, mais déjà, je demande de se laver la bouche. Oh, mais tu demandes un petit coup de brosse à dents, tu vois. Mais il est propre. Et après, on y va. Je suis pas sûr qu'il soit propre, Flo des cadeaux. Si on est sur le festival, c'est pas douché pendant 3 jours. Non, il est aussi propre à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ah ouais, voilà. Je suis très, très propre. Non, mais attends, franchement. J'y vais, mais au pire, je fais pas de bisous. Mais arrête de faire genre, tu fais un malaise, tu vois, Jessica. Tu sors la langue et tout. Tu lècherais même le sperme de Flo des cadeaux sans Jessica. Je t'en donne. Bah si, tu le ferais. Rémi, c'est Crado. Et alors, attends, et donc t'as couché avec? Ouais, après, ouais. Et alors? Bon, ça va. Hein, ça t'a choqué, genre? T'es passé après, du coup? Bah, non, mais c'est. En fait, c'est. Enfin, coucher avec, encore ça, je m'en fous, tu vois. Mon pote, il avait pas couché avec. C'est juste qu'elle l'a sucé et que moi, enfin, je roulais une pelle pendant que j'étais en train de coucher avec, quoi. Ouais, bah, c'est normal. Bah, t'as un peu sucé ton pote. Mais non, c'est vrai. Bah, si, c'est même langue. Désolé, mais c'est ça. Ça n'a rien à voir. Mais n'importe quoi. Mais Amina Lucena, respecte un peu les femmes. Grave, ouais. Mais c'est vrai. Non, surtout, alors là, pour le coup, parfois, t'as des phrases, t'es bien plus dur que les garçons de cette équipe. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu pars du principe que la langue de la fille devient une bite. Bah, ouais. C'est comme mais quand t'embrasses une meuf dessus. Et ça peut être très propre, elle a juste fait une fellation à un garçon, ça fait pas d'elle une souillon. Mais j'ai pas dit qu'elle était souillon. Bah, si t'as dit c'est comme si tu suçais, ça veut dire que. C'est respectueux. J'ai pas dit que c'était sale d'avoir sucé son pote, j'ai dit que c'était comme s'il l'avait sucé. Non, ça veut dire que 10 minutes après, la fille, ça reste une belle femme qui a fait une fellation et elle est toujours très propre. Mais j'ai pas dit que c'était sale, j'ai dit que c'est comme s'il l'avait sucé. C'est pas parce qu'elle a deux relations sexuelles en 10 minutes que c'est parce qu'elle veut. Ça s'appelle la chanson de Jules, c'est émotion. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Salut aux Essarts le Roi, salut les mecs. Ouais, salut. Représente à tous ceux des Essarts le Roi. Ouais. Salut les man. Rémi qui est là, est-ce que on va. Vous voulez parler de. Ouais, de, Evelyn, cul, ouais. De cul un peu cracra. On va en parler maintenant. Juste avant, je vous fais une question, on va filer une petite PS4 rapide là. Je vous file le jeu Lego Star Wars, le réveil de la force avec la PS4 qui va avec. Ouais. Donc PS4 plus le jeu Lego Star Wars qui est sorti mardi. Il faut me dire de quelle couleur sont les soldats de l'Empire. Voilà. Wow. Oula. Oh. Ah, je sais pas. Vous voyez de quelle couleur ils sont? Ah, franchement. Bah, oui. Ils sont comme le cheval d'Henri IV. Ah. De quelle couleur est le cheval 1-1 d'Henri IV? Voilà. De quelle couleur sont les soldats de l'Empire? Vous envoyez Guillaume et le mot avec votre numéro maintenant, allez-y. Voilà, au 612, je tapote ma petite feuille ici, ma petite fiche. On y va, en 2 secondes, on prend un mec avec le logiciel. C'est juste histoire de filer un putain de cadeau. On récupère comme ça tous les jours. Merci. C'est un plaisir, Guillaume. Je te rends l'affiche. Ouais. Guillaume et le mot avec votre numéro de téléphone au 612, il vient de la jeter en arrière. Ouais. Je pourrais avoir une affiche dédicacée par l'équipe. Alors oui, avec plaisir, mon Loïc Douillard. Salut à toi. Salut. Qui est Eole, pain bœuf. Salut, gros. Guillaume, donc, et le mot que je cherche. Alors, par contre, votre numéro de téléphone, il m'est indispensable. Ouais, c'est important. Sinon, je peux pas vous rappeler. Allez-y, juste en 30 secondes, là. Guillaume, un espace et le mot que je cherche, de quelle couleur est le cheval d'Henri IV? Mais la vraie question, c'est de quelle couleur sont les soldats de l'Empire? Voilà, c'est la même couleur. Hein. Ouais. Ouais. C'est l'inverse de noir. Voilà, c'est l'inverse de noir. Comme Laurent, c'est la couleur, PSG. C'est la couleur du Tipex. Ouais. C'est le nom de famille de Laurent du PSG. Laurent, l'ancien du PSG, qui est parti. Attends, et c'est comme le premier bac qu'on passe, celui qui compte pas, le brevet. On passe le bac. Et quand tu parles pas, il y a un. Voilà. Voilà, qui suis-je? Donc, Guillaume, et juste ce mot avec votre numéro au 612. Vraiment en 30 secondes avant de. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor. Sintiendo que soy padre. Abrázame fuerte. Dale, no me suelte. Llegó el tiempo de los remix. Y'a un pote, il a mis sa... La bite dans le cul, il est ressorti avec du marron, merci gros. Ah bah, ça arrive. Ça, ça arrive, hein. Ouais. c'est pas très grave. Là, on parlait vraiment du sexe crade. Voilà, Guillaume, et votre message aussi, sans doute, vraiment, non pas le sexe crade, mais vraiment les plans crado. Un peu comme Rémi. Guillaume, et votre petite histoire avec votre numéro de téléphone, hein, au 6-11-12. J'appuie sur un bouton, la réponse, c'est blanc, bien évidemment. Eh oui, au cas où on l'avait pas trouvé, c'était vraiment donné. Hein. Les gars, j'ai un peu honte, mais c'était histoire de faire une question pour que tout le monde puisse jouer. Allô? Allô? Non, Guillaume? Ça va ou quoi? Enchanté, mec. Oh, papa, putain, mais je suis en train de vous écouter. Oh là là, non, sérieux. Eh bah oui, j'imagine que t'es en train d'écouter. Oh là là là là. Ça va, mec, ou quoi? Ah, ça va, nickel. Ah, oh, bah là, oui, ça peut pas aller mieux. Ah, c'est gentil. Eh, hey, ton prénom et ta ville et tout ça, là? Alors, Steven, j'habite. Enfin, je suis entre La Rochelle et Niort. D'accord, entre La Rochelle et Niort, ok? Ouais, dans les Deux-Sèvres, à Niort. Le 7-9. Ouais? Ouais. Et t'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? J'ai 21 ans et je suis routier. Je suis 21 ans, là, tu vois. Routier. Ouais. Ah bah trop cool, mec. Et bah écoute, je t'envoie la PS4 demain avec le jeu. Oh, bravo, putain, bravo. De merde. Mais oh là là, mais, non, mais ça, je vous écoute depuis que je suis routier, donc ça fait 8 mois, quoi, un truc comme ça. Ouais, ah, un truc trop comme cool. Ça. Merci. Et bah, à chaque fois, je joue. Et sans déconner, mon père, tous les mois, il est en train de péter un plomb. Il y a au moins 10 euros de forfait à chaque fois. Attends, parce que toi, t'habites encore chez les parents et tout, du coup? Ouais, bah je m'en vais là au mois de septembre avec ma copine, tu vois. Ah, très bien. Emménage. Bravo, man. Ouais. Normalement, c'est tout. Bien, t'as vu que ça marche, hein, tu vois l'énigme au final. Oh là là, non mais putain, mais je suis trop heureux, quoi. Ah, c'est gentil, merci. Laisse tomber. Quand j'ai vu une numéro privé, j'ai pété un plomb. Ça s'entend, ça fait plaisir. Ah ouais, moi je suis content quand la personne est contente. Oh, c'est le bâtard, putain, non. Attends, parce que juste, t'as découvert comment l'émission, toi, quand t'as découvert il y a quelques mois? À l'origine, enfin, j'ai découvert au début parce que j'étais à la pêche avec un pote. Et il avait amené sa radio, on écoutait comme ça. Et après, moi, comme c'était vu les horaires, au début, je travaillais le matin, donc à partir d'une heure. Et donc là, je pouvais pas vous écouter. Et une fois que je suis passé routier, là, j'embauche à 20h et je débauche à 7h du matin. D'accord. Donc là, maintenant, voilà, je vous écoute tous les soirs. Coé, toi, Mickaël, tout le temps. Ça, c'est sympa, merci. Hein. Bravo. Écoute, merci beaucoup. T'as plein de soirée énergie, quoi. Ah, c'est gentil. Hein. Et c'est la première fois que tu passes à la radio? Ouais. C'est ton dépucelage. Oh là là. Ouais. Oh là. C'est bon. Merci. Ouais, c'est bon. Eh bah, je suis content de t'avoir fait plaisir. Je suis content que tu sois joyeux comme ça, mec. Écoute, je vais te repasser Flo des cradeaux. Ouais. Des cadeaux. Et il va te prendre ton adresse postale et tout. Puis on te fera le petit colissimo demain. Ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup. Vous êtes une équipe d'enfer. Je vous surkiffe. Ah, merci beaucoup. Je vous surkiffe. Non, mais apparemment, t'écoutes toute énergie, donc tu manges la marque, mais tu manges pas le camembert central. Ouais, t'es un peu une michto de la radio, toi. T'es un peu une michto de la radio, toi. N'oublie pas que c'est que t'as fait gagner la PS4. N'oublie pas que t'as fait gagner la PS4. N'oublie pas ton petit soulier. J'étais sûr, t'allais dire ça. Non, mais c'est vrai? Sûr et certain. Ah, c'est dingue, voilà. On est reliés un peu. Ouais, on est connectés. Non, mais je plaisante, mon Steven. Ça me fait plaisir que t'écoutes énergie, que ça soit ta radio préférée, vraiment. Bah merci à vous en tout cas, putain. On fait tout pour. Est-ce que vous avez envoyé les autocollants d'hier? Oui. Hier, j'avais dit qu'il me restait 1000 autocollants, je vous en envoyais. On a reçu 1237 messages en 2 minutes. Et on en a envoyé 190 ce matin. On en renvoie, enfin cet après-midi plutôt. Et on va en envoyer à peu près 200 par jour. Voilà. Donc dans les 5 jours, vous aurez, tous ceux qui avaient envoyé des messages, reçu les autocollants. Je compte sur vous pour les coller et me mettre un tweet avec l'autocollant un peu partout. Vous le collez, genre sur, j'ai pas le droit de le dire, mais sur un endroit original, vous voyez, vous l'envoyez. Voilà. Après, vous voyez ce que c'est un endroit original pour vous. Un commissariat. Non, ça non. là, je rigole. C'est un exemple de le pire. Justement, j'ai dit pas ça. Et en plus, ça va les faire chier sur le coup. Oui, j'ai dit justement pas faire ça. Non, non, non, pas un commissariat. Pas une voiture de flic. Pas une voiture de pompier. Voilà, voilà. Pas un char. Mais pas les SAMU et tous les trucs comme ça, là, les gars. N'importe. Vraiment. Ni une mairie, ni le pire. Ni un ministère. Il est vraiment con. Le RAID. Faut pas faire ça. Je pense que ça n'a pas le temps de le coller au RAID. Ah ouais. Une autre radio après, c'est marrant. T'imagines le mec, il sur va. La visière. Sur le bouclier. On les embrasse, les mecs du RAID, ils écoutent. Les mecs du GGN, ils écoutent. Salut, à Versailles. Ouais. Bisous, les mecs. Bon, en tout cas, bisous, mon poteau. Je t'en passe Flo des cadeaux, d'accord, ouais. Steven. Bah, bisous à vous. Bonne soirée. Vas-y, si tu veux faire une petite dédié avant de partir, vas-y. Hein. Ah bah dédié à tous ceux qui me reconnaîtront et à ma copine qui s'appelle Constance. De dormir, mais bon, c'est pas grave. Eh ben très bien, hein. Dédicace alors. Dédicace. Voilà. À bientôt, mon Steven, bonne route. Hein. Ouais, merci. Merci d'être là, mec. Salut. Vas-y, gros bisous. Ciao. Et on se retrouve demain à partir de 21h sur Énergie. Demain, ouais. On aura encore le dernier des GI Fantôme, ouais. 3. Le dernier. Et demain, on fera tourner la roue pour savoir qui restera dans l'équipe. Et pendant 15 jours, la roulette russe. On est encore là. Ça sera la vraie roulette russe à l'ancienne. Avec alors ça peut être, je vais vous montrer, on l'a déjà James Sandar, ouais, ou pas normalement, ouais. Alors par exemple, je ferai tourner, je peux mettre entre 0 et 6 personnes. Donc ça veut dire que je peux animer tout seul ou avec une personne, 2, 3, 4, 5, 6. Aujourd'hui, j'ai 4 personnes avec moi. Ouais. Julien le stagiaire. Ouais, je suis là, salut. JM qui est au standard. Ouais, toujours là. Amina au standard. Oui, coucou. Et Flo des cadeaux. Ouais, salut. Et donc je ferai tourner la roue, par exemple, je la fais tourner au hasard et ça va. Non, ça compte pas, hein. C'est juste pour voir. Un match amical là. Ah ouais. Personnes. Voilà. Voilà. Ah ouais, ça veut dire que là, par exemple, bah, j'aurai deux personnes. Ensuite, je mets les noms des gens de l'équipe. Voilà. Je mettrai même Guigui de la régie, Jordan l'apprenti, Julia qui est en stage chez nous jusqu'à l'été, mais qui a une petite chasse aujourd'hui. Hein, voilà. Ah. Qui n'est pas là, aujourd'hui. Je pourrais même mettre un auditeur. Ah ouais. L'un d'entre vous, comme ça, je pourrais prendre au hasard la veille, au soir, par SMS, je prendrai l'un d'entre vous qui viendrait faire l'émission avec moi. Donc, je peux très bien me retrouver à être tout seul avec l'un d'entre vous. Ouais, avec 6 personnes. Ou tout seul. Non. Ou alors, par exemple, je vais faire tourner la roue pour vous montrer, hein, comment ça va marcher demain. Oh, le bruit. C'est deux roulettes différentes et là, ça va tomber sur, par exemple. Flo des cadeaux. Voilà, t'as gagné. Donc là, par exemple, tu serais un des deux. Ok, de sélectionné par l'entraîneur. Et là, je refais tourner au hasard. JM du standard. Oh, ça fait plaisir. Mais ça compte pas, ça fait toujours plaisir d'être un de mon nom. S'il faut, tu comptes là, mais tu tomberas pas demain. Ah, j'espère, Guillaume. Mais voilà. Je vais la truquer, la roue. On fera demain. Ah, il y a de l'attention là. Bon, bah, c'est top, hein, les mecs. Et je vous fais un gros bisou à tous. Je vous laisse avec Mickaël, normalement, qui doit être arrivé. Bah oui. Et qui est portugais d'ailleurs d'origine, Mickaël. Et oui, tout à fait. Et bah, bravo. Et bah, voilà. Non, et la plus belle victoire, quand même, du Portugal, c'est d'être en demi en ayant gagné un match. Et ça, je trouve ça beau. C'est scandaleux. Pourquoi? Non, mais attends, ce soir, ça va. Ils ont bien joué. Bah, parce que les trois premiers matchs, ils ont fait un match nul. Et puis ils ont réussi à passer. Ils ont gagné contre la Croatie 1-0 à la 117e. Et là, ils ont encore fait un match nul. Ils ont fini meilleur troisième de la poule, quand même. Ah ouais, c'est vrai. T'imagines si on a fini la meilleure place. En fin de compte, on a fini la meilleure place. Ouais. Et nous, la France, on joue dimanche 21h. Ouais, dimanche. Il peut y avoir France-Portugal en finale, mais bon, c'est un peu gros là. Il pourrait y avoir France-Portugal, ouais, c'est vrai. Tu serais pour qui, Mickaël? France-Portugal. C'est vrai. Bah, évidemment. Portugal. Non, si jamais il n'y a pas le Portugal ni la Belgique, je soutiens la France, bien sûr, mais sinon, non. Il peut y avoir Belgique-Portugal en demi. Et il pourrait y avoir Belgique-Portugal, ouais, c'est vrai. Et pour l'arbitre là, je sais pas. Non. Et pour la Suisse. Pour que le meilleur gagne. Ah bah, le mec non. Qui ose pas donner son avis. Amina le gendarme, ouais. tu serais pour qui, toi? Comment ça? Bah, comment ça? Il y a deux choix. C'est trop pour moi, Guillaume. Mais non, de quoi? Belgique-Portugal? Non, Belgique ou un autre pays, je sais pas, ou France. Comment, ou est-ce que t'as une équipe de prédilection? Bah, la France en ce moment, ouais. Tu peux donner ta réponse en les plans. Non, mais tu pourrais avoir, je sais pas, fait des vacances au Portugal et tomber amoureuse de ce pays, par exemple. Non, mais alors pour le coup, c'est vrai que j'aime beaucoup la Turquie. Et quand il y a des matchs de la Turquie, bah, j'aime bien, tu vois. Je suis contente quand ils marquent et tout ça. Mais je reste plus la Turquie, pour la France. Ils sont rentrés. Mais bon, pour l'Italie, c'est pareil. Mais la Belgique a très très bien joué, en tout cas. Ils jouent demain soir. Ouais. Pour l'instant, on verra demain. Bon, bah, demain, on est tous belges. C'est France, Belgique quoi demain? Pays de Galles. Demain, on est pour la Belgique. Moi, demain. Ouais, il y a un principe pour le contraire. C'est ça, c'est le principe de casser les couilles, je connais bien. Allez, amusez-vous bien, les gars. Demain, on s'en roule. Allez, bonne nuit. Et vous, c'est demain 21h. Ouais, demain 21h, on sera là, oui, exceptionnellement. Ça marche. Allez, 21h demain. Et nous, on est en direct jusqu'à 3h. Bienvenue. Pas triste. Le plus important dans la vie, c'est toi. C'est toi. Ta vie, ton bonheur, ton choix. Prends ton baluchon et voyage. Regarde, émerveille-toi. Profite de la vie. Tu es seul. Alors avance. Marche à contre-courant. Parle, change, apprends. Choisis la voie la moins empruntée. Le bonheur est au bout du chemin. Mais ne suis pas le chemin des autres. Personne ne peut rien faire pour toi. Ta vie, ton bonheur, ton choix. Tu veux faire le premier pas ? Écoute Mickaël sur Énergie tous les soirs. Tous les soirs, de minuit à 3h. Allez, c'est parti, on est là en direct. Bienvenue si vous venez de débarquer, peut-être pour la première fois. Pourquoi il y a Enrique Iglesias là ? C'est pas le moment encore, Enrique Iglesias, du calme. Oh là là, tranquillement. Bon, Toff qui est là aussi en pleine forme ? Évidemment. Moi je le suis en tout cas, mais donc je voulais savoir si toi aussi tu l'étais. Passer une bonne évidemment. Journée, tout ça, comme d'habitude. Magnifique. Magnifique. J'ai insulté des automobilistes avec Polo, donc tout va bien. Ah bon ? Qu'est-ce qui s'est passé encore ? Bah rien, on a croisé des gens, il les a insultés, donc tout va bien. Ah, d'accord, non, mais parce la routine quoi. Faut savoir que c'est la pire période, là, c'est tous les. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il a raconté des vacances, là, qui veulent partir en vacances, c'est ça, qu'ils savent pas conduire. Ouais. Dont les gens immatriculés dans le 59. Que je salue au passage. Non, franchement, les pires conducteurs du monde, c'est définitivement les mecs du 59. Les Hollandais, le 59, et les mecs du 93. Ah, quand même aussi. Et donc voilà, il y a un moment donné, les mecs, ils savent failli, c'est des Mongols, quoi. C'est comme ça. Bon, enfin bref, donc Toff a passé une bonne journée, tant mieux. Polo qui râle, donc c'est qu'il va bien, c'est que tout va bien. Le ramadan bientôt terminé, Toff, hein ? Ben écoute, oui. Alors, on sait quand c'est, toujours pas ? Écoute, d'après les infos, c'est soit lundi, soit mardi. Donc soit lundi à 22h, soit mardi à 22h. Voilà, soit il finit lundi, c'est-à-dire que c'est son dernier jour d'avoir jeûné le lundi. Ouais. Soit le dernier jour c'est mardi. Ah ouais, putain, toi, ce serait con. Ce dernier jour, on va être de trop, je crois, non ? Par rapport à branlette, tout ça, non ? Je vais tenir un jour, je tiendrai. Mais ça t'est pas sorti un peu de la tête ? De quoi, la branlette ? Ouais. Mais que je pense plus qu'à ça. Je ne pense plus qu'à ça. C'est-à-dire que le seul truc que j'ai envie de faire là, c'est-à-dire, c'est d'aller me branler. Ouais, non, il y a un problème. C'est vraiment de la merde. Il est pas normal. De la merde. Oh là là là là là là. Bon, Polo, quand même, une analyse footballistique pour bien le match du soir. Vous savez que je suis un spécialiste du football. Je rappelle que Polo est un spécialiste du football. C'est ça. Polo a inventé le football. Mais bien sûr. D'ailleurs, Bein m'a proposé l'année prochaine de tenir une chronique footballistique. Pour remplacer La Fonseca ? Tu parles avec l'accent espagnol. Oui, c'est ça, La Fonseca. Non, Da Fonseca. Moi, je l'appelle La Fonseca. Ah, La Fonseca. Eh bien, c'est là qu'on voit que le Portugal a. C'est un travail manuel, quoi. Tu vois. Ils savent monter. Non, mais c'est ça. C'est un travail de longue haleine. C'était comme une maison que tu montes. Tu vas d'abord les fondations. Et puis la structure, et puis le toit, quoi. Et le carrelage à la fin. Voilà, ils ont fait du bon boulot. Ouais, c'est bravo, ça. Le Portugal. Voilà, bravo. C'est ça, ouais, et c'est les ça. Polonais, comme d'habitude, comme ils étaient tous alcooliques. Arrête de dire ça. Non, franchement, ils ont bien joué. C'est quoi tous les ces stéréotypes là? Non, c'est vrai, les Polonais ne boivent pas. Mais le principal, c'est de passer. Bon, Valentino Standard aussi, 0140-71-5000, comment ça va? Ça va bien, et toi? Bah oui, ça va bien. Là, j'en ai fui bonne. Ouais, bon, bah tant mieux. Allez, c'est parti. Je rappelle que ce soir, attention, la dernière chance pour vous de repartir avec la PlayStation 4 ou la Xbox One. C'est vous qui choisissez. La photo est sur le Facebook de l'émission. Vous tapez IKL officiel, vous me donnez simplement votre avis, vous préférez quoi, la PS ou la Xbox? Et puis bah du coup je fais un tirage au sort parmi ceux qui ont joué depuis le début de la semaine. J'en tirerai un au sort, celui qui me répond tout simplement, hein. J'enverrai un message privé, celui qui répond bah gagne. Voilà, pas plus compliqué que ça, hein. Vous tapez MIKL officiel. On écoutera du son tout à l'heure avec The Chainsmokers qui va arriver, hein. Il y aura aussi Ria et Drake. Et avant 1h du matin, je vous mets le son de Pink. Et alors, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un Indonésien de 10 ans qui pèse 192 kilos. Ah ouais, quand même. Non mais c'est un truc de dingue. 10 ans, 192 kilos. Ah oui. Franchement, les parents devraient être condamnés parce que c'est quasiment un meurtre de faire ça, quoi. C'est ouf de l'avoir laissé aller jusque là. Ouais. C'est impossible de laisser son gosse comme ça. Je viens de regarder, c'est même pas une maladie, hein. Oui, parce qu'il a bouffé de la merde. 180, t'imagines la violence. C'est un truc de dingue. Oh putain. Et là, je remange un bonbon pour lui. Ouais, c'est ça. Ils sont en train de dire qu'ils s'inquiètent pour sa santé. Ah bah oui, il était temps. Hein. Il aurait fallu s'inquiéter de quand il avait 45 kilos, 50 kilos, tu vois. Bah oui. C'est déjà là, il est gros pour 10 ans quand même. Hein. Bah oui. Putain. Donc ils ont décidé de le mettre au régime, ça c'est la bonne nouvelle. Donc bah oui. Voilà, je voulais savoir si vous aviez fait des petits régimes avant les vacances pour être beau sur la plage. Voilà. Bien sûr, je suis en plein régime là. Ouais, non, mais toi t'as pris le ramadan. Mais ça t'a fait perdre du poids ou pas le ramadan ? Bah en fait, j'ai pris du poids sur le début. Ah bon ? Et là maintenant je le perds, ouais. Mais t'as pris genre. Tu perds ce que t'as pris ou t'as. Ouais, en fait j'ai pris 2 kilos au début. Ouais. Et là en fait je suis revenu. Je suis légèrement en dessous de ce que j'avais au départ. Ah ouais. J'ai genre perdu 200 grammes par rapport au. Oh, 200 grammes, c'est la marge d'erreur. Enfin, t'as pas perdu quoi. T'as pas perdu de gagner. Bah si, j'ai perdu 2 kilos. J'ai perdu parce qu'à un moment j'ai pris 2 kilos et je les ai reperdus quoi. Putain, et quand tu jeunes mec, tu prends 2 kilos, tu te dis mais ni ta race. C'est quoi ouais, mais il faut dire que c'est l'alimentation. Après, tu me diras, c'est pas. Ouais, l'alimentation de Toff, c'est frites, voilà. Frites, viande grasse. Non, mais c'est ça. Et je pense que en fait, au début, j'arrivais pas à gérer. C'est-à-dire que maintenant, je suis dans une période où en fait, je mange un peu moins que ce que je devrais pour arriver jusqu'à 22h. Donc, ouais. Du coup, vers 21h, j'ai vraiment la dalle. Alors ouais. qu'avant, j'arrivais et j'étais vraiment bien quoi. D'accord, ok. Bon bah du coup dites-nous si vous avez fait des petits régimes juste avant l'été. Tiens, appelez-nous maintenant 01 40 71 5000. Si vous êtes en Belgique, faites le 02 703 0071. Et puis bah vous passez en direct à l'antenne. Il y a Jessie qui dit le Portugal va en finale. Oh, bon, on est déjà en demi, c'est déjà pas mal. Luna qui dit toujours là comme d'hab, vous gérez. Merci Luna. Il y a Aurore aussi. Salut les copains, je vous écoute pour passer une soirée de ouf. Gros bisous les mecs et un gros bisou à Toff. Message passé. Et So Adam qui dit aussi sérieux les Portugais, rangez vos klaxons, c'était pas la finale de la Coupe du Monde. Ouais, mais alors ça, par contre, j'ai jamais vu ça pour les autres coupes. Mais la Coupe d'Europe cette année, chaque pays qui gagne, tout le monde sort et il klaxonne les drapeaux. C'est comme si c'était vraiment la finale ou à la limite la demi-finale, tu vois. Et depuis les poules, c'est comme ça, c'est bizarre. Et Seb de Quimper, salut les fous de la night. Salut Toff, le chien de la casse. Eh, il est là, le chien de la casse. Hein. Il est là, il est en forme. Il termine son ramadan alors qu'il n'est pas musulman. C'est ça. À la cool. On va accueillir Jean qui est avec nous aussi maintenant. Salut Jean. Salut à vous. Comment ça va? Salut Jean. Ouais, ça va. Bon, bienvenue à toi. T'as fait un petit régime ou pas, toi, avant l'été? Ah, obligé, toujours. Je débute au mois de mars. Ah oui, mais tu le débutes maintenant, donc tu vas le finir pour l'hiver, quoi. Non, je débute au mois de mars, t'inquiète pas. Ah, ok. T'as perdu combien? J'ai perdu à peu près, en grosso modo, 5 kilos. Ouais. Ah, pas mal. Ah, j'en ai fait un aussi, cela dit. Hein. Ça m'a permis de perdre 6-7 kilos depuis l'hiver. Non, parce qu'en hiver, le problème, c'est que tu bouffes comme un porc. Hein. Tu fais pas attention, tu vois. Tu te dis, t'as des gros vêtements. Mais je fais jamais attention. Oui, non, ça se voit. Mais. non, mais je veux dire, voilà, tu sais, tu as des gros vêtements, tu fais pas gaffe, ça déborde un peu, mais personne voit. Et puis, c'est quand tu commences à arriver. Tu sais, genre, la fin de l'hiver, quand il commence à avoir un petit rayon de soleil qui fait 15 degrés, tu dis, ah, et cool, je mets les t-shirts. Et c'est là que ça rentre plus. Tu boudines. Ouais, et que ça boudine un peu, effectivement. Donc, pas un régime. T'as fait quoi comme régime, Jean? Je mange moins qu'avant, en fait. Mon petit déjeuner, c'est. Autant pas mal, Jean, là. Mets-toi un petit peu plus de réseau, s'il te plaît. Tu m'entends mieux, là? Ouais, vas-y. Non, en fait, je te disais. Non, ça marche pas mieux, ouais. ça marche pas mieux. Oui, attends, téléphone de merde, Jean. Non, on va essayer de te rappeler, Jean, bouge pas de là, t'inquiète. Bon, du coup, dites-nous si vous avez déjà fait des régimes, s'il y en a des meilleurs que d'autres. 01 40 71 5000 MIKL officiel sur Facebook, Twitter, Instagram, venez nous rejoindre. Ce soir, c'est jeudi, donc jeudi, forcément, c'est le canular du jeudi. Ah. Et putain, c'est vrai. Quoi? On est le 1er juillet. Ouais. Non, pas encore. Si, si, là, ça y est, il est minuit 13. C'est le 1er juillet, mec. C'est les grandes vacances, ça y est. Les grandes vacances, ça bientôt y est. Le chassé croisé. Le fameux bison futé va donner son avis tous les jours. Ce bâtard de bison futé. Savoir que Polo, c'est une grande histoire d'amour entre bison futé et lui. Déteste. Et il va donner son avis sur TF1, vous allez regarder. Oh là, et le bison futé, donc, annonce que les départs seront noirs. Et on l'a entendu tout à l'heure. Ah, ça y est, bison futé, orange pour ce week-end. Oh là là là là là là, orange pour ce week-end. Bon, mais heureusement, t'as pas prévu de partir quelque part, Polo. Non, pour l'instant, non. Bon, je ne vais pas sur le chassé croisé des vacances. Bon, alors ça va. Mais pour l'instant, il n'y a pas de chassé croisé. Il faut d'abord que les premiers pas. Que oui, les juilletistes rencontrent et croisent les Haoussiens qui reviendront évidemment à la fin du mois de juillet. Bon, allez, Enrique Iglesias, on démarre l'émission avec ce morceau-là. Enrique Iglesias, maintenant, il est minuit 14. On est en direct, on est sur RG à la cool, en direct jusqu'à 3h du matin. Passez une bonne soirée, passez une bonne nuit, tout le monde. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos. Que te quiero dar, a mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar que ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Con un beso, yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Et bonne soirée tout le monde, bonne nuit, même minuit 17, on est au cœur de la... Non, pas encore, au cœur de la nuit sans pub. On va d'abord se mettre la pub en speed, on va revenir juste après. Et là, on sera au cœur de la nuit sans pub avec Laura aussi qui dit trop contente de que le Portugal ait gagné. Allez, la Belgique demain pour affronter le Portugal en demi. Ah bah on verra ça. Mickaël passe en mode été. Alors soyez là avec nous tous les soirs pour s'amuser et délirer sur Énergie de minuit à 3h. Ouais, tout à fait, ouais, minuit 18. Bon, dans un instant, je vous mets le son de Chainsmokers. Il y aura aussi Drake et Rihanna comme promis. Aurore qui dit petit régime de 40 kilos. Ouais, Aurore, ouais, c'est vrai, on t'avait déjà eu. Tu parles petit régime, ouais. Emma aussi, contente de vous entendre, les gars. On va bien rire, comme d'habitude d'ailleurs. Et alors, Saporetti qui dit hello la Dream Team. Salut à vous. Tous vos messages en direct, n'oubliez pas, vous mettez M-I-K-L officiel si vous voulez réagir avec nous. Sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Et M-I-K-L et votre message aussi sont 12. Est-ce qu'on a récupéré Jean? Oui, je suis normalement là. Ah, bah là ça marche. Eh bah, parfait. J'ai enlevé ma coque, c'est pour ça. Ah, c'était ça le problème. Ouais, parce qu'évidemment, ce connard de Toff ne t'avait pas dit aux antennes de ne pas mettre le kit main libre ou le haut-parleur. Ah non, je l'ai pas mis, c'est la coque en fait, la coque du téléphone que j'ai. Ah, c'est la coque qui mettait un son si bizarre. Ah, oh, d'accord. Ouais, en fait, c'est les iPhones, ça empêche l'antenne de le réseau de passer. Ah, d'accord. Ah bon. Bah écoute, bon, bah bienvenue Jean alors, du coup. Hein. Bon, tu nous appelles pour quoi, toi, dis-moi? Bon, en fin de compte, bah, c'était par rapport à l'anesthésie générale. Ouais. En fait, et bah. Mais pas médecin. Hein. Pardon. Non, bah,